Salut à tous, bienvenue sur Upcast.fr, le podcast qui vous parle de divertissement et de jeux vidéo, parfois de techno, mais ça fait de plus en plus longtemps qu'on a oublié de le faire et qu'on n'a plus trop temps de le faire. Bonjour, donc moi je suis Grégoire, je suis l'hôte de ce podcast et vous avez déjà entendu rigoler Julien. Salut Julien. Salut à tous, ça fait longtemps, un mois. Ouais, ça fait longtemps, un mois, ça a été très très compliqué de préparer ce podcast et aussi Dim qui est avec nous. Salut Dim. Ouais, salut tout le monde. Ça va bien depuis ce mois-ci ? Bah écoute, ouais, parfait, j'espère que vous aussi. Bah ouais, ça va, ça a été compliqué de le préparer. On a été sans réseau pour au moins deux d'entre nous pendant au moins une semaine, hein, Dim et moi. Donc on va essayer d'improviser quelques news. Vous étiez parti dans les... bah, pour mon boulot, j'ai dû aller dans une région où il n'y a pas de réseau. On y croit ou pas, mais ouais, c'est vrai. Hein, donc, ouais, moi j'étais en formation toute la semaine, où pareil, il n'y avait pas de réseau trop. Donc voilà, c'est un peu dur, de... c'est très dur d'aller à la pêche aux news. Des vies trépidantes. Ah, c'est passionnant dans la vie, exactement. Ça ressemble à un film français, tu vois. Un petit peu. C'est aussi passionnant que ça. Du coup, bah, ça nous fait plaisir de revenir pour ce Upcast 36. Hein. Donc, on va beaucoup parler de divertissement, je crois, ce soir. Et on a peut-être déjà un petit retour à faire sur ce qui s'est passé entre deux podcasts. Parce qu'il y a eu un événement, il y a eu la consécration pour nous, n'est-ce pas, Julien ? Oui, puisqu'on a été assez surpris de voir qu'on avait été cité par donc, Silence on joue. Et ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Silence on joue, c'est le podcast de Libération animé par Erwan Cario. Comme s'ils ne connaissaient pas Silence on joue, non, alors qu'ils nous écoutent, tu vois, t'as envie de dire, ceux qui écoutent Upcast, ils connaissent tous les podcasts. Par exemple, des gens qui n'écoutent que des choses liées à l'actualité du cinéma ou qui ne sont pas du tout jeux vidéo, ça peut, parce qu'on, c'est pas faux. On peut avoir c'est un public, voilà. Bon, après, je pense que beaucoup de gens connaissent Silence on joue. Et voilà, donc... ça fait plaisir, honnêtement, on s'y attendait pas. Merci Erwan Cario, à son équipe, ouais, voilà, tout ça. Ça fait toujours plaisir. Bon, la seule explication, c'est que moi, je suis sur le forum de Silence on joue et que, en fait, voilà, je tenais un post pour faire un petit peu, à notre échelle, la promo d'Upcast. On ne fait pas tellement de promo d'Upcast. Mais voilà, il a pris l'initiative de son propre chef de parler de Upcast et également de What the Duck, qui est un autre podcast dont je connais quelques personnes dessus. Vous pouvez écouter aussi, c'est très sympa. Et voilà, donc c'était très, ouais, voilà, très surprenant. Très m'a envoyé des petits messages pour me dire, on parle de Upcast dans... Ouais, dans on nous l'a signé dans les commentaires aussi sur le upcast.fr. Voilà, donc vraiment très sympa. En plus, moi, c'est un podcast que j'aime beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. On est pas recommandé par... je sais pas, un podcast de merde qu'on déteste. Pas citer nom à pas faire. Gaming. Cyprien Gaming. Là, par contre, ça nous ferait de l'auditeur. Hein. Bon, attends, bienvenue. En plus, on le connaît pas, il est peut-être très sympa. Moi, si vous venez de la part de. Enfin, si vous venez de la part d'Erwan Cario, j'allais dire. Si on n'a pas regardé si ça avait boosté les audiences. Ouais, non, je pense que ça va pas les booster des masses. Je sais pas. On ne sait pas d'ailleurs, on regarde plus les audiences. On est au-delà de ça. Ça fait au moins 15 podcasts. On est au-delà des audiences, au-delà des Patreons, au-delà de toutes ces choses. Au-delà ou en dessous. On sait pas. À côté. Ça se trouve, on a eu une grosse augmentation. On a vraiment pris une. Là, on est des stars. Du galon, on le sait même pas, quoi. On a songé à lancer un Patreon maintenant, parce qu'on se dit, là, il y a plein de nouveaux personnes qui vont écouter. Là, ouais, c'est le moment de lancer un truc, mais bon, on verra plus tard. Du coup, on va commencer, on va se lancer. C'est tout et tout, hein, pour le retour entre les deux podcasts. Bah oui, parce qu'il y a un mois, donc c'est vrai que... Bon, là, on va pas revenir sur les commentaires qui sont un peu datés, du coup, mais n'hésitez pas à venir faire un tour sur upcast.fr pour les voir, y participer si vous voulez. Il y a toujours des choses intéressantes, ouais. Des conseils. Ah, bah, y a beaucoup de trucs super sympas, voilà. Ça, c'est clair. Et il y a beaucoup de choses à prendre, effectivement, les conseils, ouais, aussi dans les commentaires de nos auditeurs. On va tout de suite lancer le podcast 36 avec la partie divertissement. Partie divertissement, on va improviser un débat. On n'a rien préparé du tout. Et Julien a une idée saugrenue qu'on va essayer de mener à bien. Non, oui, j'ai précisé un débat ouvert. Je dirais pas qu'il n'est pas préparé, mais c'est un peu de la prospection, parce que de l'anticipation, puisque bon, forcément, vous êtes au courant, Donald Trump a été élu 45e président des États-Unis. Donc voilà, le but, c'est pas faire de la politique. On est fiers. D'ailleurs, j'avais baptisé ce débat Trump le monde en hommage aux Pixies. Et j'ai vu que After Eight avait aussi baptisé son dernier épisode où il parle plus là, parce que c'est plus un tenant politique. Nous, c'est pas l'objectif du débat. Bah surtout qu'il y en a un qui vit aux États-Unis dans After Eight. C'est aux États-Unis, donc c'était plus un débat sur la façon dont c'était perçu là-bas, et voilà, donc lui il le percevait. Mais non, moi la question que je me suis simplement posée, c'est par rapport finalement à ce qui nous intéresse, le divertissement, et principalement le divertissement américain, si l'élection de Donald Trump, elle allait finalement changer la façon dont on faisait des livres, dont on écrivait des livres, dont on faisait des films, dont on jouait de la musique, finalement, le divertissement américain, et ce qui va être finalement changé. Donc forcément, c'est pas un débat, dans le sens, c'est pas qu'on n'a rien préparé, c'est que c'est un débat qui est complètement ouvert, parce qu'on peut pas savoir vraiment ce qui va se passer. Voilà, on sait que l'industrie du cinéma, l'industrie de la musique, du divertissement américain en général, elle est bien plus démocrate que républicain. Et surtout, elle est, depuis le début de la campagne américaine, assez quand même farouchement opposée à Donald Trump. Alors après, il y a toujours eu des républicains, notamment parmi les acteurs. Hein. On en citera quelques-uns tout à l'heure, pour faire de la délation, mais pour voir un peu les forces en présence. Donc, on va dire qu'avec l'élection du candidat républicain, c'est un peu la gueule de bois pour beaucoup d'artistes, si on en croit les déclarations le lendemain de l'élection. Déjà, c'est l'occasion de monter, comme je disais, une petite guerre et de voir qui est dans chaque camp. Alors, côté soutien aux démocrates, là, forcément, on en trouve beaucoup. Donc, les soutiens d'Hillary Clinton, alors, c'est à la fois des soutiens qui sont proches, des gens qui sont ouvertement démocrates. Donc, on a par exemple Mia Farrow qui a confié vouloir s'exiler en Irlande. J'ai déjà mon passeport pour l'Irlande, elle a déclaré. Donc, ça, Chris Evans, donc. Et qui est Captain America, donc même Captain America est démocrate. Ça fait un choc. Puisqu'il a déclaré « C'est une nuit embarrassante pour l'Amérique. Nous avons laissé un propagateur de haine diriger notre grande nation. Nous avons laissé notre avenir aux mains d'un tyran. Je suis dévasté. » Donc Judd Apatow a déclaré « Trump n'en a rien à foutre de vous. C'est un propriétaire de casino qui sucera le dernier sou d'une vieille dame avec joie. Ce n'est pas un sauveur. » Donc on a Katy Perry, hein, là, pour le coup, qu'elle avait fait vraiment une grosse campagne pour Hillary Clinton, qui a dit « Nous ne nous tairons jamais, la révolution arrive. » Il y a Chuck D de Public Enemy qui a eu pour sa part une formule assez choc. Hitler is real. Donc voilà. Hitler est réel. Ça va, c'est loin. On ne sait pas, on verra si ça va. On en parlera peut-être dans 2-3 ans. Moi, ce que je me suis toujours demandé, si c'est toutes les personnes qui justement disaient si Trump est élu, quitte les États-Unis, si elles vont vraiment le faire. Quoi. Alors, tu sais que le Canada a reçu un nombre de demandes de visas assez hallucinant. Le site a crashé d'ailleurs, je crois. Le site a crashé juste après, alors peut-être que c'est des gens qui voulaient rigoler ou peut-être que des gens l'ont vraiment fait, je ne sais pas. Donc Madonna, qui est un autre soutien très actif de Clinton, a déclaré « Une nouvelle flamme s'est allumée, nous n'abandonnerons jamais, nous ne renoncerons jamais ». Et Lady Gaga aussi, qui avait soutenu jusqu'au dernier moment Hillary Clinton en faisant le déplacement jusqu'en Caroline du Nord pour appeler au vote, elle a fait un petit jeu de mots qui disait « Love Trump's hate », donc l'amour trompe la haine. Donc il y a aussi Rihanna ou Snoop Dogg qui a demandé à Drake des conseils pour emménager chez lui à Toronto. Ça, c'était plutôt drôle. Et Marilyn Manson aussi, qui n'est pas vraiment connu pour ses positions démocrates. Hein, on ne sait jamais trop où il se situe. Il a déjà eu parfois des convictions, des déclarations plutôt républicaines. Donc il a réagi via un clip où on voit un homme se faire trancher la tête. Et on reconnaît quand même la silhouette de Trump, même s'il avait déclaré que finalement, entre Clinton et Trump, c'était entre, je crois, une merde de chat et une merde de chien. Bon, voilà, donc lui, il était pas convaincu, quoi. Dans l'autre camp, on a quand même moins nombreux, mais on a bien sûr Steven Seagal ou Stephen Baldwin, qui a déclaré, lui, Dieu bénisse l'Amérique et notre 45e président des États-Unis et la nouvelle famille présidentielle, donc pas très original. Kirstie Alley, qui était connue pour Allô Maman, Allô Maman Bébé. Tu commences à aller chercher déjà dans les grosses stars, là, je vois. Donc, félicitations, président Trump, contre toute attente, contre l'ordre établi, vous avez réussi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui revient souvent dans les réactions, c'est la victoire contre la presse, contre l'établishment. Ça, c'est un truc qui a été vraiment mis en avant. Trump jouait vachement là-dessus. Voilà, il a fait toute sa campagne là-dessus. Et finalement, tous les médias qui étaient très pro-Hillary Clinton et qui avaient même prévu que Hillary Clinton gagnerait sans aucun problème, finalement, c'est un peu aussi une défaite cette presse-là, de l'établishment et de tout ce qui est établishment installé. Et on a, plus surprenant, la rappeuse Azealia Banks qui a dit « Je suis putain de fier de vous, d'abord pour être un Gémeau. » Bon, ça, on sait pas, parce qu'ils sont du même signe, ok. « Ensuite, pour être originaire de New York. » D'abord pour deux trucs dont il n'est pas responsable, en fait. Voilà. « Enfin, pour avoir gagné les présidentielles et avoir battu les médias, la dernière partie est votre plus grande victoire et je dois dire que je suis véritablement inspiré par cela. » Eh ben écoute. Donc ça, voilà, un peu plus surprenant. Et puis après, on les connaît un peu, tous les républicains. Mais Chuck Norris. Chuck Norris, Clint Eastwood, même si je crois pas que Clint Eastwood ait réagi. J'ai pas fait gaffe. Après, Clint Eastwood, même ses films sont plutôt ambigus sur la question de ses positions politiques. On a Bruce Willis, Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Donc bah voilà, ma question, elle est à la fois assez simple, assez compliquée. C'est, comme je disais au début, de savoir si l'élection de Trump va changer le contenu des films, des disques ou des livres. Hein, on sait que les écrivains américains, notamment, ils attendent pas tellement de temps pour prendre à bras le corps que ça soit un événement comme le 11 septembre. Alors que c'est vrai qu'en France, on est plus mesuré sur finalement le regard d'un artiste sur toujours un événement. Mmh. On attend toujours plus longtemps. Il y a toujours, tu vois, par exemple, les livres sur De Gaulle, ils sont venus bien après. Les livres qui soldent de mai 68, ils sont venus bien après. Alors que généralement, aux États-Unis, bah, 2-3 ans après, tu avais déjà ils ont déjà en réflexion sur ce qui se passe au sein même de leur pays. Bah voilà, c'est finalement, comme on peut le lire dans les réactions que j'ai citées, une certaine Amérique, celle des artistes démocrates et surtout celle des artistes anti-Trump, va entrer en résistance et qu'on verra le résultat dans les œuvres. Ou à l'inverse, est-ce qu'on pourrait pas avoir une censure plus forte de la part de l'administration Trump? Bon, après, j'en doute, hein, on est dans les États-Unis, donc ça passe toujours sous le couvert du pays de la liberté. Mais voilà, je me suis un peu interrogé sur cette question. Je sais pas si vous, vous avez un avis sur ce qui peut se passer. Bah perso, moi, je dirais plutôt, enfin, je l'espère, je l'envisage plutôt comme la première solution que tu as citée, à savoir plutôt quelque chose qui va nourrir quelque part le discours artistique. Enfin, voilà, que ça soit le rock ou plein d'autres courants artistiques, ils naissent quelque part de l'opposition, de la contestation et de la rébellion. Et voilà, les livres qui veulent dénoncer quelque chose, bah, quand il y a quelque chose qui leur tient à cœur, quand il y a quelque chose à dénoncer, s'ils y croient, voilà, s'ils sont profondément anti-Trump, je pense qu'ils auront des trucs intéressants à dire. Je pense que, tu vois, quand on a eu... bon, c'est pas forcément un bon film, mais voilà, Bowling for Columbine, ouais, où tous les trucs qui ont été produits, c'était à l'époque où c'était une autre présidence des États-Unis qui était également républicaine, et voilà, où comment il s'appelle, Michael Moore s'y opposait farouchement. Donc, je pense que ça peut faire naître des choses intéressantes dans l'idée de contestation chez les artistes. Je pense que ça peut le faire, surtout, après, je suis pas dupe non plus. Enfin, je pense qu'il faut pas trop parler de la culture mainstream, parce que la culture mainstream, elle va pas non plus être dans une contestation folle, quoi, de ce genre de truc. Donc, bon, Katy Perry, elle est gentille, mais elle va pas écrire un album anti-Trump, tu vois. Enfin, j'en doute vraiment, je me trompe peut-être, ouais, hein, mais voilà, dans les artistes que tu as cités, je pense qu'il y en a beaucoup, ça va pas forcément influencer leur carrière grandement que Trump soit passé, et même dans leur titre, je pense que ça va pas se ressentir plus que ça. Après, je pense que dans une culture peut-être un peu moins accessible ou un peu moins directe, on le sentira quand même, et j'espère que du coup ça va peut-être générer quelque chose. Moi, personnellement, je suis plus de cet avis-là, parce que je pense pas, tu vois, comme tu le disais un petit peu, la société américaine, c'est aussi une société très indépendante, mais dans le sens où les studios de production américains sont tellement puissants qu'ils ont pas grand-chose à faire avec l'État. Enfin, voilà, il y a le moins de relations possibles quelque part entre l'État et entre les entreprises privées, donc tout ce qui va être... Ils ont un peu leur propre bien-pensance, leur propre morale. Voilà, finalement, Hollywood, c'est finalement un courant de pensée à lui tout seul, indépendamment de... Et tu trouvais déjà des films très pro-américains sous n'importe quelle présidence américaine. Je veux dire, il n'y avait pas le problème pour trouver des films un peu bas du front, très pro-américains, et des films très contestataires, sans aucun souci. Et je pense que voilà, ça reste les États-Unis. À mon avis, il n'y aura pas de souci de production. Je prends un exemple extrême. On avait parlé de De Niro. De Niro qui avait fait quand même des déclarations très, enfin, vraiment violente, très violentes sur Trump. Est-ce que finalement pour lui ça va être un problème pour, est-ce que par exemple des producteurs peuvent se dire on va pas prendre De Niro? Après, il est possible qu'il ait des amis Trump. Il est possible que voilà, ça reste aussi un. Moi, je le connais pas bien, donc ça reste un homme d'affaires. Je me dis que s'il en est là et que en étant président des États-Unis, tout d'un coup tu deviens meilleurs amis de plein de monde, tu vois. Il y a plein de monde qui veulent être ton ami. Il y a peut-être des studios, il y a peut-être des chefs de studio, il y a peut-être des chefs de casting qui vont vouloir lui faire plaisir, et qui vont peut-être influencer certains recrutements, je sais pas, certains castings, certains trucs comme ça. Peut-être certaines maisons d'édition vont dire c'est Trump quand même. Moi, j'ai dîné avec lui hier, je veux pas qu'il y ait ce livre qui paraisse, quoi. Tu vois, par exemple, on sait là, tout à l'heure tu disais finalement Hollywood, ils ont un peu leur propre circuit, mais parce que nous, on n'est pas américain, on vit pas au quotidien, on sait pas finalement parce que tu vois, en France, c'est un truc qui se fait beaucoup finalement. C'est-à-dire que les hommes de pouvoir, ils influencent finalement la façon dont on fait la culture. Ils ont souvent, ils peuvent avoir des droits presque d'intervention parfois sur des livres, sur des films. Je ne sais pas du tout si c'est la même chose aux États-Unis, tu vois, s'il y a une espèce, pas d'indépendance, mais si par exemple, il n'existe pas du tout de lien entre les hommes politiques et Hollywood. Tu vois, c'est un truc que j'ignore complètement. Moi, j'ai du mal à imaginer que Robert De Niro va avoir des portes fermées, ou moins d'opportunités après la petite vidéo qu'il a pu faire contre Trump. Enfin, je sais pas. J'ai du mal, à imaginer que ça a quelque chose à voir avec sa carrière prochaine, Je pense pas que ça va vraiment influencer. C'est plutôt Dirty Papi qui va influencer sa carrière. Je pense que c'est plutôt des films comme ça qui vont peut-être casser sa carrière. J'avais oublié ce film. Hein, t'as pas besoin de Trump, en fait. Non, ça devrait aller, pas besoin de Trump. Il se la fangue tout seul. mais tu vois ce que tu disais tout à l'heure, Greg, sur finalement comment est née une forme de contre-culture américaine, notamment à l'époque de la guerre du Vietnam. Donc, finalement, quand une jeunesse s'oppose à des choix politiques, Et puis voilà, finalement, on a vu ce que ça pouvait donner. Est-ce que finalement, là, il ne peut pas y avoir une jeunesse qui se révolte ? Je ne sais pas si on peut encore. Non, mais en tout cas, qui s'exprime par la création, tu veux dire. Ouais. Je pense que oui. Moi, honnêtement, j'y crois vraiment. Je me dis que ça va être un des moyens pour eux, dans une économie quand même qui reste libérée, et dans quelque part une prise de parole qui reste possible. Oui, en tout cas, je ne pense pas que ce soit la dictature. Pas, comme disait l'autre, je ne pense pas qu'on va en arriver au point Godwin aussi vite que lui, mais voilà, je pense qu'ils vont pouvoir quand même s'exprimer. Alors après, là où tu as raison, et là on peut se poser légitimement la question, c'est plutôt de se dire, est-ce que les circuits de production vont toujours être en faveur de ces artistes ? Je pense que la volonté de créer va être réveillée ou va être encore plus attisée par ce genre d'élection. Après, est-ce qu'effectivement, voilà, comme on se le disait, des boss de studio ou des têtes pensantes vont bien vouloir, continuer à vouloir financer ce genre de projet ? C'est une vraie question. Et puis après, une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est la presse. Comme tu le disais, la presse s'est quand même pris une énorme gifle. Ouais. Suite à l'élection de Trump, une très grande partie de la presse, est-ce qu'elle va vouloir se remettre en cause sur les œuvres d'art qu'elle met en avant, sur les choses dont elle fait la pub, sur les choses qu'elle produit ? T'as des chaînes de cinéma, t'as des chaînes de télé, des choses comme ça qui avaient largement prédit tout ce qui faisait même elle-même campagne, puisque les chaînes de télé là-bas font campagne pour un président en fait, ouais. Qui faisait campagne pour Hillary et qui du coup se retrouvent maintenant en désaveu. Est-ce qu'elles vont continuer à... Je sais pas, est-ce qu'elles vont pas se remettre en question, une remise en question telle qui pourrait influencer quelque part la mise en avant de certains aspects culturels, de certains programmes culturels, que ça soit dans leur diffusion ou dans les choses qu'elles mettent en avant dans leurs émissions, tu vois. Je sais pas trop, mais c'est vrai que ça pourrait être un des trucs en se disant, on a vu en fait que Trump a gagné, peut-être qu'il faut qu'on plaise aussi à une autre audience et du coup qu'on mette en avant une autre culture et donc qu'on mette des films de Steven Seagal à la télé, tu vois, un peu ce genre de truc. En fait, parce que quand même la défiance qu'il pouvait y avoir pour les médias, elle n'est pas forcément liée non plus aux choix culturels qu'il pouvait mettre en avant, elle est surtout liée aux choix politiques, à la façon de percevoir les choses et de l'idée qu'ils ont finalement de l'Amérique par rapport à ce qui pourrait être l'Amérique profonde ou white trash. Enfin voilà, c'est peut-être aussi la question, elle est peut-être plus politique par rapport aux médias. Peut-être, mais tu vois, une chaîne de télé va peut-être se dire, on va peut-être pas diffuser Bowling for Columbine ce soir, vu ce qui s'est passé, vu que c'est Trump notre président et qu'apparemment il a été élu facilement, peut-être qu'on va plutôt passer un autre film. J'en sais rien, je ne sais pas comment marche non plus l'esprit des diffuseurs là-bas. Mais... Ou alors on pourrait avoir finalement un Michael Moore qui deviendrait peut-être un peu le chef de file de la contre-culture. Parce que finalement, sous la présidence Obama, on avait un peu perdu Michael Moore. Ouais. Il était à l'époque de Bush, finalement, il était très très haut, c'est-à-dire que c'était vraiment l'adversaire idéal pour les Bush, ouais. À peu près au même niveau, c'est-à-dire que souvent c'était pas super fin, mais en même temps, les Bush, on peut pas dire non plus que c'était des gens super fins. Et finalement, sous la présidence d'Obama, on en a beaucoup moins entendu parler. Et là, peut-être qu'il peut revenir comme ça pour pointer un peu du haut les travers de l'Amérique de Trump. Regarde, il y a quelques. Je sais pas si c'est annonciateur ou pas, mais les Zach de la Roca et. Donc, tous ceux qui faisaient Rage Against the Machine, là, ils ont reformé un groupe, si je ne m'abuse. Je sais pas. Prophet of Rage. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, il n'y a pas Zach de la Rocha dedans, mais... Ah oui, c'était le guitariste, alors c'était... C'est les trois membres. Ah oui, d'accord, okay. Le chanteur de Cypress Hill, Public Enemy. Ouais, enfin voilà, donc je me dis qu'il y a peut-être des projets comme ça, culturels, qui annoncent ou qui avaient envie, qui avaient senti que ça allait être peut-être plus compliqué que prévu. Je sais pas. Il y a aussi, on va dire, pendant les périodes sombres, entre guillemets, de l'Amérique, c'est toujours à ces moments-là qu'on a vu aussi quand même des bons films ou des bons groupes arriver, quoi, pour contester, quoi. Donc, après, peut-être qu'on aura des bonnes surprises, on va dire, au niveau culturel, tout du moins, quoi. Ouais, parce qu'on peut étendre ça, même, tu prends l'Angleterre de Thatcher. Finalement, la période musicale de Thatcher, elle est hyper intéressante parce que finalement, la jeunesse est dans une forme de contre-culture, elle est dans une forme de destruction de la classe politique et du modèle vendu par l'Angleterre de Thatcher. Donc c'est peut-être là, finalement, c'est souvent ce qu'on dit dans les pays entre guillemets les moins démocratiques, c'est peut-être là que la liberté créative elle s'exprime finalement le plus et avec le plus de virulence, quoi. Alors est-ce qu'on ira jusqu'à la fin, tu vois, je veux dire, est-ce que entre guillemets les artistes et les créateurs vont se sentir suffisamment motivés et je sais pas brimés pour vouloir écrire quelque chose et créer des choses, etc. Je sais pas non plus si Trump sera de cet acabit là et s'il va vraiment changer les choses à ce point là au niveau culturel, tu vois. Si ça se trouve finalement rien va vraiment changer, ils vont toujours avoir un peu la même liberté de création et ils vont peut-être contester un peu. Ça peut être très intéressant à suivre en tout cas. Le truc aussi, c'est que maintenant tu peux t'exprimer par de multiples canaux différents. On n'est plus sur un truc où t'as 10 chaînes télé, où c'est post-internet, donc finalement maintenant tu fais faire de la musique, tu peux la poster un peu n'importe où. Il n'y a pas assez, bloquer quelque chose, ça devient de plus en plus compliqué pour les pays démocratiques, pour les pays comme la Chine, c'est différent, mais voilà. Je pense que ça, c'est aussi plus compliqué, le contexte n'est pas du tout le même qu'il pouvait l'être il y a encore, 10-15 ans, quoi. Bah clairement, je pense que ça va être compliqué. Enfin, après, voilà, moi je pense quand même que je suis assez optimiste là-dessus, en fait. Je me dis que ça va plutôt créer justement un vent où les gens vont vouloir contester un peu le truc. Alors après, la question de Dim reste légitime, c'est est-ce que les gens qui avaient dit qu'ils allaient partir vont vraiment partir ? Il y avait pas mal d'artistes qui avaient annoncé qu'ils allaient partir. Donc est-ce qu'ils vont vraiment partir ? Du coup, est-ce qu'ils vont mettre leur carrière entre parenthèses le temps de la présidence de Trump ? Bonne question. On n'aura pas Steven Seagal aux Oscars Peut-être que si, je sais pas. Avec un nouveau Invigilante Movie ou... Tout est possible, tu sais. Enfin, et... Vous avez vu les derniers films de Steven Seagal ? Je pense pas que là, même ça, ça passera pas aux Oscars. Même ça, ça passera pas aux Oscars. Et ce qui est marrant aussi de se dire, c'est peut-être que dans 4 ans, on aura finalement, nous, ici, on fait pas un podcast politique, mais on sera peut-être obligé d'en parler si on a Kanye West côté républicain et George Clooney côté démocrate. Finalement, on aura deux presque ressortissants de la cause de la culture qui viendrait s'affronter. Ça va être difficile de ne pas être pour Kanye. Hein. On l'aime tellement. Honnêtement. Oh oui. Et toi, Dim, tu avais aussi listé quelques anecdotes, je crois, sur Trump. Hein, parce que bon, c'est vrai qu'on est dans la partie culturelle. Donc, continuons un petit peu dans peut-être la sélection culturelle de M. Trump, du président actuel des États-Unis. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai listé ses films préférés d'après un reportage de la BBC. Donc, je sais pas, vous avez peut-être une petite idée. Bon putain, c'est des trucs avec Steven Seagal, des trucs. Pas loin. Die Hard. Même pas. Bon, si vous voulez, je commence déjà par son film préféré. Alors, c'est Citizen Kane. Alors, peut-être parce que ça suit l'histoire d'un milliardaire. C'est ça. Vous connaissez peut-être dans le perso. Un classique. Alors, peut-être qu'il pensait que c'était, on va dire, une biographie sur Kane le catcher, vu que c'est un grand fan de catch. C'est vrai. Ouais. Bon, il a fait du catch. Hein. On l'a vu dans des matchs de catch plutôt. Il est WWE Hall of Famer. Voilà, quoi. Il fait partie des grands de la WWE. Ouais, finalement, on est content qu'il ait été élu, quoi, en fait, globalement. C'est toute ta culture, le catch, Steven Seagal. Ah, franchement, moi, j'aurais voté pour lui, s'il avait pu. Ensuite, un autre de ses films préférés, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Ah, ça va, c'est des belles références. Lequel est son préféré ? Le Truand, non ? Vu le nombre de procès qu'il semble avoir. Bah, je pense que c'est le personnage interprété par Clint Eastwood, ouais. C'était pour lui rendre l'appareil, vu que le bon Clint, c'est un fervent supporter de Donald Trump, c'est peut-être à cause de ça. Surtout des républicains, après, je sais pas si trop... Ouais, c'est vrai qu'on sait pas trop pour Trump. Un autre film, c'est Le Parrain. Ouais. Et voilà, il est très fan de films de mafieux, à ce qu'il paraît. Ouais, c'est toujours. On peut interpréter chacun de ses choix pour l'instant, quasiment. Voilà. alors après, la suite logique, c'est Les Affranchis avec son grand ami Robert De Niro. Ouais. Ta mère, il peut plus regarder. Je sais pas comment il mate ça, Robert. C'est fini là. Un autre film, Autant on emporte le vent. Ouais. Donc, c'est un film que je connais pas trop, donc j'ai pas trop trouvé blague ou de punchline. J'ai pas trop trouvé de blague. Et là, messieurs, j'ai gardé vraiment le meilleur pour la fin. Un autre film qu'il adore, et là, je cite un film incroyable et fantastique, Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Oh non, c'est pas vrai. Oh putain, je suis choqué. Ah, direct, je vote pour lui. Oh putain, vache, c'est le meilleur président que l'Amérique ait eu, quoi. J'ai une petite histoire d'un journaliste qui a pris l'avion avec lui, qui s'appelle Mark Singer. Donc ouais, il a pris l'avion avec Donald Trump, et Donald Trump a mis donc ce film. Et le fils de Donald Trump était chargé de faire avance rapide dès qu'il y avait la moindre scène de dialogue pour ne garder que les scènes où ça brisait les nez, cassait des reins et envoyait des gros coups de tibia. Putain, le mec est un génie en fait. On ne le comprend pas, mais c'est un génie en fait. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas Retour vers le futur 2 aussi dans la liste, parce que comme c'est un film sur lui quand même, ça aurait été bien qu'il le soit, quoi. Bon, bah c'était intéressant. Hein. Voilà. Eh ben bon, c'est un personnage en couleur, ce Trump. Peut-être qu'on a, si on a des conséquences dans la culture dont on entend reparler, bien sûr, on en reparlera sur Upcast. C'est même aussi un acteur, hein, vu qu'il a fait quelques caméos aussi. Ah, c'est vrai qu'il a fait quelques caméos, t'en as des sympas à nous communiquer. Alors il a joué, bah, franchement, j'ai regardé un peu, il a joué dans beaucoup de trucs un peu inconnus, qui est, voilà, des téléfilms américains, je pense, mais il a joué dans Monk, la série qui passe sur TF1, il me semble. Ah, vache. Dans le premier Zoolander, dans Sex in the City. Ah oui, exact. Dans Sabrina l'apprenti sorcière. Ah, la filmo. Dans Spin City. Ah ouais. Dans Une Nuit d'enfer. Dans Le Prince de Bel-Air, et ça j'ai vu l'extrait où t'as Donald Trump qui arrive. Il vire Diaz de la maison. Il construit un mur autour de la maison. Il est tout excité, il tombe même dans les pommes quand il voit Donald Trump. Et enfin, bah, peut-être le plus connu de tous, celui de Maman, j'ai encore raté l'avion. Ah oui, oui, bah oui. Où il indique le chemin de Macaulay Culkin dans l'hôtel. Je sais pas si vous aviez vu cet extrait. Et puis bah, bien sûr, oui, il a participé aussi, bah, ça c'est pas un film, à WrestleMania. Ouais. Quoi, c'est son plus grand rôle, quoi, hein, on peut le dire. Hein, je pense que moi, je l'ai revu plusieurs fois au ralenti, ce passage. Hein, donc, voilà, quoi. On est un peu fan, en fait, finalement. Finalement, on aime plutôt bien Trump ici. Hein. On aurait eu moins d'anecdotes sur Hillary Clinton. Quoi, hein. Ça aurait été plus chiant, je pense. Moi, on rigole. Hein, ouais. Tout ce qu'on a eu par Silence on joue, là, on va tout de suite le perdre. Ah ouais, là, ça y est, les 4 auditeurs qu'on avait gagnés, les gars, on vient de les paumer. Bravo, putain. Bon. Surtout qu'on aura plus le soutien de Libé, là, avec ça. Ah bah non, c'est fini, là. Ça y est, on vient de perdre tout le soutien. On va continuer un petit peu dans le même esprit. T'avais fini, Julien, sur Trump? Bah oui, on avait fini. On a vu point de réflexion. Voilà, c'était pas un débat très préparé. Hein. Non, c'est pas un débat. Peu jeté sans filet. C'est Oh, c'était intéressant. C'est pas quand un même. Peu voilà, le podcast post-Trump. C'est ça, on a du mal à se remettre. Sans filet. Non, mais on peut faire un lien quand même aussi avec un petit fait d'actualité dont on a entendu parler un peu plus récemment, hein, j'ai envie de dire, entre nos deux podcasts. Et c'était aussi pour nous trois quelque chose qu'on avait préparé presque en commun. Dim l'avait mis dans le buzz de fin de ses projets pourris. Et Julien et moi, on l'avait préparé à côté, c'est le Starship Troopers qui serait rebooté. Hein, donc voilà, le film culte finalement de science-fiction militaire un peu satirique de 1997 qui va visiblement passer par la case reboot. Hein, donc c'était réalisé par Paul Verhoeven, c'était basé sur un roman de science-fiction de Robert A. Heinlein. Et a priori, ça a été, enfin on le sait même, ça a été donc un film qui a été ensuite décliné sous de nombreuses formes, de nombreuses suites qui avaient des qualités variées. Vous les avez vues ces suites-là? Parce que moi j'avais vu le 2. J'ai vu le 2, moi. Le 2 et pas le 3. C'était horrible quand même. Le 2, c'était horrible. Hein. Pourtant, le premier, je l'aime beaucoup, mais génial. Alors le 2, vraiment, c'était horrible. Quoi. Et là. Justement, il faudrait un Paul Verhoeven qui retourne aux États-Unis pour nous faire un bon petit film. Bah, là, justement, ouais. Une bonne petite satire. Moi, j'ai entendu parler du reboot de Starship Troopers. Voilà, c'était quelques semaines après l'élection de Trump. Je me suis dit, oulala, il y en a qui en ont dans le pantalon. Il y en a qui, tout de suite, ils annoncent la couleur. Là, tu vois, ils veulent dire un message. Bah, en fait, peut-être pas trop, hein, parce que les scénaristes, ça sent quand même assez mauvais. Hein, c'est les scénaristes Mark Swift et Damien Shannon hein, qui ont scénarisé quand même le grand film qui va bientôt sortir, Baywatch. Voilà, hein, donc Baywatch, c'est Alerte à Malibu, hein, pour ceux qui connaissent en français. Ils sont aussi connus pour avoir écrit Freddy contre Jason en 2003 hein, et le reboot de Vendredi 13 en 2009. Plutôt des bons auteurs, j'ai l'impression, plutôt des bons scénaristes. Hein. Après, plus... laissons une chance quand même à Alerte à Malibu. Si c'est comme 21 Jump Street, ça peut être sympa. Oui, mais... c'est ça, on verra. J'ai oui. des doutes. Bon, ouais, surtout, il y a des nanas qui vont courir au ralenti. Donc, Alexandra Daddario. Il y a Alexandra Daddario, donc là, on lui met tout de suite. Voilà. C'est tout de suite une grosse note sur IMDb. Voilà. Tout de suite, on lui met plusieurs étoiles. Nous. En tout cas, ça, c'est sûr. Le problème, c'est qu'au niveau des producteurs aussi, on n'est pas non plus sûr que ça soit dans la dentelle que ça va se passer, parce que les producteurs, c'est Neil H. Moritz et Toby Jaffe, hein, qui ont donc travaillé sur Fast and Furious. Moi, je suis pas un grand fan, je dois l'avouer. Et le remake de Total Recall. Alors moi, je l'ai pas vu, mais apparemment, c'était pas super. Ah bah, c'est surtout ça, moi, qui m'a fait peur, parce que autant que le remake de Robocop, franchement, c'est pas terrible, mais je trouve que c'est encore regardable. Alors Total Recall, c'est une catastrophe monumentale. Ouais, bah effectivement, les critiques étaient en tout cas désastreuses, moi je l'ai pas vu, mais du coup c'est vrai que ça fait peur entre les producteurs et les auteurs, ça fait peur. Alors ce qui est marrant, c'est que les producteurs sur Twitter, ils ont tout de suite fait une petite remarque que je vous livre. Ils ont mis, pour information, nous pensons que la version de Verhoeven est fantastique et nous essayons pas de la refaire. Nous en parlerons plus tard, mais nous sommes impatients. Donc voilà, ils essayent pas de la refaire. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Ça veut dire qu'ils vont peut-être faire l'inverse. On ne sait pas exactement. Donc voilà, a priori, oui. Moi, c'est surtout parce que tu parlais du bouquin. Moi, j'avais lu une déclaration de Verhoeven justement qui disait que, en fait, lui, il aimait pas du tout le livre. Non. Et donc, en fait, ce qu'ils avaient voulu faire, c'est simplement travestir le livre et travestir la pensée donc de, j'ai oublié son nom, Heinlein, et faire un film complètement différent. Donc, exactement. Qui est, c'est vrai que quand tu le vois, pourquoi après, quand on fait des suites, ça marche pas? C'est si tu le prends au premier degré, c'est un film complètement con. Alors que finalement, de le prendre au premier degré, mais bon. Je pense qu'il y en a qui le prennent. Et je pense que beaucoup des films de Verhoeven ont souffert un peu de ça à l'époque de, par exemple, Sugar. Je pense même qu'un film comme Total Recall a été diversement apprécié à l'époque. Verhoeven, c'est pas vraiment un cinéaste, à part maintenant. Parce que maintenant, voilà, c'est. Disons qu'on sent mieux qu'au premier degré, on voit, on voit que c'est des films plus revendiqués. Enfin, où il y a un côté revendicatif, je sais pas comment le dire, mais genre Black Book, on comprend tout de suite qu'il est pas là pour faire. Moi, je me rappelle à l'époque où Starship Trooper est sorti, la critique le descendait. Et Sugar, c'était encore pire. Les gens n'avaient pas compris. Un des pires films de l'histoire du cinéma, tu vois. C'était, il y avait des trucs complètement. Et maintenant, là, je vois, il était sorti en Blu-ray, Sugar, et disait ouais, le chef-d'œuvre de Verhoeven. Enfin, voilà. Après, il y a peut-être pour. C'est vrai que Starship Troopers, à l'époque, je me souviens que c'était les gens crachaient dessus, quoi. Enfin, la critique crachait dessus. Et quelques années après, ils ont dit c'est un génie, un génie. Parce qu'effectivement, à l'époque, on pensait vraiment qu'il faisait une sorte d'apologie d'un régime fasciste. Bah non, en fait, les gars, ils le dénoncent. Ça paraissait assez évident. Et effectivement, le livre, comme, et t'as bien fait de le dire, parce que Paul Verhoeven, c'est ça que t'as dû voir, j'imagine, comme source, qui s'est exprimé là, lorsqu'il a représenté Starship Troopers il y a pas longtemps, il a été reprojeté, et effectivement, il s'est exprimé en disant, bah, nous, ce qu'on a essayé de faire avec le livre, c'est de s'en éloigner. En fait, il expliquait qu'ils avaient une relation très compliquée avec le livre, et que c'était une relation d'amour-haine, parce que, bah, ils se basaient dessus, donc il y avait quand même une inspiration de ce livre, mais c'était pour montrer qu'une source d'inspiration peut aussi être quelque part négative. Et que tu as envie de la critiquer, cette source d'inspiration, et de montrer les plus gros travers. Quoi. Ah, parce que pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un peu l'Amérique qui va la fleur au fusil en guerre et qui se fait massacrer toutes les petites gueules d'ange qu'il avait pu trouver dans le casting. C'était un super casting d'ailleurs. Ouais, il y avait Denise Richards, Casper Van Dien surtout. Grand acteur. Ouais, donc voilà, c'était un peu les espèces de beaux gosses qui allaient se faire défoncer par des créatures complètement horribles. Et il y avait comme ça en sous-texte tout ce côté, une espèce de fascisme, avec notamment les publicités qui étaient super drôles. Les drapeaux qui ressemblaient énormément au drapeau nazi. Voilà, il y avait tout un truc par rapport au nazisme. C'était à la fois c'était un film qui est complètement bourrin et en même temps hyper intelligent. Hyper fin. Et c'est vrai qu'il a reprécisé donc, que lui, il essayait effectivement de s'éloigner de cette nouvelle, enfin en tout cas de la respecter, mais tout en la critiquant. Et que c'était quelque chose qui à l'époque n'avait pas été compris et qui maintenant, bah, voilà, on lui rend des hommages et on la rediffuse dans des cercles de cinéma, etc. Parce que bah, le film a un peu vieilli et les gens avec. Maintenant, voilà, eux ont bien précisé, donc quand je dis eux, c'est les nouveaux producteurs et les nouveaux scénaristes ont bien précisé qu'eux, ils allaient se rapprocher de la nouvelle et qu'ils voudraient faire quelque chose de plus proche de la nouvelle, donc c'est-à-dire dans l'esprit un peu fasciste de cette nouvelle, sans en prendre la version critique finalement et la version avec un regard un petit peu extérieur. Ouais. Et donc Verhoeven a bien sûr parlé de ça en disant qu'il était assez inquiet que ce film se fasse et que pour lui, il a justement, et ça fait le lien avec notre précédent débat, il a dit que ça serait certainement un plat. Qui aurait un film qui aurait sa place lors d'une présidence de Trump. Quoi. Donc, on en revient finalement à ça. Donc moi j'ai trouvé ça assez intéressant, mais c'est vrai que sur le fond ça sent quand même la grosse bouse. Donc bon après voilà. Ils ont pris une saga. Dernière petite précision sur le film en plus. Enfin voilà comme vous disiez le film d'origine il était assez violent, assez bourrin. Et là, les nouveaux producteurs ont aussi précisé que ça allait être un montage PG-13, histoire de rendre le film bien plus familial. Ça va être vraiment... Ils vont tout perdre, quoi. Parce que c'est vrai que ça faisait partie du charme de Starship Troopers, aussi, ce côté hyper gore, hyper choquant, dès les premières secondes. Non, mais c'est vrai. Après, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que je pense que ça va être vraiment tellement nul que ça sera vraiment la dernière fois qu'on va massacrer un film de Paul Verhoeven, au moins pendant un bon moment, je pense. Oh, je sais pas, hein. Franchement, je commence à avoir peur. Hein. Ils vont sûrement nous en refaire d'autres après, quoi. Là, enfin, il prévoit une saga, je crois. Il prévoit plusieurs choses autour de l'univers. Est-ce qu'ils ont vu le 2 aussi? Parce qu'on pourrait peut-être leur... Nous, on se pose la question. Est-ce que vous avez vu Starship Troopers? On devrait leur demander à eux aussi, quoi. Ils repartent de zéro, donc ils essaient d'imaginer des choses où ils peuvent étendre l'univers, peut-être faire des séries, peut-être, tu vois. Ouais. Voilà, bon. Il faut que tu vendes ton univers. En fait, ça va être un truc de guerre, quoi. En gros. Bah, ça va être des Américains contre des insectes, créatures. Voilà, ça va être nul, quoi. Bon, Julien, je te passe la parole après ce point bien pourri. Tu vas nous parler, je crois, de DiCaprio, c'est ça ? Ouais, c'est une nouvelle qui date un peu, mais bon, j'avais pas trop envie de jeter toutes mes trucs que j'avais. L'honnêteté à plein cœur. Pour le podcast d'il y a 15 jours, et oui, comme finalement, j'avais pas fait de news musicale dans ce podcast, donc je me suis dit, bah tiens, allez, je vais la garder, je vais la recycler. Oui, parce qu'on a annulé un petit peu au dernier moment notre dernier podcast à cause de moi. Rien ne se perd, rien ne se transforme, puisque c'est la même news textuellement que j'avais écrite pour le podcast. On pourrait dire feignant. Voilà, on peut dire feignant ou content de sa news. Non, c'est assez intéressant parce que Leonardo DiCaprio, j'imagine, à mon avis, il a fait la connaissance d'un nouveau président d'un pays exotique, hein, puisque on a eu des infos sur un nouveau projet auquel il participe et qui est donc financé. Donc bon, blague à part, hein, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a eu des suites à cette histoire de... Pour l'instant, on n'en a pas entendu parler, mais parce qu'il avait fait financer plus ou moins certains de ses films par... Notamment le Loup de Wall Street. Ah, c'était le Loup de Wall Street. Ouais, c'est le Loup de Wall Street. Par une fondation louche qui avait été financée par quel pays, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est... C'était un truc hyper louche, quoi. Ouais. Et surtout, ça avait aussi servi à faire apparemment des petites fêtes un peu dans l'esprit romain. C'est ça. Et un peu quelques orgies. Ouais, tu vois, c'est DiCaprio. Ouais, c'est DiCaprio, il faut bien s'amuser. Ce qu'il veut. Attends. Moi, je trouvais que c'était de l'argent bien investi. Bah oui, c'est ça. S'il nous rapporte un autre Oscar, c'est très bien. Le Loup de Wall Street, c'était plutôt un bon... Voilà, c'est un bon film, il fait ce qu'il veut, bordel. Ce qu'il veut, voilà. Donc, bon, voilà, blague à part, c'est un projet que je trouve plutôt excitant, puisque DiCaprio va incarner Sam Phillips. Donc, Sam Phillips, c'est qui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était le patron d'un studio mythique de rock qui s'appelle Sun Records, le studio qui a lancé le rock'n'roll et qui a accueilli entre ses murs Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis ou Roy Orbison. Donc voilà, hein, c'est pas Christophe Maé et Black M. Hein. On est dans un autre niveau, donc le film reste peut-être plus intéressant que le mec. On vient de perdre encore des auditeurs, là. Tous ceux qui aiment bien Christophe Maé et Black M. Il n'y en a pas. Donc le film en question n'a pas encore de réalisateur ni de scénariste. On sait juste que DiCaprio et Mick Jagger produiront le film pour Paramount. Hein. Mick Jagger qui est quand même assez investi dans tout ce qui est... Puisque c'est lui qui avait produit... Ça avait fait la série aussi, Vinyl, ouais. Ouais. Donc ils le produiront le film pour Paramount et l'histoire du film sera basée sur la biographie de Sam Phillips qui s'appelle The Man Who Invented Rock'n'Roll, donc l'homme qui a inventé le rock'n'roll. Il a un bouquin qui était signé Peter Guralnick. Ok. Voilà, donc plutôt intéressant. Sympa, ouais, sympa. Ça, c'est un truc à suivre, clairement. Bon, après, il faut voir si ça va être juste un biopic géographique comme Hollywood en produit des dizaines et des dizaines, ou si ça peut-être est un peu plus intéressant. Il faudra voir aussi le casting des gens qui incarneront Elvis Presley, Roy Orbison. À partir du moment où il y a DiCaprio, quand même, je pars plus confiant, moi, maintenant. Enfin, je veux dire, j'ai quand même toujours apprécié cet acteur, et à partir du moment où il est sur un projet, j'aime plutôt bien. Donc, on va suivre ça quand même de près. Je vais reprendre la parole pour une news peut-être un peu plus triste, qui est un peu une répétition quelque part d'une news qui s'était déjà produite un peu il y a un an environ, puisque c'est le cinéaste George Romero, hein, le cinéaste culte, qui a inventé quelque part le style et le style de film zombie, puisque avec La Nuit des Morts Vivants, avec Zombie, hein, voilà, et il s'était exprimé il y a un an en disant le mal qu'il pensait des séries The Walking Dead et plus généralement des œuvres récentes traitant des zombies. Et en fait, il s'est à nouveau exprimé entre nos deux podcasts, toujours sur le même sujet. Il a remis un peu tout ça d'actualité et toujours, hein, sur The Walking Dead ou des films comme World War Z, il est pas tendre, le vieux Romero. Donc là, il estimait il y a un an qu'il y a trop de zombies dans le monde. Voilà, c'est ce qu'il disait, hein. Il ajoutait, j'étais le seul à faire ça, j'avais mes raisons, il y avait une sorte de satire sociale et je ne retrouve plus ça. The Walking Dead est juste un soap opéra. Quant au reste, c'est du divertissement, juste du divertissement. Et là, il a été donc à nouveau interrogé par IndieWire, hein, toujours le même site, lors de la projection de la version restaurée de La Nuit des Morts Vivants au musée du MoMA. Et il est allé encore un peu plus loin cette fois-ci. Donc là, c'est assez récent. Et il a déclaré carrément qu'il ne pourrait plus faire de films, plus faire les mêmes films de zombies aujourd'hui, hein, que la popularité du genre était paradoxalement en train de tuer le film de zombies. Donc on s'en doutait un petit peu, mais voilà, le père du genre le confirme de son point de vue. Et je le cite en disant « À cause de World War Z ou The Walking Dead, je ne peux plus proposer un film de zombies au budget modeste dont l'essence est sociopolitique. Je pouvais le leur pitcher sur la base d'un film d'action qui cachait un message plus profond. Maintenant, dès que le mot zombie est prononcé, il faut qu'on me rétorque Brad Pitt a fait ça avec 400 millions de dollars, lui. » Voilà, après, ce qu'il a peut-être oublié de préciser, c'est que ces derniers films, c'était quand même des grosses séries Z vraiment hyper mauvaises. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a un peu du mal à en refaire. Ça m'étonnerait qu'il dise ça dans une interview de lui-même. Après, j'ai fait des super mauvais films. Bon, bref. Non, mais je sais pas si vous les aviez vus. Non, moi, j'ai pas vu. C'était vraiment horrible. J'ai pas vu, mais c'est sur le fond où je trouve qu'il a quand même un peu quelque part, peut-être raison, je sais pas. Hein, il a dit, donc sur la série The Walking Dead, elle a rendu impossible le fait de vouloir faire un film de zombies avec un peu de substance. Il veut juste des zombies qui font un carnage et il a répété que c'était pas sa vision des choses. Donc voilà, hein. Moi, après, voilà, à vous d'avoir votre avis. Je sais pas si toi, Dim, ou toi, Julien, t'as quelque chose à dire là-dessus. Est-ce qu'il a raison ou pas ? pour la série, je suis un peu d'accord avec lui quand même sur le côté soap opera, mais la série, elle vient quand même du comics, et le comics, il est quand même super bien écrit au niveau des personnages et tout. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas un côté politique et tout, mais bon, c'est quand même pas... Enfin, c'est pas juste une histoire bête et méchante de zombies, il y a quand même une chose derrière. Moi, je suis assez d'accord aussi, mais bon, Julien, t'en penses quoi? Je pense que la messe était dite quand finalement l'Armée des Morts est sortie de Snyder. C'est-à-dire que c'était un remake, mais c'était un remake qui était. Moi, je trouve ça plutôt un film plutôt agréable à regarder. C'est un film honnête, oui. Mais disons que voilà, c'est un film qui enlève toute la substance de ce qu'il y avait dans Dawn of the Dead, quoi. C'est-à-dire que c'est le côté politique, le côté social, le côté on se réfugie dans un supermarché, enfin dans un grand. Dans un mall. Il n'y était pas du tout. Enfin, il le faisait, mais ça n'avait aucun intérêt, en fait. C'était juste un film de survie, quoi. Il avait pris la scène, mais il avait ôté la substance. Il avait ôté toute la substance. Donc, à partir de là, c'était juste devenu le zombie, une espèce comme ça de peur moderne ou d'espèce de fascination que les gens pouvaient avoir. Moi, je suis à la fois d'accord, mais pas d'accord. Enfin, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a beaucoup des films de zombies modernes où le zombie, on en a un peu mangé à toutes les sauces. Et voilà, c'est devenu un peu ridicule. Maintenant, tous les trucs se font avec des zombies. Mais quoique la mode est un peu en train de retomber. Ouais, mais quand tu vois The Walking Dead, je trouve qu'il y a. Alors, il n'y a peut-être pas une critique sociale, mais on va dire qu'il y a. Peut-être pas une critique politique, mais on va dire qu'il y a quand même un fond légèrement social. Alors effectivement, c'est peut-être pas plus de la réflexion sociale, profonde, mais en tout cas, il y a une réflexion sur l'être humain, quoi. Il y a une réflexion sur l'être humain, sur son rapport à la violence, sur un rapport à l'autre, etc. Après, on est plus dans la survie, dans... Voilà, qui se dissocie un petit peu de... Disons qu'il y a quand même un côté sociologique, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça. Bon, après, je comprends que lui, il ait du mal à en faire et que maintenant, effectivement, qui dit zombie dans un film hollywoodien dit énormément de budget et c'est pas effectivement pour Romero ce genre de choses, donc... Difficile d'admettre pour lui que ça va être compliqué de refaire un film de zombies. En plus, c'est plus un genre de niche, donc à partir du moment où c'est plus un genre de niche, tu peux plus faire un film avec 3 francs 6 sous comme il pouvait faire à l'époque. C'est ça. Bah, du coup, Julien, je te repasse la parole. Je sais pas si c'est un jeu vidéo dont tu nous parles ou qu'est-ce que c'est que ce titre Zelda 2. C'est-à-dire, attends, de quoi on parle. C'est aussi une de mes news recyclées. C'est Art Ludique. News recyclée. Mais je vous avais parlé il y a peu d'un projet de film autour du couple de Francis Scott Fitzgerald et donc de Zelda Fitzgerald. Ah, cette Zelda-là. Voilà, cette Zelda-là, la vraie Zelda. qui s'intéressera donc aux passions tumultueuses du couple star des années folles. Et en fait, on avait appris que c'était Scarlett Johansson qui incarnerait Zelda. En fait, à Hollywood et même ailleurs, on se souvient par exemple de La Guerre des Boutons. Il avait sorti 2 films en même temps. Ouais, c'est ça. 2 films de merde en même temps. Il n'y avait pas le choix. On a l'impression que les choses marchent par deux, puisque un second projet de biopic consacré à Zelda Fitzgerald devrait voir le jour avec à la réalisation Ron Howard. Peut-être qu'on va pouvoir continuer cette théorie comme quoi il fait des mauvais films à chaque fois et qu'on n'aura pas d'autres arguments à avancer face à Chaton Pute. Quelque part avait raison en fait. Avait pas tort, peut-être Rush, je sais pas, je n'ai pas encore vu Rush. Rush était pas mal quand même, non, Rush je les défends moi. Donc, et pour incarner Zelda, ça sera Jennifer Lawrence. Donc Scarlett d'un côté, Jennifer Lawrence de l'autre. Attends, c'est qui Jennifer Lawrence déjà? J'ai un gros trou blanc là. Ah oui, si, ça y est, je vois. Attends, ah ouais, d'accord. L'actrice Jennifer Lawrence. Elle fait un peu jeune, non? Je sais pas, enfin bon, ouais, ok. Non, bon. Oh, ça dépend, maquillée, ça dépend à quel âge. Oui, remarque, ça dépend à quel âge ça se situe. Ouais. Moi, en plus, je la trouve plus proche physiquement que Scarlett Johansson. Ouais, c'est pas... encore une fois, maquillée, etc. Donc le script qui sera basé sur la biographie Zelda de Nancy Milford, et je cite, s'attardera sur la volonté de la jeune femme de tracer sa propre voie à travers son art et sur la difficulté de préserver un amour entre deux artistes égaux, voire rivaux. Voilà, ça c'est bien un bon pitch de merde. Tu m'étonnes. Pas en soi, mais c'est-à-dire qu'il est vendu d'un peu de... Ah ouais, il est mal écrit. On va voir. Action. Voilà. Scarlett versus Jennifer Lawrence. Scarlett versus Scarlett, ouais. Enfin bon, voilà, ok, très bien. Bah écoute, on verra ce que ça donne. Je propose qu'on fasse peut-être, si vous êtes d'accord, qu'on se donne un peu l'heure des trailers. Voilà, qu'on parle un petit peu des trailers qu'on a regardé tous ensemble. C'est un peu une rubrique pour ceux qui connaissent pas Upcast ou pour ceux qui ont oublié ce que c'était que cette rubrique. L'heure des trailers, ça fait quelques épisodes maintenant qu'on fait ça. Et bah tout simplement, on va visionner quelques trailers online qui sont parus là entre nos deux podcasts. Et puis on débriefe un petit peu sur ce que ça nous a donné envie ou pas, ce qu'on en a pensé. Et le premier qui a été sélectionné, je ne sais pas par qui, c'est Valériane de Luc Besson. C'est moi qui l'ai sélectionné. C'est toi qui l'as sélectionné, Julien. Oui. Alors, Valériane, est-ce que Dim t'a été voir le trailer de Valériane? Ouais, je l'ai vu. J'ai trouvé que c'était un peu un patchwork de tous les derniers gros blockbusters qui pourraient se passer un peu dans l'espace. J'ai retrouvé pas mal de Gardiens de la Galaxie dedans, par exemple. Le cinquième élément aussi. Le cinquième élément aussi, quand même, forcément. Et je sais pas. Après, je me dis pourquoi pas. J'irai le voir, ça c'est sûr. Mais c'est pas vraiment un film que j'attends. Après, je connais pas la BD d'origine, je sais pas si vous l'avez lu ou pas. Non, moi je l'ai pas lu. Hein. C'est une BD, ouais, effectivement, française. Valériane et Laureline de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières. Hein. Voilà, j'ai été faire mes petites recherches, donc je l'ai dit. Non, mais voilà, je la connaissais pas non plus. Donc, et t'as vu la bande-annonce ou... J'ai vu la bande-annonce. Bah écoute, ouais, bah, c'est un peu comme Dim. Je me suis dit, après, voilà, les effets spéciaux. Ouais, c'est impressionnant quand même. En tout cas, la première scène, la première image où on voit la ville, etc., machin de loin, je me suis dit, ouais, c'est super bien fait. Après, dès qu'on commence à voir des personnages animés en 3D, machin, bah, à la cinquième élément, j'ai moins aimé. Là. Ouais, il y a des aliens, ils sont pas très bons. Ah, les aliens, je les ai pas trouvés hyper bien faits, au point que ça m'a gêné en fait. Et je me suis dit, ah bof quoi, alors qu'il y a quand même un budget assez impressionnant. Hein. Je crois que c'est 200 millions. C'est Luc Besson. Oui. Ouais, c'est 200 millions d'investis, mais je trouve que ça se ressent pas tellement dans les effets spéciaux. Enfin, en tout cas, sur les aliens, sur leur physique, etc., c'est un peu comme s'ils étaient mal finis presque, tu vois. Après, voilà, sur le cast Cara Delevingne, ou je sais pas comment ça se prononce, et Dan Dehan, j'aime plutôt bien ces deux acteurs. En tout cas, là, je trouve qu'ils avaient l'air bien. Enfin, voilà, ça avait l'air de bien passer. Mais bon, le film, ça m'a paru un ensemble de clichés voilà, qui se suit. Ça a l'air de vraiment. Du Luc Besson. Hein. Ah, puis alors, en plus, c'est vendu par ouais, c'est marqué début par le réalisateur visionnaire de Lucie. C'est envie de dire. Non, du cinquième élément et de Lucie. Le cinquième élément et de Lucie, deux films que j'ai détestés. Donc, c'est tellement visionnaire que ça repompe, ouais, comme je disais, les Gardiens de la Galaxie. Et je trouve aussi un gros côté Mass Effect, mais vraiment. Ouais. Mais moi, je l'ai. C'est vrai que j'étais que des costumes. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai quand même été assez surpris par le... Enfin, je trouve que visuellement, ça avait quand même... ça envoyait quand même. Ouais, il y a quelques scènes, en tout cas, il y a quelques plans où tu te dis « Ah, waouh, ils ont mis de la... » Après, moi, je suis pas du tout client de Luc Besson. Alors, le cinquième élément, c'est vraiment un film que je déteste. Arrête, Julien. Non, mais tu sais, je déteste ce côté science-fiction rigolarde. Ah ouais, non, mais là, c'est l'air d'être un peu ça, là. Hein. Et là, j'ai l'impression que ça va être encore ça. Ouais. Bon, il a collé les Beatles dessus, ou je sais pas si c'était une reprise d'ailleurs, ou si c'était je me souviens plus si c'est l'original. Tu vois, un peu dans l'esprit finalement de ce que faisaient les Gardiens de la Galaxie en mettant des trucs un peu décalés par rapport à l'univers. Non, je pense que ça va être complètement con à la Luc Besson. Ouais. Voilà, donc je l'avais mis juste pour ça. Mais bon, 26 juillet 2017, hein, pour ceux à qui on a donné envie, pas trop, j'ai l'impression. Et on se rappelle qu'il avait adapté Adèle Blanc-Sec. Ouais, c'était un bon film ça, non ? Qu'est-ce que c'était mauvais. Donc il est bon en adaptation, ouais, hein, c'est bon Besson. Il devait pas arrêter sa carrière, il veut pas l'arrêter. Là. Si, il l'avait dit en plus. Hein. Oh putain, il est temps là mec. Hein, bon bref, deuxième trailer, c'était La Belle et la Bête, qu'on a été voir aussi pour vous. Écoutez, c'est moi qui l'ai mis aussi. C'est toi qui l'as mis aussi. voilà, donc, moi ça m'a donné plutôt envie. En fait, ça m'a donné envie et bof en même temps. Ça m'a donné envie parce que voilà, y a Emma Watson. Ouais. elle est bien en Belle. Il y a Emma Watson qui colle, mais alors hallucinant au personnage. Ça, c'est le cast parfait. Quoi. Là, ils ont juste trouvé la nana qui est parfaite dans le rôle de Belle. Par contre, la bête, elle a vraiment une face du cul. La bête, c'est assez mal fait aussi. Elle fait pas ni peur, ni elle est pas attachante non plus. Enfin, ils ont pas réussi à refaire le tour de passe-passe qu'ils ont réussi à faire dans le dessin animé où elle te faisait vraiment peur et t'étais vraiment attaché à la fin. La musique est par contre toujours aussi efficace puisqu'ils reprennent celle du dessin animé qui était voilà. Bah pour moi c'est la meilleure. Alors j'ai souvent ces débats avec des gens qui aiment bien les Disney. Pour moi c'est la meilleure OST. Je suis assez d'accord. Ouais, c'est une des meilleures OST Disney, La Belle et la Bête. Ouais. Donc cette musique là, voilà, les petites touches de piano qui arrivent au début, tu reconnais français, tout de suite. C'est juste magnifique. Et grosse réserve par contre de ma part sur les personnages animés de lumière, l'horloge là qu'on voit. Qui me font plus peur que la bête, personnellement. Ils me font flipper, je pense que je vais pas dormir cette nuit. C'est le petit effet téléchat, un peu. Oh putain, grave. Mais grave, t'as trop raison, c'est téléchat, quoi. Vous l'aviez vu, le film qui était sorti, il me semble que c'était l'année dernière, ou plus tard, il y a 2 ans, de Christophe Gantz, qui adaptait déjà aussi La Belle et la Bête. Non, j'ai pas vu, moi. Moi, du coup, ce trailer-là, je l'ai trouvé vraiment bof, parce que... Bah, j'ai l'impression de revoir le trailer d'un film que j'ai quasiment vu trait pour trait il y a 2 ans. Quoi. Alors honnêtement, ça ressemble beaucoup plus, je trouve, au dessin animé La Belle et la Bête. Ah, c'est quasiment plan c'est-à-dire par plan. C'est-à-dire qu'il y a des plans par... Il y a vraiment des plans qui plans, sont... Certains plans, tu les reconnais. Ouais. Moi, j'ai trouvé que finalement, tu avais l'impression que c'était l'adaptation live du dessin animé des années 90. C'est quasiment ce qu'ils veulent faire, en fait. Hein, même Ouais, c'est un peu ce qui m'a dérangé, parce que je me suis dit, autant regarder celui des années 90, c'est très bien. Bah ouais, c'est un très bon film, en fait. Ah, génial. Donc ouais, bon, moi, je suis juste convaincu par Emma Watson et la musique, en fait. Globalement, on peut dire ça comme ça. J'irai quand même le voir, et c'est le 22 mars 2017. Ah bah ça fait partie, on n'en a pas souvent parlé, de ce qu'ils veulent faire maintenant avec leurs adaptations live, il va y en avoir des tonnes et des tonnes. Hein. On en avait cité 17 hein, dans le dernier podcast, 17 films différents qui vont être en adaptation live. Voilà, ça c'est pas forcément, tu vois, moi j'avais vu le Cendrillon, je préfère regarder le Cendrillon original. Quoi. Ouais. Moi j'en ai beaucoup pas plus cruel, beaucoup. Je crois que toi, Dim, t'avais vu des livres de la jungle qui étaient pas mal. Hein, tu me sens, il me ouais, moi celui-là, il m'avait agréablement surpris à l'époque, c'était plutôt pas mal. Ah, je le confonds avec Tarzan, il y a eu Tarzan aussi. Non. Tarzan, moi, j'ai pas vu pareil. Mais il y a eu Tarzan, là, Tarzan je suis même plus au courant. Ouais, c'était cet été avec l'acteur de True Blood. L'acteur de True Blood, on en parlait la dernière fois. On continue sur les trailers. Il y avait aussi Ghost in the Shell dans la sélection de Julien. Je tente au hasard. C'était toi, Julien? Oui, non, on avait parlé. Ouais, on en avait parlé tous les deux. Je l'avais mis aussi et c'était Dim qui l'avait. On en avait parlé de la dernière fois quand il y avait les teasers aussi. Déjà, on avait vu les teasers la dernière fois. Cette fois-ci, on a vu le trailer, enfin la bande-annonce entière même. Bah, moi, j'ai préféré les teasers, en fait, personnellement. j'ai préféré les teasers. Je sais pas, toi, Dim, ce que t'en as pensé. Toi, Dim, tu es un gros fan de Ghost in the Shell, il me semble. Ah, un gros fan, j'irai pas jusque là, mais j'aime bien, on va dire, les deux films, les deux films animés. Ouais. De Oshii. J'ai retrouvé plus ou moins l'ambiance. Après, je sais qu'aussi, le réalisateur des deux films animés et le compositeur de la musique a travaillé aussi sur le long métrage live. J'ai trouvé que c'était quand même relativement fidèle et même vachement, plutôt convaincant, on va dire, en image live. Ouais, pourquoi pas, j'ai envie de lui donner sa chance. Et puis le réalisateur, je sais pas s'il a fait d'autres films, mais c'est le réalisateur de Blanche-Neige et le Chasseur. Bon, le film est ce qu'il est, mais je trouvais que visuellement il claquait plutôt pas mal. Et donc s'il arrive, on va dire, à refaire à peu près les mêmes prouesses visuelles avec l'univers de Ghost in the Shell, ça pourrait vraiment être sympa, quoi. Je sais pas, toi Julien, t'en as pensé quoi? Je trouve que visuellement, moi, je trouvais pas ça inintéressant. On l'avait déjà remarqué dans le trailer, notamment il y a une espèce comme ça de geisha mécanique avec un plan un peu sur le dessus. Il y a des choses qui ont l'air quand même assez intéressantes. Très symétrique. Après, je trouve que la force des animés, c'était leur côté complètement cryptique. Mm. Et je pense pas qu'ils vont garder ça. C'est-à-dire, tu prends le deuxième, Innocence, c'est un film où tu comprends pas tout, mais c'est tellement beau. Ah, tu comprends rien, mais voilà, c'est le principe aussi des films de Oshii. Souvent, il a une espèce de façon très cryptique de faire les choses. La musique est magnifique aussi, t'en parlais tout à l'heure. Je pense pas que là, sur un budget comme ça, sur un truc hollywoodien, ils vont garder ce... Je pense que ça va être plus, un peu la complainte de l'Android, un truc qui va peut-être pas voler très haut, quoi. Je sais pas, si on aura autant de réflexions métaphysiques lentes. Je pense que ça va être vraiment adapté au public américain. On verra. Réponse le 29 mars 2017. Après, juste pour finir avec ça, vous aviez vu la vidéo qui comparait, on va dire, le générique de début de l'animé et le générique de début du film. Non. C'est plan pour plan exactement la même chose, quoi. Enfin, ça a l'air d'être quand même vraiment fidèle. Mais vraiment, c'est très poussé, on va dire. J'aime bien ce genre de réflexion, en fait. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand tu fais un remake... faire plan pour plan, soit tu fais quelque chose de réfléchi et c'est voulu de faire plan pour plan un peu la psychose là, soit quelque part pour moi c'est un manque de parti pris de vouloir faire ça comme ça et je suis partagé sur cette idée de vouloir absolument respecter plan par plan. Après, un peu comme certains avaient reproché à comment ça s'appelle la Watchmen, tu vois, d'être trop plan par plan, la même adaptation que la BD ou des choses comme ça. Enfin, il y avait finalement pas de prise de parole du réalisateur derrière. Ça peut faire venir un nouveau public sur l'œuvre originale. Oui, c'est ça. Ça peut être bénéfique. De toute façon, on est super curieux. Donc, c'est fin mars 2017, ça, pour Ghost in the Shell. Dans l'heure des trailers n'est pas finie. On a encore vu pas mal de trailers, au moins 3, 4. Kong, ensuite. Ouais. Kong. Donc, ça, je sais pas pourquoi je sens que c'est Dim, ça, non? Non, c'est moi. C'est toi, ça. Les gars, arrêtez. Bon, Kong Skull Island, c'est ça? T'as vu le trailer, Greg? J'ai vu le trailer. Alors moi, ça m'a pas trop donné envie non plus, ça, j'avoue. Ça m'a pas donné envie, notamment pour le côté très humoristique, un peu de je sais plus quel acteur qui a la barbe là à la fin. John C. Reilly. Voilà, John C. Reilly que j'aime d'habitude plutôt bien. Là, je me suis dit ça y est, ça ressemblait à une bonne annonce que j'avais déjà vue 10 fois en fait. Action, machin, le petit truc drôle. En même temps, le King Kong de Peter Jackson avait quand même un côté assez humoristique, enfin avec le personnage. C'était peut-être pas mis. Alors, je me souviens plus de la bonne annonce. Mais c'est vrai que là je trouvais que c'était très mis en avant comme ça. Et King Kong il fait 75 mètres de long. Alors par contre King Kong il a grandi, non? Je sais pas si vous savez, c'est un peu fait exprès parce que là on va dire ça prend pas en compte le film de Peter Jackson ou l'original. On va dire que c'est un King Kong 1 et en fait ça, c'est fait pour que ça soit fait pour pour faire partie d'un univers partagé qui va être avec Godzilla. Donc là, il va y avoir Kong, Godzilla 2, et ensuite King Kong versus Godzilla. Quoi ? T'es sérieux, là ? Je suis très sérieux. De ce film-là, le Kong là, qu'on a vu dans la bande-annonce, il va avoir des... Voilà. D'accord. Ça se passe dans le même monde que le Godzilla de Gareth Edwards. Et voilà, comme je disais, le prochain film, ça sera Godzilla 2, et ensuite le combat entre les deux. Et après, c'est les Vietcong. C'est pour ça qu'ils ont fait grandir. Film de guerre. King Kong, c'est pour qu'il ait pas l'air ridicule. Ah bah là, ouais, là, c'est sûr qu'il fait deux fois la taille qu'il faisait dans celui de. Bah c'est ça, ouais. En même temps, sinon, il aurait été ridicule par rapport à Godzilla. Toi, ça t'a donné envie, Dim, de Kong, là? Ouais, j'ai trouvé que c'était assez efficace comme bande-annonce. Justement, ça prenait vachement le contre-pied de la bande-annonce de Godzilla où on voyait pas grand-chose. Ouais. Là, c'est tout le contraire, on voit tout. On voit tout, ouais. Mais je me dis, ouais, pourquoi pas. Moi, je sais que je suis quand même un grand fan du film d'origine de 1933 et aussi celui de Peter Jackson. Il y en a un entre les deux, hein, avec Jeff Bridges. Celui-là, je le compte pas. Ouais, donc pourquoi pas. J'ai envie de lui donner ma chance, quoi. J'ai envie de le voir. Bon, donc ça c'est 8 mars 2017 pour Kong, hein. Tout ça c'est en 2017, on va avoir plein de trucs en mars. En là. Mars 2017 aussi. Ouais, alors aussi début 2017 pour le coup, une bande-annonce qui perso m'a plus hypé, c'était Trainspotting 2, que t'avais reposté. Alors, moi j'étais extrêmement méfiant sur Trainspotting 2 depuis le début, mais là la bande-annonce, je sais pas, ça, je me suis laissé avoir comme un gros bleu, je sais pas pourquoi, hein. Je pourrais pas expliquer. Et en fait, je me suis dit, ça va être nul. J'ai vu, je me suis dit, bon, finalement, tu vois, ça n'a pas l'air si nul que ça. Je trouvais qu'ils avaient plutôt essayé de reprendre un peu le même état d'esprit. Et la bande-annonce donne un peu cette énergie. Avec la même musique. Ouais, Choose Life. Ouais, bon, après, voilà, ça, ils auraient peut-être pu s'en passer, pour le coup. C'est un peu le regret que j'ai, c'est qu'ils ont vraiment un peu trop voulu coller au 1. En même temps, c'était l'idée de dire, finalement, qu'est-ce qu'il allait devenir à la fin. C'est finalement le final de Trainspotting, voilà, Choose Life, voilà. Et finalement ça poursuit l'idée qu'il y avait dans le premier film. Ça poursuit l'idée qu'il n'a pas choisi, quoi. Ouais. Enfin, il est encore en train de faire son choix, et le choix est permanent, en fait. Et ça fait quand même un choc de les revoir. Ça fait un choc, bizarrement moins Ewan McGregor que les autres, j'ai trouvé. Je trouvais que c'était peut-être lui qui avait le moins vieilli. Ah, c'est vraiment Spud. Spud, il a pris cher. Parce qu'on le voit plus souvent aussi. Oh la vache, Spud, il a pris cher. Bon, Begbie, on l'avait revu, Robert Carlyle, on l'avait revu quand même dans pas mal d'autres films. C'est ça, ouais, mais c'est vrai que Tommy, ouais, il a toujours un peu la classe quand même. Ça donne plutôt envie. Enfin, moi, ça m'a donné plutôt envie parce que je trouvais que la bande-annonce avait donné une certaine énergie, on va dire, et je m'inquiétais tellement pour ce film. En fait, enfin, je suis quand même encore très inquiet. Oui. Je vous le cache pas. Je suis quand même très inquiet. Je vois pas l'intérêt de faire un 2 personnellement. Ouais. Enfin, voilà, c'est une question de point de vue. Maintenant qu'il est fait, je me dis la bande-annonce est pas trop mal faite et donne un aspect complètement what the fuck au film. Et ça, c'est ça qui me plaît, en fait. C'est que je me dis, s'il est vraiment what the fuck, ça peut être marrant à la rigueur qu'il essaye de pas de torpiller sa propre œuvre, mais de l'amener encore plus loin et de la rendre encore plus barrée, quoi. Après, en plus, Danny Boyle, je sais pas, depuis Trainspotting, j'ai pas trouvé un très très bon film de Boyle. Donc, Jobs, c'était pas mal. Ouais, j'ai pas vu Jobs. C'était pas mal. Moi, il y en a quand même eu plein. Il y a eu 28 jours plus tard. 28 jours plus tard, c'est pas mal. Ouais, j'aime pas trop, mais. T'as quoi, Sunshine, apparemment, est pas mal. Sunshine est pas mal, ouais. Sunshine, c'est plutôt un bon film. Très bien. Hein. Bon, après, c'est vrai que j'en ai sur plus trop d'autres. Les gars. Si, il y avait celui il a été avec un gros succès. Là, Les trucs des Indiens, là. Slumdog Millionnaire, ça, j'ai pas aimé. Ça, je trouvais ça nul. Si, 28 heures, ouais, 28 heures, là, je sais pas quoi, là. Plus tard. 28 jours. Non, le truc où, le truc où il coupe son bras, le mec, là. Comment, c'est pas de lui, ça? 127, c'est lui, 128 heures, ouais. Ah, 127 heures. Ça aussi, c'était vraiment bien. Ah, c'était pas mal, ça. Ah, dis, bon. Attends, ouais. Julien, bon. On attend la vie de chaton pute sur la filmo de Danny Boyle. On va se faire défoncer encore. Filmo comparative avec celle de Renoir. Oh non, attends. Bon, ensuite, moi, je vous ai imposé, cette fois-ci, c'est moi qui ai choisi, je vous ai imposé un nouveau trailer de Life. Un Life qui est sorti pour le 31 mai 2017. Alors, je vous pose la question cette fois-ci. Julien, Dim, Life. Un gros côté Alien, je trouve. Ah bah voilà, complètement, c'est trop Alien. Surtout que Alien, je l'ai revu il y a très très peu de temps, il y a 15 jours à peu près. Franchement, ouais, ça m'a vraiment fait penser à ce film. Ah, quand t'as le radar, là. Putain. Mais après, je dis pourquoi pas, quoi. Moi, ça me motive bien. Ouais, parce que j'ai vraiment envie de le voir. Pour décrire un petit peu à ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce. Alors, vous avez tous les liens disponibles sur upcast.fr pour aller voir ces bandes-annonces-là. Mais du coup, là, c'est Ryan Reynolds, Jack Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, qui sont dans une station spatiale internationale. Et visiblement, ils ont découvert une vie extraterrestre. Est-elle aussi gentille que celle qu'on veut bien le croire? Voilà un peu le pitch. Et du coup, tout ça se transforme plus ou moins. On a l'impression, c'est pas un spoiler, on le voit tout de suite dans la bande-annonce, en une sorte de film d'horreur spatiale qui ressemble à la fois à Gravity et à Alien, hein, parce que je sais pas si ça vous a pas fait un peu penser à Gravity aussi là, certaines scènes, on voit les trucs exploser dans l'espace, voilà, donc c'est très très inspiré des deux, mais bon, le casting avait l'air plutôt pas mal. L'inspiration, Jack Gyllenhaal, généralement il choisit pas trop de mauvais films, j'aime plutôt bien Jack Gyllenhaal par principe aussi. Bon, voilà, 31 mai. Toi, Julien, ça t'a un peu hypé ou ça t'a... Pas trop. J'ai trouvé le trailer, j'avais l'impression de l'avoir vu 100 fois, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu trop. Toi, dans la construction du trailer, c'est, voilà, après, t'as la montée, voilà, tu vois le truc à la Alien, tu sens qu'il y a un truc qui va arriver, il y a les grosses lettres qui apparaissent, ouais, il peut tout arriver, je sais plus ce que c'était. Il peut tout arriver. Les mecs, ça fait comment le dire, c'est... ils ont utilisé toutes les phrases possibles dans les trailers, quoi. Il peut tout arriver. Non, mais c'est un truc du genre, vous pouvez vous attendre à tout, enfin, un truc. Qu'est-ce que c'est exactement? J'ai pas retenu le truc, mais c'était un peu normal, ça m'a pas trop... Pas trop hypé. Bon, par contre, on peut le dire, je pense que le dernier trailer qu'on a choisi... Il y a toujours Sarah Ferguson dedans. Il a hypé tout le monde. Là, je pense qu'on peut pas dépasser ça en termes de niveau de trailer. Hein. Bien sûr, c'est triple X dont on a parlé. C'est le feu d'artifice. Il s'appelle comment? C'est quoi son C'est triple X Reactivated. Je sais pas si je le prononce bien. Reactivated. Réactivé, quoi. Réactivé, je sais pas comment, le traduire. Hein. Donc là, c'est, je crois personnellement qu'à l'heure actuelle, c'est le trailer le plus what the fuck que j'ai vu de ma vie entière. Bon, voilà, hein, c'est dit. En tout cas, pour un film, on va dire grand budget. Hein. Je parle pas des petits films complètement chelous de chez ton pute, ce genre de truc. Mais non, mais je parle de films voilà, qui vont sortir au cinéma et qui vont être vus par une bonne partie du monde. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce trailer, quoi. Je sais pas ce qu'on a vu. Moi, j'étais bouche bée. Hein. Je l'ai vu ce week-end au ciné dans les bandes annonces avant le film. J'étais bouche bée. Je savais plus quoi dire. Ah, non, mais non, je crois. Il faut aller le voir. Là. Ceux qui nous écoutaient, faites pause sur votre truc. Vous êtes dans le métro, c'est pas grave, trouvez du réseau, sortez votre station de métro, allez voir le trailer de Triple X, parce que là, on a du ski sur des cailloux, on a de la moto sur la mer, on a de la moto sous la mer, on a du skateboard où il fait des wall rides, Vin Diesel hein, fait des wall rides sur des bus en même temps qu'il descend une pente. Enfin, j'ai jamais vu un truc aussi con, aussi et fou et aussi... Moi, génial, quoi. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la fin. Il se bat contre une nénette, l'actrice qui jouait dans Orange is the New Black. Et en fait, voilà, elle se défend plutôt pas mal. Et t'as Vin Diesel qui sort une réplique du style où elle, je lui demanderais pas de faire la vaisselle ou quelque chose. Oh putain. Et ça, franchement, bah, ça m'a c'est fait ça, l'Amérique de Trump. Là, le film de Trump, il est là, quoi. On le tient. Donc ça, c'est le 18 janvier prochain. Et ça conclut en beauté, je crois, notre heure des trailers. Et je vais te repasser la parole, Dim, pour nous continuer à faire un petit point sur, sur nos réalisateurs préférés, peut-être. Hein. Je te laisse continuer là-dessus. Si ouais, bah déjà, comme Julien, c'est un peu une news recyclée d'il y a 15 jours. Hein, vous n'êtes pas obligé de le dire, les gars. Arrêtez de cracher dans la soupe. Hein. Donc ouais, un petit point réalisateur, et je vais commencer par quelqu'un que je pense qu'on aime plutôt bien, enfin, en tout cas moi je l'aime bien, c'est Peter Jackson. Donc on n'avait pas trop eu de nouvelles de lui depuis la fin du Hobbit, si ce n'est une vidéo en compagnie de Doctor Who en vue de teaser la réalisation d'un futur épisode de la série. Donc celui-ci n'a pas toujours de nouveaux projets concrets en tant que réalisateur, mais par contre il écrit en ce moment l'adaptation de romans de science-fiction plutôt orienté steampunk, qui s'appelle Mortal Engines. Il produira le film qui sera réalisé par un de ses collaborateurs de longue date, Christian Rivers, qui a notamment travaillé avec lui sur les effets spéciaux de son film culte, Braindead. Donc, le film prendra place dans un monde dévasté où la ville de Londres est équipée de roues et d'hélices afin de se déplacer pour récolter des ressources et des vivres. Le tournage débutera au printemps prochain en Nouvelle-Zélande. Alors, ensuite, je vais continuer avec un réalisateur... qu'on aime peut-être moins, enfin, toi Greg, tu l'aimes peut-être, mais bon, après, c'est ton avis. Il s'agit de... De qui? On n'a pas entendu. Uwe Boll. Ah, salaud. T'es con. Et donc, je tenais à lui rendre un dernier hommage, parce que celui-ci vient de tirer sa référence après un sacré paquet de nanars essentiellement tirés de jeux vidéo. On a déjà pu en parler dans notre débat il y a quelques temps, des films comme House of the Dead, Far Cry, Alone in the Dark, Blood Rain... donc je sais pas si vous avez vu certains de ces films, si vous voulez en parler. Non. Moi perso, à part dire que c'est vraiment des grosses merdes, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc voilà, donc j'apprends rien à personne, mais il est quand même considéré comme un des pires tâcherons. Et celui-ci a connu plusieurs échecs d'affilée pour le financement de son film Rampage 3 par le biais de crowdfunding. Et c'est pour ça qu'il a décidé de renoncer à sa carrière. Il a d'ailleurs bien insulté Pan suite à cette déconvenue. Donc je vous cite Uwe Boll. Si vous ne voulez pas m'aider à faire mon film, ce n'est pas grave puisque j'ai suffisamment d'argent pour jouer au golf le restant de ma vie. Donc personnage très sympathique. Toujours dans l'esprit Trump finalement. On y est toujours, hein, c'est bien. Les Trumpistes. Voilà, pour finir avec lui, je voulais rappeler la fameuse histoire du combat de boxe qui avait eu lieu en 2006, où il avait invité plusieurs critiques ciné à se battre contre lui amicalement. Sauf que, bien sûr, il n'avait pas précisé qu'il avait pratiqué la discipline. Et il s'avère, à mon avis, plus doué dans cette discipline-là que pour filmer. Il les aura mis une branlée mais mémorable. Donc, voilà, un sympathique personnage qui quitte le monde du divertissement. Je ne sais pas si on va trop le regretter. Alors ensuite, j'ai une autre news là qui va peut-être faire plaisir à Julien, je ne sais pas. Parce qu'on va parler de Jean-Philippe Casse. Ah, Jean-Philippe Casse. Ouais. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. C'est vrai. Mais là, on ne va pas parler de Star Wars. Donc, on avait déjà parlé dans un précédent podcast. Il y aura bien Indiana Jones 5 avec Harrison Ford devant et Spielberg derrière la caméra. Mais on ne connaissait pas vraiment l'implication de Lucas dans ce film. Donc, il sera producteur. Et pour la première fois, il ne s'occupera pas du scénario. Il sera scénarisé par David Koepp, qui avait coécrit notamment avec lui celui du 4. Oh, ouais. Et celui-ci est vraiment un très très bon troll comme on les aime, car je cite, je suis à fond dedans à l'heure actuelle. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y aura beaucoup d'aliens et qu'Indy meurt à la fin. Il y a beaucoup de cache-cache dans les réfrigérateurs aussi, des aliens et sa mort. Ça devrait bien se passer. Donc, là, il y a Julien qui est content apparemment. Là. Ça s'annonce bien. Ça va être un bon film, quoi. Ouais, c'est clair. Et enfin, donc, je vais finir avec deux news similaires. Donc, deux réalisateurs qui quittent deux films assez attendus. Alors, tout d'abord, il y a Tim Miller qui quitte Deadpool 2. Suite à un désaccord avec Ryan Reynolds, Miller voulait faire un film avec un budget modeste pour garder, on va dire, l'essence du premier film, alors que Reynolds veut passer un projet de plus grosse envergure. Dernières nouvelles, c'est David Leitch, le réalisateur de John Wick, qui va remplacer Tim Miller pour la réalisation de Deadpool. Et Tim Miller, lui, va réaliser, alors, c'est une rumeur, mais devrait réaliser un film tiré du jeu vidéo Sonic. Donc, un sérieux client pour notre point sur les projets pourris. Oh putain, tu m'étonnes. Mais attends, je te coupe, mais moi, je croyais avoir lu l'inverse, en fait. Donc, il faudra qu'on revérifie ça et qu'on mette la réponse dans les commentaires. Moi, je croyais que c'était Miller qui voulait un film d'action, genre beaucoup plus cher, genre 3-4 fois plus cher que le premier. Et Ryan Reynolds qui s'opposait à un budget plus élevé, en fait, sur Deadpool 2. Mais là, t'as dit l'inverse, donc il faut qu'on se renseigne et qu'on réécrive ça dans les commentaires, là. On vous dira. Ça, bah ouais, soit on le réécrit ou si un de nos auditeurs a la réponse, ouais, n'hésitez pas. Ouais, parce que moi j'avais lu l'inverse dans les sources, donc il faut qu'on voit ça un peu plus précisément. D'accord, ouais, bah je regarderai aussi. Et une autre news assez similaire, c'est le film The Flash qui perd aussi son réalisateur, Famuyiwa, désolé si je le prononce mal. Donc c'est déjà le deuxième départ hein, quand même pour ce film, suite aussi au départ de l'auteur Seth Graham Smith en avril dernier. Donc Rick Famuyiwa, enfin je vais l'appeler Rick maintenant, ça sera plus simple. Ricky, ouais, Ricky. Voilà, ouais, donc le bon Ricky, il a voulu se démarquer des productions DC et Warner en créant un Flash en face avec, je cite, son humour, son ton et son cœur, ce qui n'a pas plu au studio, donc direction la porte. Sachant voilà que le début de tournage devait avoir lieu en mars, ça risque de tomber un peu dans les oubliettes, un peu comme le film Gambit avec le bon Channing Tatum. Ah c'est vrai qu'on n'entend plus parler de ce truc-là, putain, je vais complètement. C'est mort, bah tant mieux parce que ça avait l'air bien. Ça avait l'air bien. Bon bah il y a eu pas mal de un peu de projets pourris quand même. Ouais, hein, dans ton point réalisateur, hein, c'était un peu un mix des deux quoi. Allô, t'entends plus très bien, Dim là. Ouais, vous m'entendez ? Ça y est, ouais, c'est bon. Du coup, je te repasse la parole, Julien. Tu vas nous parler d'un autre réalisateur, on est un peu toujours dans notre point réalisateur. Je crois, vu ton titre, que c'est Bryan Singer, si j'ai bien suivi. Oui, parce que je ne sais pas si vous suivez encore la carrière de Bryan Singer, hein, l'ex-talentueux réalisateur de Usual Suspect et des deux premiers X-Men. Hein, depuis, je trouve qu'il s'est un peu quand même... Ouais, surtout d'Usual Suspect, en fait, hein, parce que même le premier X-Men... Ah, on en a déjà discuté, moi j'aime beaucoup le premier X-Men. On va pas revenir là-dessus. Hein, c'est bon, l'éternel débat. Je ne sais plus quand est-ce qu'on avait eu ce débat sur le premier X-Men. C'est pour l'instant, alors bon, on va arrêter là. Hein. Et voilà, bon, moi, je suis plus trop ce qu'il fait maintenant. J'aimais beaucoup au début, quand il y avait moins de films de super-héros, je trouve que finalement, il apportait quelque chose aux films de super-héros, notamment X-Men 2. Et là, en fait, il a un projet de biopic autour de Queen et de Freddie Mercury, qui pourrait, je trouve, être intéressant. Bon, voilà, c'est toujours placer un peu de musique dans les, ouais, dans les news ciné. Et on a appris, en fait, qui incarnerait le chanteur de Queen. Donc, ça devrait être Rami Malek, donc l'acteur de Monsieur, de Mr. Robot, hein, qui incarne Elliot Alderson. Ouais. Voilà, donc moi je connais pas la série, t'en avais parlé. J'en avais parlé, ouais. Alors c'est vrai qu'il a un physique quand même assez spécial. Alors je trouve pas qu'il ressemble forcément. Enfin, il ressemble si, hein, il a un petit air de Freddie Mercury. Je trouvais qu'au moment où il y avait eu un projet avec Sarah Baron Cohen, ouais. Sacha ouais, Baron, ouais, je sais plus exactement. Sacha Baron Cohen, ouais, oui, je trouvais qu'il ressemblait plus et la ressemblance était même assez frappante quand une fois qu'il et était grimé. Il était parti de projet parce qu'il trouvait que c'était trop. C'était parti en live ou ouais, ouais, pas, ouais. Il aimait pas du tout la tournure que prenait le scénario. Ah ouais, ouais. Ah, j'étais pas au courant de ça. Et donc voilà, en fait, ce qui peut rassurer les quelques fans de Queen, hein, et apparemment il en resterait dans le monde, je ne sais pas, il paraît que ces traces existent encore. Donc le film de Singer va s'intituler Bohemian Rhapsody et sera écrit par un spécialiste du biopic qui s'appelle Anthony McCartan, qui est déjà auteur d'Une merveilleuse histoire du temps, donc qui était sur Stephen Hawking. Stephen Hawking, et qui a gagné, qui a valu l'Oscar du meilleur acteur à Eddie Redmayne. Donc un spécialiste du biopic, et la production, il y aura deux membres de Queen, Brian May et Roger Taylor. D'accord. Bon. Donc bon, ça peut rassurer les. Bon, en même temps, c'est toujours le principe sur un biopic. Est-ce que tu prends des gens qui ont participé à l'histoire? Est-ce que tu fais quelque chose qui est complètement différent pour avoir une autre vision du truc? Mais en même temps, c'est vrai que t'as raison. Ça pourra nous remettre un petit peu à jour sur la carrière de Bryan Singer, parce que là, je sais même pas c'est quoi son dernier film, tu vois, par exemple. Bah, c'est X-Men Apocalypse. Ah, c'est lui cette merde là. Oh putain, bah, il fait une carrière de merde. Moi, j'ai pas trouvé son Superman Returns si mauvais que ça. Mais bon, si c'était. Ouais, moi, c'est pareil. Non, mais attends, sans déconner, je suis plutôt assez fan des films de super-héros, mais quand même. Il non. a toujours pas son projet 20 milieux sous les mers là. Il y avait pas un truc un peu comme sûr. Fincher. Ah, c'était David Fincher. Non, mais je crois que lui aussi en avait un. Le mec, il copie, tu sais, il sait pas. Moi aussi. Tu sais, gros connard. Mais enlève ta main, j'arrive pas à voir ton scénario. C'est trop ça. Quoi, t'as mis Superman dedans? Ah, j'aime bien. Bon, moi j'ai ma news secrète, hein, puisque voilà, c'est parti. News secrète avant de te repasser la parole, Julien, pour ton clash des phrases, hein, on conclura là-dessus. Ouais. Ma news secrète, vous l'avez peut-être vu passer, j'espère pas, parce que sinon elle est ruinée, c'est les 20 meilleurs films français selon les Américains. C'est vraiment un podcast à l'heure Trump, hein, donc on s'est mis aux couleurs des États-Unis, on bouffe nos hot dogs et on salue le drapeau américain avec les mains sur le cœur. Et on essaye de trouver, alors, qu'est-ce que les Américains, qu'est-ce que les Ricains aiment chez les Français en termes de cinéma? Et j'en ai 20 dans ma liste, donc si vous arrivez à en trouver quelques-uns, alors, je vous laisse. Amélie Poulain, il est dedans, il est en cinquième position, bien vu Julien. Ouais, je te laisse. Comment? Intouchable. Ah, Dim prend la tête du classement avec Intouchable qui est en quatrième position devant. C'est de l'histoire du cinéma français. Les 20 meilleurs films français. Je ne sais pas si c'est de l'histoire. Alors après, je sais aussi que les Ricains, ils sont super fans des productions Besson, style Banlieue 13, ou des choses comme ça. Je le vois pas dans ma liste, alors je la connais pas par cœur. Hein. Il est 13e, Banlieue 13. Non, il y a des bons films. Ils sont fans aussi de Jean-Pierre Jeunet, je crois, non? Style Délicatessen ou le style. On a mis Amélie Poulain. Ouais, il y a Amélie Poulain. Excuse-moi, oui. Il y a Amélie Poulain, mais je pense qu'il faut penser à des choses plutôt plus dans le classique, mainstream, tu vois. Enfin, en tout cas, qui ont eu du succès là-bas, donc il faut imaginer des films. Visiteurs. Je crois que Les Visiteurs est dedans, attends, sans déconner en plus. Vas-y, dis-moi d'autres films pour l'instant. Alors, je sais pas, j'allais partir plus sur des films d'auteurs français, le Mépris de Godard. Alors non, je le vois pas, hein. Il y est pas. Les 400 coups de Truffaut. Il y a de Godard, il y a quand même Adieu au langage. Ah ouais, parce que c'est qu'ils aiment beaucoup Adieu au langage, on comprend pas trop pourquoi, mais... Les 400 coups de Truffaut, il y a bien un Truffaut, non? Il y a un Truffaut, non, je crois pas qu'il y en ait, non. Quoi? Non. Quoi? Non, mais quoi? Qu'est-ce que c'est que cette liste? Je peux vous donner le premier? Ah, si premier, c'est Patrick Sébastien. Thème. C'est Thème, ouais, c'est Thème de Patrick Sébastien. Non, mais attends, c'est quoi comme style le premier? Le premier, c'est un film à la fois d'auteur et populaire en termes de. Récent ou? Assez récent, ouais, plutôt très récent. C'est un Audiard, non? Non. Il y a un Audiard en troisième place. C'est quoi, c'est un prophète? Un prophète en troisième place, ouais. Bien vu. Le premier. Non, alors, le deuxième. En fait, il y a des films qui sont belges, je dirais, plutôt que français, à cause des réalisateurs, deux frères. Ah, les frères Dardenne? Ouais, les frères Dardenne. C'est quoi, ils ont deux jours, une nuit, qui est deuxième film. Deuxième ouais, mais là, c'est pas un film français, c'est un film belge. Ouais, c'est ce que j'ai dit, mais bon, voilà. Après, eux, ils l'ont mis en production française. Ouais, la production française. Très bon film pour le coup. Je l'ai pas vu deux jours, une nuit. Je te le conseille. Donc, tu vois, ils ont des bons goûts. Et le premier, hein, je vous le donne ou. Donne le réalisateur. Allez, vas-y. C'est C'est Kechiche, le réalisateur. Ah non, c'est donc... alors, lequel ils ont choisi de Kechiche ? C'est la vie d'Adèle, tout simplement, parce que c'est vrai que là-bas, il est sorti et qu'il a eu un certain succès hein, là-bas au cinéma. Donc, la vie d'Adèle est premier. On l'a dit, deux jours, une nuit, des frères Dardenne est deuxième. Un prophète, Jacques Audiard, troisième. Intouchable, voilà. Et quatrième, Amélie Poulain, cinquième. On a ensuite encore un Audiard avec « De battre mon cœur s'est arrêté ». N'est-ce pas ? Ensuite, on a Caché de Michael Haneke. Mmh. Qui est production voilà, française. Production française. Hein, Entre les murs. Ouais. Les triplettes de Belleville en 9e. Huit femmes de François Ozon. Ouais. De Rouille et d'Os, encore au dire, cartonne aux États-Unis. Hein, de Rouille et d'Os en 11e. Le scaphandre et le papillon en 12e. Cœur d'Alain René en 13e. Paris, je t'aime. Que j'ai pas vu, je sais pas. C'était des courts, tu sais, c'est plein de, de courts-métrages, mais il n'y a pas que des Français qu'on en fait dedans. Bah voilà, bah c'est considéré, je pense, comme une production française. Oui, il y avait plus de Français. Quand même. La science des rêves de, ouais. de Gondry en 15e, La pianiste de Haneke en 16e, Le fils des frères Dardenne en 17e, Des hommes et des dieux de Beauvois, ouais. Adieu au langage de Godard, et le 20e, c'est dommage que vous ne l'ayez pas trouvé, parce qu'il aurait mérité une meilleure place. Hein. Je trouve que c'est là, on est vraiment. dans le... Si elle nous sortir. On est vraiment dans le. Dans le film de Trump, tu vois, c'est Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone. Ah. Mais alors, t'es sûr que c'est pas les films de 90 à aujourd'hui ? J'avoue que j'en sais parce pas plus que ça. Ça paraît étonnant par rapport. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films récents. Il y a toute la nouvelle vague française, notamment pour les Américains. Après, ça dépend quel est le journal qui a fait ça. Donc, c'est un site américain, Taste of Cinema. Voilà. Hein, donc ouais. c'est un classement subjectif. Pas mettre du Truffaut, pas mettre du Romer, pas mettre d'autres Godard, pas mettre genre non, tu vois. Bah après, c'est les Américains. Il y a peut-être des films qui ont été moins bien distribués chez eux. On n'est peut-être pas au courant ici de comment ils ont été distribués. Mais voilà, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça drôle de voir Bienvenue chez les Ch'tis. Et j'ai pris la news uniquement pour ça, je l'avoue. Ah ouais, j'y crois pas. Que, franchement, là, je pensais pas que Bienvenue chez les Ch'tis, ça allait être dedans. Ah non, c'est tellement typiquement français comme film. C'est vraiment pas une blague. Il est dedans. Je pense que ça a bien marché. Il avait été question d'un remake aux États-Unis. Je crois que Danny Boone a vendu les droits. Je sais pas s'il a été fait. J'aimerais bien le voir maintenant qu'on en parle. Et enfin, on va finir cette rubrique divertissement avec Julien et le clash des phrases. Oui, le retour. Le retour des clashs. Bon, en même temps, je ne suis pas la dernière fois qu'on avait fait. Ouais, ça c'était... Non, mais on a fait un il n'y a pas très longtemps, je crois. Donc, ma première phrase. Alors, je l'ai dit. Vous savez, je déraille parfois. J'aurais probablement pu être plus mesuré sur Spielberg. J'aurais dû m'abstenir. Ah, c'est le bœuf. Il y a les bouffes. Voilà. La baffe. Alors, la bref. La baffe. Donc, c'est Shia LaBeouf. On avait relayé cette news justement où il avait critiqué Spielberg disant bah voilà, con. C'était quand il l'avait rencontré, il avait été déçu qu'il était moins réalisateur qu'une véritable entreprise. Et là, finalement, il a dû peut-être revoir le royaume du crâne de cristal et s'apercevoir combien c'était un bon film. Il s'est dit voilà, finalement, c'est un génie ce type de film. J'ai bien compris alors. Revenu un peu sur ses déclarations. Ah, je suis presque déçu, moi, qu'il soit revenu sur ses déclarations parce que j'aimais bien ce côté. Un peu, je trash tout le monde, c'est ceux avec qui je bosse, tu vois. Mais comme à mon avis, c'est vrai qu'il est rock'n'roll, lui. Ils sont à peu près 30 dans sa tête, donc peut-être que dans le prochain upcast, il dira peut-être, mais c'est un grand enculé, c'est un pote de Trump. Le mec nous fournit le clash des phrases à tous les podcasts, quoi. Et donc, la deuxième phrase, je pense que cette élection montre une chose, ce pays est rempli d'ânes ignorants. Le grand Godemiché rouge au milieu de notre pays doit être déclaré comme un pays à part, un pays de trous du cul débile. Nous pourrions l'appeler The United States of Moronic Fucking Asshole. Je l'ai lu, je sais qui c'est, mais je trouve qu'elle est géniale, celle-là. Je sais pas si Dim, tu l'as ou pas? Non, je l'ai lu aussi, mais j'arrive plus à voir qui c'est. Un acteur qui a beaucoup joué chez Jeff Nichols. Michael Shannon. Voilà, ouais, Michael Shannon. Bien vu. C'est Michael Shannon et cette phrase, elle est quand même magique. Voilà. Elle est complètement dans le thème du podcast. Donc moi, je vote pour celle-ci. Hein. Tu votes pour celle-ci. Donc, rappelle-la nous. Alors, je pense que cette élection montre une chose. Ce pays est rempli d'ânes ignorants. Le grand Godemiché rouge au milieu de notre pays. Donc ça fait référence aux régions US qui ont voté au Trump. Milieu, qui sont tout au milieu des États-Unis. Qui font un Godemiché d'ailleurs. Je crois. Donc le grand Godemiché rouge au milieu de notre pays doit être déclaré comme un pays à part, un pays de trous du cul débile. Nous pourrions l'appeler The United States of Moronic Fucking Asshole. Bah putain, elle est bien violente. Et si notre débat, finalement, il s'avère que effectivement les gens qui ont dit un peu du mal de Trump vont plus faire beaucoup de choses, bah je pense qu'il est mal, là, Shannon, avec une phrase comme ça. Shannon, il va faire un film avec De Niro. Et juste, si je peux avoir juste deux minutes, la dernière fois, je parlais de Michael Cimino, on disait qu'on faisait pas tellement on faisait pas des hommages, voilà. Et je voulais juste, moi, parler de Leonard Cohen, puisque Leonard Cohen est mort, d'ailleurs, c'était juste avant l'élection de Trump, il n'aura pas connu Trump, peut-être que c'est mieux pour lui. Donc voilà, moi, j'étais un grand fan de Leonard Cohen. Ouais. Voilà, bah, c'était quelqu'un. Si vous avez l'occasion, il y a eu pas mal de reportages qui sont passés, notamment un reportage qui s'appelle Bird on the Wire, qui est passé sur Arte et sur la 3 Amir Mann. Voilà, c'était un type qui avait une classe folle, une élégance, qui était pour moi un des. On parlait la dernière fois de ceux qui auraient pu avoir le Nobel, on parlait du Nobel de Dylan. Cohen, il est arrivé assez tard dans la musique, mais avant, il avait écrit deux romans, des recueils de poésie, et il disait souvent que quand il écrivait un poème ou une chanson, quand il écrivait un texte, il savait pas si ça serait une chanson ou un poème. Donc ça répond peut-être à la question qu'on se posait. Donc il avait 82 ans. On avait rapidement parlé de son album You Want It Darker il y a deux podcasts, qui est un très très bon disque, bon, un disque vraiment d'adieu. C'est un disque qui est assez émouvant pour ça. Et voilà, donc vous pouvez réécouter tous les grands succès de Leonard Cohen. C'est pour moi un des plus grands paroliers américains et quelqu'un qui n'était pas ni un guide, qui était plutôt un compagnon. Pas vraiment quelqu'un qui montrait une voix, mais qui était toujours là, qui était très important dans les années 90 pour plein de gens qui étaient dans l'indie rock. Des gens comme Nick Cave, bon, comme Jeff Buckley, on connaît la reprise de Alléluia qui est plus basée sur celle de John Cale. Donc voilà, moi c'est quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup beaucoup écouté depuis les années 90 et... Voilà, donc c'était un petit hommage que je voulais rendre à Leonard Cohen. Et bah ça, c'est un beau dernier hommage. Écoute, ça conclura notre partie divertissement. Voilà. Greg, j'avais encore une news, moi. Je sais pas si attention, news secrète. Alors, j'ai pas vu, excuse-moi. Non, c'est une news secrète. C'est parce que je l'ai pas vu. Tout simplement, excuse-moi, ouais, j'ai pas vu. Alors, désolé, ouais, ça coupe un peu l'hommage de Leonard Cohen, mais... Non, mais aucun souci. Est-ce que ça parle de Leonard Cohen, qui a d'ailleurs joué dans Miami Vice, la série. À un moment, il se permettait un peu de faire tout ce qu'il voulait. Il avait fait notamment cette... Donc moi c'était une news sur l'anthologie Cloverfield. Donc l'anthologie c'est un terme évoqué pour des histoires séparées mais qui forment une licence comme la quatrième dimension ou encore plus récemment Black Mirror. Et c'est un terme plus souvent utilisé à la télévision et bien il semblerait que J.J. Abrams l'ait inventé pour le cinéma. Depuis la surprise l'an passé avec 10 Cloverfield Lane, beaucoup se sont intéressés à la future petite production secrète de Abrams, intitulée God Particle, et selon le site internet The Wrap, celui-ci confirme qu'il s'agirait bien d'un film lié à la saga. On apprend aussi que d'autres films sont en production sur ce modèle, afin de pouvoir sortir un film par an estampillé Cloverfield. Donc le quatrième Cloverfield sortira le 15 mars prochain. Celui-ci sera tourné plus vers la science-fiction pure, après le point de footage Keiju et le huis clos. Il racontera les aventures d'un groupe d'astronautes survivants qui découvrent une station spatiale après la destruction de la planète Terre. Donc après sans spoiler, je trouve ça bien d'avoir une série de films indépendants pour créer une nouvelle franchise. Mais je suis quand même un peu déçu qu'ils ne partagent pas le même univers. Sans raconter l'intrigue de 10 Cloverfield Lane, j'aimais bien essayer de recoller les morceaux et de le rapprocher du premier film. Ce que je peux encore faire à titre personnel, mais si chaque film s'éloigne de plus en plus du film de base, bah, ça risque d'être un beau bordel. Bah ouais, c'est vrai que s'il n'y a même plus la planète Terre, ça va commencer à devenir vraiment très très éloigné du premier, là, pour le coup, quoi. Qui se passait à New York, hein, si je me souviens bien, le premier. Ouais. Mais attends, tu disais c'était le quatrième? T'as dit non, quatre... c'est le troisième. Ah, c'est le troisième, c'est... Ouais. J'avais cru comprendre 4, je sais pas pourquoi. Mais... Bah, Cloverfield et 10 Cloverfield. C'est peut-être pour ça. Non, mais c'est... Ah oui, c'est peut-être pour ça, excuse-moi. Ouais, okay. D'accord, bah ouais, non, mais c'est vrai que t'as bien fait d'en parler. Et d'ailleurs, je reparlerai de 10 Cloverfield de Lane tout à l'heure. Non, mais, t'as bien fait de me le rappeler parce que j'avais tout simplement passé la page sur le document. Casser le Narcoen pour ça. On a quand même entendu ton dommage. C'était un très bel hommage, Julien. Comme je sais que je n'aurais pas le choix musical aujourd'hui, j'ai dû placer mon hommage à Narcoen. Conseils à la volée. Voilà, on va passer tout de suite à la partie jeu vidéo art ludique. Partie art ludique, et on va commencer tout de suite avec une sorte de débat, en tout cas une petite réflexion suite à une actu qui nous a titillé et qui a surtout retenu l'attention de Julien. Il y a trois semaines. Il y a trois semaines, alors elle est un petit peu datée. On se vient de se, pour rien vous cacher des coulisses de cast, on vient de se tâter longuement à enlever ou pas ce débat, à ne pas le faire en fait. Et on s'est dit que, qu'il était préparé, on va pas se faire chier, on va le garder. Non, on s'est dit que ça commençait quand même, ça restait intéressant sur le fond, même si voilà, on est au courant que l'actualité date un peu, puisqu'on fait allusion. Mais finalement, c'est une actualité, c'est un peu intemporel. C'est une actualité assez intemporelle, on fait allusion à Bethesda, donc. Ouais, parce que, en fait, c'est un. il y a trois semaines, c'est vrai que ça avait fait quand même assez grand bruit dans le milieu de la presse, hein, pour ceux qui suivent un peu sur Twitter, sur les sites. Voilà, pour résumer ce qu'aurait pas suivi. Donc Bethesda, qui est l'éditeur de Skyrim, de Doom, de Fallout, donc quand même des grosses licences quand même au niveau jeux vidéo, a annoncé en fait qu'il n'enverrait plus ses jeux à la presse avant leur sortie, ou tout du moins seulement la veille de leur sortie, ce qui pour faire un test revient peu ou prou même, hein, c'est-à-dire si t'as le jeu la veille, tu vas pas le sortir le jour même. Donc ils ont publié un communiqué qui dit « Chez Bethesda, nous attachons une grande importance aux tests de nos jeux réalisés par les médias. Nous les lisons, nous les regardons, nous essayons d'en tirer les enseignements quand les critiques sont fondées. Et nous comprenons que ces tests sont importants pour nos joueurs. En début d'année, nous avons sorti Doom. Les exemplaires ont été envoyés à la presse la veille de sa sortie et cela a généré des spéculations sur la qualité du jeu. Depuis, Doom s'est imposé comme un succès critique et commercial et comme l'un des FPS les mieux notés de ces dernières années. Nous allons conserver la même stratégie de test pour Skyrim Special Edition, donc qui est déjà sorti, et Dishonored 2, là, qui vient de sortir il y a une dizaine de jours. Nous n'enverrons les exemplaires de test que le jour précédent leur sortie respective. Nous continuons bien sûr à soutenir le travail des médias et des influenceurs avant et après la sortie, mais nous souhaitons également que tout le monde puisse découvrir et se plonger dans nos jeux en même temps. Nous comprenons que certains d'entre vous souhaitent lire un test avant de prendre une décision, et si c'est le cas, nous vous encourageons à attendre que celui-ci soit sorti. Donc, ne précommandez pas vos jeux. Voilà, hein, c'est un peu quand même un truc un peu bon. Ouais, on fait un peu ce qu'on veut et en même temps on vous emmerde, mais on vous dit vous pouvez faire. C'est surtout on dit une chose mais on fait le contraire, quoi. On adore les tests, hein, on les lit tous, mais par contre vous en ferez plus. Donc concrètement, ça veut dire qu'un site, bah, je sais pas, comme Gamekult ou Gameblog, hein, bah, ils pourront plus publier le test d'un jeu le jour de la sortie ou quelques jours avant, selon les NDA. Donc les NDA, c'est les non-disclosure agreement, hein, c'est finalement un contrat que signe le testeur pour bah, pas parler du jeu avant une telle date. C'est aussi, par exemple, il y a souvent des NDA qui concernent des choses qu'il n'a pas le droit de dire sur un jeu, sur certains passages, je sais pas, ça peut être un boss de fin où il s'engage à ne pas révéler, et il reçoit finalement le jeu avant la sortie pour pouvoir le tester tranquillement. Donc là, il faut dire qu'à moins de rusher le titre et le test en moins d'une journée, bah, ça va être assez compliqué, ouais, de proposer un test jour J. Donc on va donc s'orienter vers des tests qui arriveront plus tard après la sortie du jeu, ou alors des tests comme on voit déjà des work in progress, c'est-à-dire, ouais, des gens, ils vont commencer le jeu, ils vont dire bon bah là on est à 20h de jeu, bah voilà, on peut vous dire ça. Alors soit ça va être des vidéos, soit ça va être des tests écrits, un peu des sortes de previews sur le jeu qui seront mis à jour. Alors peut-être qu'il n'y aura pas la note au début, donc ça va faire des choses un peu bizarres, un peu work in progress. Ou encore des tests faits sur des courtes périodes de temps, hein, quand le site aura décidé d'acheter lui-même le jeu, puisqu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de magasins, notamment sur Paris, qui cassent en fait les street debts. Et donc bah, ça sera un budget d'ailleurs pour les rédactions qui devront aller acheter le jeu. Clairement. Souvent, tu peux l'avoir une semaine. Donc après, quand c'est un jeu qui est assez court, une semaine, c'est suffisant pour le tester. Quand c'est genre un GTA ou quelque chose, même un Skyrim. Voilà, bon, Skyrim, c'est juste une special edition, donc tu peux, ouais, si tu as déjà joué au jeu, c'est quand même plus simple. Voilà, donc je sais pas déjà si vous aviez suivi le débat autour de cette annonce. J'ai suivi, et moi je trouve que c'est vraiment des gros enfoirés. Maintenant, je dis ça un peu violemment, mais tu vois, leur lettre, leur espèce de communiqué de presse, c'est vraiment dans le dialogue marketing de base à la con, en disant on adore les tests, hein, on veut absolument que vous continuez, on adore les lire, mais par contre on vous l'envoie la veille, hein, maintenant, ouais. Donc voilà, donc concrètement, bah voilà, en fait ça se fout de la gueule des gens en gros qui voulaient acheter les jeux le premier jour et qui voulaient l'acheter en connaissance de cause avec un test, comme on peut aller lire une critique ciné, ouais, finalement, avant d'aller voir son film, si on a envie. Après, voilà, il y a des gens qui ne le font pas, ils font ce qu'ils veulent, mais pour tous ceux qui ont envie de le faire, et pour un jeu vidéo, il y a une dimension, voilà, juste, est-ce que le gameplay est bon et suffisamment, ouais, bon pour que je l'achète, qui est importante aussi. Juste, alors là, tu mets vraiment du côté des joueurs. Ah, moi, je me mets du côté... Moi, j'essaie de mettre... En fait, je me mets du côté des joueurs, vas-y, et de la presse. Hein. Ouais, pour les deux, je trouve que c'est mauvais, quoi. Enfin, je trouve que c'est un peu honteux, mais je voudrais écouter. Du coup, Dim, tu t'en penses quoi, toi? Ouais, moi, enfin, voilà, je me mets aussi à la place des joueurs. C'est-à-dire que, enfin, voilà, un jeu à la sortie, ça coûte environ 70€, ce qui est pas rien. Et l'acheter à l'aveuglette, je trouve ça quand même un peu risqué, quoi. Moi, je sais que j'ai commencé à lire la presse jeux vidéo quand j'étais gamin. C'était pas pour les news, c'était surtout pour voir les tests. Parce que quand j'achetais un jeu 400 ou 500€ sur ma NES et qui était pourri, bah, je me suis fait avoir une fois, pas deux, quoi. Et les tests, pour moi, c'est quand même quelque chose de primordial. Donc, si on a pu accès à ces tests-là, on va dire le jour J de la sortie du jeu. C'est un peu, ça va être un peu compliqué, quoi. Bah pour les joueurs, oui. En tout cas, pour ceux qui veulent acheter le jour de la sortie et qui aimaient se fier au test. Il y en a beaucoup, quand même. Et il y en a beaucoup. C'est une grosse catégorie des joueurs. Moi, je trouve que c'est un problème qui est encore plus problématique pour la presse, pour le coup. Parce que, alors, j'ai essayé de structurer le débat. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, côté éditeur, Moi, ce qu'on en parlait tout à l'heure, juste avant l'émission, on disait que c'était pas les premiers à faire ça. Non. Alors c'est les premiers, on va dire, à le dire clairement dans un message écrit. Mais on a déjà 2K Games, par exemple, qui avait envoyé très tardivement Mafia 3. Mm. Alors souvent, quand un éditeur envoie tardivement un jeu, on peut un peu flipper. C'était le cas pour Mafia 3. Après, c'est ce que rappelle aussi Bethesda, c'est-à-dire que Doom, il avait été envoyé la veille et Doom a eu un super succès limite critique. Ils l'ont fait exprès, quoi. Ils savaient très bien qu'ils allaient vers là et tu vois. Et il faut voir qu'aujourd'hui, pour des développeurs, on est de plus en plus avec des jeux qui ont des patchs Day One. Et souvent, les testeurs n'ont pas les patchs Day One. Donc peut-être aussi, ils n'ont pas envie que les testeurs testent un jeu qui n'est pas fini. Alors tu peux dire que c'est de leur faute, ils n'ont qu'à finalement fournir des jeux à telle date et faire un jeu fini, hein, ce qui se faisait à l'époque quand tu n'avais pas la possibilité de faire un patch Day One. Tu peux aussi dire juste qu'un patch Day One, il ne va pas non plus changer fondamentalement l'intégralité du jeu. Il va ajouter des petites choses, il va modifier des petites choses, il ne va pas changer intégralement le gameplay, intégralement le scénario, intégralement les graphismes. Enfin, je veux dire, même si les testeurs, ils ne sont pas cons, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le patch Day One, donc ils peuvent très bien dire ok, bah nous on a vu ça, mais on va pas en parler dans notre test, quoi. Non, mais tu peux dire que de fournir à quelqu'un qui va tester ton jeu un jeu qui est pas fini, ça donne une mauvaise image de ce jeu là tu vois un jeu qui est hyper bien fini. Oui, mais il ne le donne pas à tout le monde, il le déjà... donne à des testeurs avec qui ils sont censés travailler en commun pour essayer, bah on vous livre un produit en avance pour que vous puissiez le tester dans les limites que vous connaissez et vous donner votre avis. Ouais, je me fais un peu l'avocat du diable. Bah moi aussi. Débat. Et même en allant plus loin que l'avocat du diable, je peux être aussi faire le type cynique, c'est-à-dire qu'il y a le cas des précommandes. C'est-à-dire que ça, c'est un facteur qui est très important pour un éditeur. Un jeu qui est testé avant sa sortie et qui reçoit de mauvaises critiques peut voir des précos annulés ou des précos chutés. Et on sait aussi que les notes métacritiques, elles sont aussi. Ça permet de faire des bonus pour les développeurs. Donc, ça, c'est des éléments qui sont assez importants. Donc, en fournissant le jeu Day One, ils peuvent très bien se dire bon, ouais, même si notre jeu est pourri, il y a peut-être des gens comme Dim à l'époque qui vont se faire avoir par un jeu de merde. Tu vois, ça, c'est le côté. Bon. Encore Terminator sur la NES. Ah, mais là, c'était ton côté fan de Terminator, donc c'est pour ça que tu t'es fait avoir. Et après, il y a aussi, en étant moins cynique, il y a aussi l'idée aussi de l'éditeur qui veut contrôler sa communication. Ça, c'est une obsession qui est grandissante. Hein. On le voit par exemple chez beaucoup d'éditeurs. On l'avait vu pour EA qui, par exemple, avait fait sa propre conférence à l'E3. On voit Nintendo qui, maintenant, même si là, ils vont refaire une conférence pour la Switch, ils font des Nintendo Direct pour s'adresser directement aux consommateurs. C'est vrai que le test, c'est un peu l'instant de liberté possible pour le site ou le testeur, loin des parcours un peu balisés de ce qu'il y a dans les trailers, les previews, quand c'est organisé par l'éditeur. Et là, finalement, on pourrait dire que l'éditeur, il remet tout le monde sur un pied d'égalité. Sa conception de l'égalité à lui, on est d'accord, voilà. C'est aussi une manière d'être cynique. Et parce que finalement, c'est. Là, pour le coup, moi, c'est finalement la limite du cynisme. C'est-à-dire que, tu sais, ils disent, on va continuer à soutenir les journalistes et les influenceurs, mais on peut surtout penser qu'ils vont donner le jeu aux à des gens qui sont monétisés, donc qui reçoivent de l'argent pour parler des jeux, et que finalement, ils vont dire, regardez, il y a de la critique sur nos jeux, les gens en parlent. Cyprien Gaming a adoré, il l'a eu 2 semaines avant, il a été payé 5 millions d'euros pour la fin. Il a été payé 50 000 euros pour la mai, sans parler de Cyprien Gaming. Non, mais je donne un exemple parlant. Ça va leur permettre, en fait, de choisir qui parle de leur jeu. C'est un peu l'inverse de ce qu'est le principe de la critique. Mais clairement, et du coup, en fait, là, concrètement, ce qu'ils disent dans cette lettre, c'est qu'on veut plus se soumettre à la critique. Et tout en disant, on adore la critique et on essaie de travailler avec eux. C'est pour ça que je trouve que c'est une belle enfilade. T'es pas d'accord sur les arguments des éditeurs qui pourraient. Non, je suis pas d'accord. Le jeu pas fini. Le jeu pas fini, les testeurs le savent. Et je pense qu'ils sont assez intelligents, les mecs, quand même. C'est leur métier. Enfin, tu vois, il faut pas non plus. Voilà, je dis pas pour les petits sites qui l'ont peut-être de manière un peu détournée. Et ça, ça va être un autre problème. Hein. On va en reparler peut-être après. Mais tu vois, les grands sites dont tu parlais tout à l'heure, Gamekult, jeuxvideo.com, Gameblog, etc., ils savent très bien que le jeu qu'ils testent, ils n'ont pas eu le patch Day One. Et du coup, ils savent très bien qu'il y a des limites dont ils ne parlent pas dans leur test, ou auxquelles ils ne font pas allusion, ou parfois ils le disent même, attention, nous, on n'a pas eu le patch Day One, donc il y aura peut-être des choses qui vont évoluer. Ouais, mais alors, autre exemple, les problèmes, si tu n'as pas le patch Day One, tu peux par exemple voir sortir des vidéos de jeux de bugs sur YouTube. Tu vois, quelqu'un, à mon avis, de plus en plus de monde peut avoir le jeu. Le problème, c'est que tu les verras toujours. Parce que les gens, ils vont continuer à avoir le jeu avant la sortie, à mon avis. Ça ne changera rien que les critiques ne l'aient pas avant. Il y aura toujours des gens qui vont l'avoir avant. Et du coup, là-dessus, le contrôle de la com, je trouve que c'est complètement illusoire. Et qu'en plus de la... Justement, à la rigueur, en le donnant à des sites avec qui ils auraient pu développer un partenariat à travers le temps, et en se disant, on se fait confiance, je vous donne le jeu, vous savez qu'il n'est pas fini, donc faites une critique, voilà, vous divulguez pas la fin, etc. Là, maintenant, il n'y aura plus ça. Donc les sites, soit ils vont devoir acheter les jeux en avance comme tout le monde, et après se dire, nous du coup on n'a plus rien qui nous engage envers Bethesda, par exemple, on peut dire la fin du jeu si on veut. Carrément, donc ça, c'est plutôt. Là, c'est après côté éditeur, c'est côté presse. Là, c'est côté presse. Donc là, on peut très bien dire ils nous ont enfumé, on les enfume. Et ou alors, si la presse, du coup, s'écroule à force de mauvaises nouvelles comme ça, parce que la presse jeux vidéo a déjà du mal, effectivement, le pouvoir va se retrouver, alors, soit entre les mains des youtubeurs qui seront cooptés par les marques. Donc voilà, après les consommateurs seront peut-être pas cons tout le temps et verront bien que le mec est payé pour dire du bien, soit par des consommateurs qui ne sont pas cooptés par les marques, qui ont juste acheté le jeu au black 7 jours avant qu'ils ont tombé du camion, et là qui vont pouvoir également révéler la fin, montrer les bugs, etc. etc. Et on parle en termes de communication, on n'est plus du tout dans la maîtrise, mais on est complètement dans l'oubli de... Parce que... Peut-être de pas forcément montrer la fin, mais ils vont pouvoir en parler avant que l'éditeur ait fini sa communication. Ils vont pouvoir dire regardez ce qui se passe à cet endroit-là, on peut plus avancer, c'est de la merde ce jeu. Et finalement, en contrepartie de l'argent qu'ils doivent payer pour avoir le jeu, ce qui représente une 70 euros, ils vont avoir peut-être plus de liberté de parler du jeu de la façon dont ils ont envie et quand ils ont envie. Bah exactement. Par contre, le corollaire à ça, c'est que finalement, on va avoir une course au clic pour sortir le test le plus vite possible. On l'avait déjà un peu retrouvé sur, je sais plus, c'était GTA sur ou GTA, comme ça, qui était monstrueux entre Gameblog et Gamekult, où ils se sont bien tirés dans les jambes à ce moment-là. C'était très très sympa comme ambiance, parce que voilà, bien sûr, je sais plus lequel au final avait gagné, mais en gros, ils disaient mais c'est pas possible de tester le jeu en moins de d'un week-end. Résumer, ce qui s'était passé, c'est que Gameblog avait signé une NDA avec Rockstar, donc ils avaient des privilèges, c'est-à-dire qu'ils avaient pu faire des quelques petits trucs. Je crois que s'il y avait des interviews ou des choses, ils avaient pu parler du jeu un petit peu avant. Sauf qu'ils étaient obligés de respecter une street date de la sortie du test, tandis que Gamekult l'avait acheté, l'avait fait vraiment rincer tout le week-end et avait sorti le test en premier. Je crois que c'était même un des premiers tests sortis par la presse mondiale, donc d'un jeu qui était quand même hyper attendu. Donc ça avait suivi, on peut pas tester un jeu en si peu de temps, donc voilà, bon après c'est un débat un peu de cours d'école. Mais voilà, disons que ça, on va peut-être revenir à ça, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, l'intérêt c'est de le sortir le plus vite possible le test, donc on va rusher le test, ou alors on va faire, comme je disais tout à l'heure, des tests preview. Alors après, soit on peut se dire que c'est pas aller vers la maturité du média en le regrettant, en se disant effectivement on va revenir à des trucs de rush de test et c'est un peu triste pour la maturité de la presse et de la relation aux médias jeux vidéo. Soit on peut se dire que ça va encourager la créativité vers des nouvelles formes de tests, parce que le test a aussi un peu une image un peu dépassée. On se souvient des notes, on en a largement parlé, des notes à jeux vidéo, ça, est-ce que ça a toujours un sens? On se pose encore la question et on est plutôt dans la négative chez Upcast, mais bon, ça voilà, c'est notre point de vue. Là, peut-être que ça va les forcer à trouver d'autres moyens de parler du jeu vidéo, à trouver d'autres moyens de pas forcément juste rebalancer la com et les trailers déjà en avance. Peut-être que c'est pas une mauvaise idée de faire des vidéos et de partager une communauté et d'essayer de co-construire un avis critique avec une communauté en lui montrant, en essayant de jouer ensemble sur Twitch ou j'en sais rien, des let's play, des choses comme ça. Ça peut être des nouvelles idées qui vont émerger face à ces relations-là. Là, j'essaie, vous l'avez compris, de voir le positif. Dans la vraie vie, je pense qu'on va quand même vraiment retourner vers la course. Donc, après, t'as peut-être des sites qui vont se dire, finalement, on n'a plus cette pression-là, on prend plus notre temps pour tester le jeu, et comme tu dis, on essaie de nouvelles formes de tests, des peut-être trucs peut-être plus, avec plus de recul. Ouais. Peut-être qu'ils vont se positionner un peu dans le luxe du jeu vidéo, sans se fixer une vraie... Il y en a déjà, mais c'est plutôt souvent des petits sites, c'est des gens qui font ça par passion. Et mais voilà, tu vois, parce que je crois qu'à l'époque, je crois que c'est donc Yukishiro de Gamekult qui disait que finalement, les tests qui sortaient après le Day One, c'est pas forcément ceux qui faisaient le moins d'audience dans leurs tests. Alors après, des fois, j'entends un autre son de cloche en disant si on sort un test plus tard, finalement, les gens s'en foutent, ils veulent vraiment le test, l'avis Day One pour se faire leur idée. Et voilà, est-ce qu'on l'achète, est-ce qu'on l'achète pas. Après, juste, je voulais finir sur la partie côté joueur, là où finalement, il peut peut-être y avoir plus de débats. Donc bon, voilà, c'est ce qu'on disait, les joueurs n'auront pas de retour test. Ou alors par certains influenceurs, donc ça c'est toujours le problème de savoir test avec qui des tu guillemets. Crois, et voilà, c'est des tests, ça va plutôt être des promotions. Donc ça c'est un problème pour ceux qui décident de leur achat du test, c'est ce que Dim disait tout à l'heure, ceux qui décident de l'achat d'un jeu par rapport à un test. En plus c'est un problème pour l'avis critique, c'est important dans une industrie culturelle bien au-delà du guide d'achat, ça va être remplacé avant la sortie d'un jeu par des avis intéressés et monétisés, je suis fondamentalement d'accord. Pour autant, je trouve que finalement ça met tout le monde, presse, joueur, sur un plan d'égalité. Et peut-être ça va obliger les joueurs à se responsabiliser sur le fait de précommander des jeux. Peut-être que les gens vont se dire on va peut-être pas précommander le jeu, on va peut-être attendre les retours peut-être des premiers tests, les retours d'autres joueurs, le moment où tout le monde va s'accaparer le jeu pour lui-même, et peut-être même des gens vont peut-être prendre plus de risques pour acheter des jeux qu'ils n'auraient pas forcément acheté s'ils avaient lu un avis négatif. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, moi ce qui gênait dans ton discours ou même dans celui de Dim, de dire les tests c'est hyper important, pour moi c'est je trouve que c'est plus du tout important les tests. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à l'époque dont on parlait tout à l'heure, où il y avait finalement très peu de moyens de savoir ce que valait un jeu, aujourd'hui t'as des trailers, t'as des let's play, t'as des démos, enfin finalement maintenant tu as une surinformation du jeu vidéo. Mais toi t'es un joueur très très pointu, très informé, très au courant, tu suis ça de très près et tu es voilà, enfin t'es très très au courant de l'actualité du jeu vidéo. Le entre guillemets le gamin de 15 ans ou le mec de comme moi de 30 ans qui est un casual gamer. Moi, c'est let's play, ouais, c'est machin, je les vois pas. Si, par exemple, je sais pas, t'es un fan de FIFA, de Call of, je prends des trucs qui se vendent tellement, que le jeu il est 6 sur Gamekult ou qu'il est 8, tu l'achèteras quand même. Donc, est-ce que ça change quelque chose qui est un test? Moi, je suis plutôt pour l'idée. Je trouve déjà, tu en parlais tout à l'heure, les notes, je trouve ça quand même assez ridicule. C'est-à-dire que dans les autres médias, en cinéma, on n'en tient pas tellement compte. Alors, si, IMDB, mais c'est pas vraiment des trucs qui ont facteur à. Enfin, c'est pas des trucs qui ont vraiment vocation à. C'est plus après des choses un peu. Je sais pas comment dire, on a l'impression que après les tests d'IMDB, c'est plus pour resituer un film. C'est un symbole, alors que dans le jeu vidéo, ça a une importance quand même hyper importante lors de la sortie du jeu. C'est-à-dire, le test, tout le monde dit, ah tiens, cet exclu, tel exclu, elle a 8, ah tiens, lui, c'est une exclu qui a eu 7. Il y a toujours des débats sur la note, presque indépendamment du contenu du test. Non, après, j'aime bien ton point de vue en te disant que peut-être ça va responsabiliser les joueurs et que ça va leur faire soit prendre des risques, soit tu vois, voir différemment la façon dont ils achètent des jeux et peut-être se dire qu'ils les achètent moins vite et autrement, différemment, via d'autres circuits, en prenant le temps, etc. Ça, je trouve que c'est un argument intéressant. J'aimerais bien y croire. J'y crois quand même pas trop parce que je me dis quand même que... Enfin, il faut resituer que le jeu vidéo, c'est quand même le premier bien culturel vendu en France et en Europe. C'est pas... Enfin, voilà, c'est la masse qui achète des jeux vidéo. Ouais. Je sais pas si la masse va se comporter comme ça. Non, mais après, je joue un peu l'avocat du diable aussi en disant je me doute que le point de vue des éditeurs, et notamment Bethesda, il n'est pas non plus bienveillant et égalitaire en disant nous, on veut mettre. C'est juste simplement que. Honnêtement, ma première réflexion, ça a été genre, ils veulent pouvoir sortir de la merde sans niquer leur précommande, quoi. Ils veulent pouvoir faire une bouse et qu'on leur achète tous parce qu'on n'est pas forcément sortir de la merde, mais pas forcément être victime d'un journaliste qui va pas avoir aimé ton jeu, ce qui peut arriver, et qui a une grosse influence. Donc, ils préfèrent se dire bah tiens, si finalement quelqu'un n'est pas influencé et avait envie de l'acheter, il continue à l'acheter en attendant le test. Après, voilà, c'est un peu un discours focus pour dire on travaille toujours avec. Moi, j'aimerais pas être dans la presse là, dans la presse jeux vidéo, Jack. C'est difficile, je pense, d'y être. Là, je pense que ça va être encore. Enfin, si tous les éditeurs commencent à faire ça, qu'est-ce que tu vends à tes lecteurs, tu vois? Ça va devenir de plus en plus compliqué. Parce qu'à part leur vendre des trailers ou des choses que bah, eux, ils peuvent accéder n'importe où finalement sur Internet, bah, t'as pas grand-chose à leur proposer, quoi. S'ils peuvent, en gros, avoir le même jour partout, le même test. Enfin, je sais pas. Il y a plus un côté genre à quoi vous servez, quoi, les gars, tu vois? Dim, je sais pas si t'avais un avis sur le côté justement quand t'en parlais un petit peu au début avec l'importance que ça avait les tests pour toi, notamment quand t'étais plus jeune et que tu te faisais arnaquer par des jeux comme Terminator. Je sais pas si t'avais d'autres sur le fait qu'aujourd'hui il y aura peut-être plus de tests Day One. Qu'est-ce que ça remet en cause en tant que joueur pour toi? Non, bah après, je pense que vous avez dit l'essentiel, quoi. Après, ouais, c'est enfin à voir, ouais, c'est surtout ouais, peut-être aussi au niveau de la presse jeux vidéo, voir comment eux vont pouvoir rebondir là-dessus, quoi. C'est juste que ça va leur faire 60 euros en moins. Ouais, mais c'est vrai que ça va être difficile de se placer sur la concurrence, quoi, parce que déjà qu'ils ont du mal à. Enfin, tu vois, un Cyprien Gaming, bon, je prends toujours le même exemple, mais vous avez. Non, il y a un truc qui se passe. Non, hein. Je m'en fous, je sais même pas, honnêtement, je sais même pas ce qu'il fait, mais. Je pense qu'il fait déjà largement plus d'argent et beaucoup plus de clics que une rédaction de Gamekult qui est investie, tu vois, sur le jeu vidéo depuis des années, quoi. Et quelque part, ils vont devoir de plus en plus être en concurrence avec ça. Et en plus, maintenant, ils sont à armes inégales. Parce que, ils n'ont même pas le jeu, quoi. Toi, tout à l'heure, tu disais finalement, aujourd'hui, les tests, que ce soit Gamekult, jeux vidéo, ils savent finalement ce qu'ils font. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas finalement avec Internet, avec tous les avis que tu peux avoir, y a autant d'avis qu'il y a de joueurs. Et que finalement, maintenant, la note, on est finalement dans l'ère de la subjectivité. Alors, un jeu, il peut avoir des défauts qui sont rendus objectifs. Mais tu vois, moi, je pense à des jeux, par exemple, Portal sur Gamekult, c'est un jeu qui s'est fait défoncer. Je crois qu'il a eu 4 ou 5, alors que Portal, c'est devenu un jeu culte. Ouais. Toi, ça veut pas dire que tu peux très bien dire que Portal c'est un mauvais jeu. J'ai pas de problème avec ça. Peux dire, il y a eu des exemples comme ça, comme Rez, comme God End, voilà, qui sont devenus des jeux cultes. Mais est-ce que finalement c'est aussi logique? C'est-à-dire que il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui aiment, c'est un peu le principe de la critique. Donc à partir du moment où tu restes dans la subjectivité, c'est plus facile. Après, s'il y avait pas de note, déjà ça poserait pas le problème, parce qu'un texte a moins de poids qu'une note qui est comme ça, qui est fixée pour un peu, pas pour l'éternité, mais pratiquement, enfin qui est gravé dans l'arbre. Facile à se souvenir en plus. Qui est facile à se souvenir. On dit, ah tiens, jeu-là, il a eu 4, donc on le compare. Il y a un système de comparaison qui se fait entre les jeux. Mais finalement, le fait que maintenant on est un peu tous au même point d'égalité, ça renverra à ce qu'est un avis, c'est-à-dire un avis hautement subjectif. Alors après, il y a peut-être des choses qui sont objectives dans le test d'un jeu vidéo. Moi, j'y crois pas tellement. Mais on ferait comme un film, bah, tu vois, tu discutes avec quelqu'un, il dirait, ah, ce film, je trouvais que c'était une merde. Toi, tu trouvais que ça a été génial. Et c'est pas forcément. Voilà, il n'y a pas de rencontre d'objectivité qui parle, quoi. Peut-être, non, mais peut-être que ça va faire du bien, hein. Peut-être que ça va forcer un peu le média, enfin, en tout cas, la presse et la relation à la presse à ce média à grandir, et que ça sera au final pour le bien de tous. J'ai quand même tendance à pas y trop. J'ai l'impression, quand même, encore une fois, même si on revient au débat sur la note, mais on va rapidement conclure là-dessus. Ouais. J'ai l'impression que la presse n'est pas prête de lâcher cette histoire de notes et que les lecteurs non plus, en fait, ils en ont besoin et ils la veulent quelque part. Ça sera un côté rassurant, quoi. Ouais, donc je suis curieux en tout cas de savoir comment Gameblog, Gamekult vont faire pour les prochains jeux Bethesda. Moi, je pense qu'ils vont l'acheter en street et qu'ils n'ont plus de NDA, donc ils pourront faire un peu ce qu'ils veulent. Donc, ouais. Est-ce que ça va les pousser à être créatifs vers d'autres solutions? Je ne sais pas. On verra. Deuxième débat, peut-être, si on se lance dessus. Ce n'est pas vraiment un débat, du coup. Non, c'était pas vraiment un débat. C'est plutôt la suite d'une news qui nous a attristés, étonnés, surpris. Attristés, non. Mais... Je ne sais pas, hein, à vous de voir, mettez l'adjectif que vous voulez, réjouis. Hein. Non, parce que c'était un peu un secret de Polichinelle depuis quelques semaines. Hein. C'est l'arrêt de la production de la Wii U. Donc, on avait eu des rumeurs, des démentis de Nintendo, puis des rumeurs encore sans démenti. Et là, dernièrement, sur le site officiel de Nintendo Japan, on a vu apparaître la mention d'arrêt de production pour les deux offres encore en circulation au Japon. La Wii U avec Splatoon et la Premium 7 32Go, donc tout ça sans officialisation de la part de Nintendo, mais étant donné que c'est sur leur site. Voilà, donc on peut le dire, la Wii U c'est 2012-2016, ouais. Allez, on peut compter 2017, mais bon, on se dira le Zelda, mais en même temps il sortira également sur Switch. Puis il va être repoussé celui-là. Là, on parlera peut-être tout à l'heure, il y aura peut-être d'autres news. Donc avant l'arrivée de la Switch, donc l'occasion un peu d'écrire une nécrologie, de rédiger une épitaphe pour la console au Gamepad, donc 4 ans de vie, hein, c'est pas tellement. C'est pas long. Hein. C'est pas long, puisqu'en plus c'était fin 2012. Hein. Ouais. Bon, en même temps, ça fait quand même 4 ans, ça doit être ça. C'est ça. C'est juste pour faire un petit point. Alors, Dim n'a pas eu de Wii U, donc je ne sais pas si tu l'as vu. En même temps, ça peut être intéressant pour savoir pourquoi toi, tu n'as pas acheté de Wii U. C'est vrai, ouais. Moi, je n'ai pas acheté de Wii U parce que le catalogue de jeux ne me correspondait pas vraiment, quoi. Alors, ok, ouais, si, je suis quand même fan encore des plateformes des style Mario. Ça me fait quand même un peu suer de mettre 200-300 € dans une console pour juste un jeu ou deux, ça m'a pas trop motivé en fait. Toi, t'avais rompu aussi avec Nintendo, avec l'univers Nintendo et les jeux Nintendo depuis quelques temps aussi, je pense que ça joue. Depuis la GameCube. Ouais, ça fait quelques temps que toi t'avais un peu passé ça. Moi, je sais que cette console, je la regretterais honnêtement. Hein. Ouais. J'ai une relation, on va dire, pas compliquée avec, parce que j'y ai pas non plus tant joué que ça. Mais c'est aussi à cause de la famille, etc. à côté. Mais la Wii U, pour moi, je dirais que c'était un peu comme ma Dreamcast quand j'étais ado, tu vois. C'est, pour moi, ça sera dans le même type de souvenir. C'est-à-dire, pour moi, la Dreamcast, ça a été une console où je me suis éclaté. J'ai joué à plein de jeux mythiques. Il y a peut-être des jeux plus forts sur Dreamcast. Il y avait des jeux qui sont très forts et qui. Mais je sais pas plus fort. Honnêtement, je suis même pas sûr. Parce que moi, je la mets quand même assez haut dans mon classement de mes consoles dans ma vie. Est-ce que c'est pas aussi quand des consoles marchent pas, t'as ce côté finalement plus d'attachement à peut-être. La console? Honnêtement, peut-être. Je m'en rends pas encore forcément compte, mais je sais que j'ai eu des expériences sur Wii U qui correspondait avec ce à quoi je voulais jouer au moment où je voulais jouer à mon âge avec mes enfants, etc. Enfin, ça m'a créé des bons souvenirs, que ce soit notamment Splatoon ou même Captain Toad, ce genre de petits jeux, de petits bonbons. C'est exactement la consommation de jeux vidéo dont j'avais besoin à ce moment-là et qu'il me fallait. Des trucs que peut-être peu de gens connaîtront dans l'avenir, parce que justement, elle s'est pas trop bien vendue, la Wii U, clairement, mais où j'ai eu l'impression, moi, de passer des moments exceptionnels sur des jeux hallucinants. Moi, je le répète, mais le Mario sur Wii U, c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est peut-être le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué de ma vie. Enfin, j'ai halluciné quand j'ai fait ce Mario. Le 3D World. Ouais, le 3D World, le Super Mario 3D World. Ceux qui disent que c'est pas tu verras un Mario 3D sur la Wii U. C'est juste incroyable. Enfin, pour moi, c'est un des plus grands jeux que j'ai jamais que fait. Un bon jeu. C'est hallucinant de créativité. Splatoon, j'y ai passé des heures. Enfin, c'est vraiment des dizaines et des dizaines d'heures même. Et je trouve que voilà, ça, pour moi, elle aura une place importante dans mon cœur et dans mon, dans mes mémoires de gamer, de faible gamer, mais de gamer quand même pour alors, moi. Et justement, parce que finalement, c'est la réflexion aussi, c'est un peu quelle place elle a eu dans la galaxie des consoles Nintendo, et aussi surtout quelle place elle a eu par rapport à sa génération de consoles. Donc c'est une machine qui est sortie, c'est ça qui est compliqué. Qui est sortie à la fin à peu près de l'ère, enfin à la dernière année de l'ère PS3 360, entre les deux finalement générations, entre le passage à la PS3, PS4 et à la 360 One. Ouais. Donc une console qui était ni une console nouvelle génération, enfin, voilà, qui avait un peu le cul entre deux chaises, mais finalement qui offrait des jeux que tu trouvais peut-être plus sur PS3 360, ouais, même sur PS4 et One. Enfin, c'est-à-dire, c'est un univers, voilà, c'est un univers Nintendo. Donc bon, voilà, on accroche ou on n'accroche pas, on a décroché pas. Enfin, on a tous une histoire un peu personnelle avec Nintendo quand on a 30-35 ans. Mais voilà, peut-être qu'aussi c'est une console qui était pas forcément originale à l'échelle de Nintendo, peut-être moins originale que la Wii dans le hardware, moins finalement originale dans le software que la GameCube. Mais peut-être que c'est une console aussi qui proposait des jeux que tu pouvais pas, auxquels tu pouvais pas jouer sur les autres machines. Ouais, je trouve qu'elle avait quand même une personnalité là-dessus, et quelque part c'est une console qui est sortie un an trop tard encore même. Elle aurait dû peut-être sortir encore un an plus tôt, avec peut-être plus de jeux tout de suite. Ouais. Elle est sortie à un moment où elle s'est pris une concurrence, malheureusement, voilà, la PS4 est arrivée, et la Wii U avait toujours très peu de jeux, genre 3 ou 4 jeux qui étaient sortis au moment où la PS4 est arrivée. Ils avaient sorti la console presque au bon moment, mais le fait de pas avoir eu de software à ce moment-là était fatal pour la Wii U. Ah, puisqu'il faut dire qu'il y a, bon, ils ont sorti au début dans leur jeu, il y avait le Mario 2D, mais c'était un peu une ressaucée du Wii. Là, ça faisait chier les gens. Et après, le premier gros jeu, c'était Pikmin 3, qui est sorti pratiquement 7-8 mois après et qui était déjà prévu sur la Wii. Et après, c'est 3D World, c'est ça, qui est sorti en fin d'année. Donc, pratiquement un an, il n'y a pas eu de jeu Nintendo. En un an, on a eu un jeu, quoi. Il y a eu d'autres jeux, mais qui étaient peut-être un peu plus confidentiels. Après, on peut revenir aussi sur son annonce. Enfin, déjà, bon, c'est la successeur de la Wii. Sur son nom même, c'est tout est raté en fait dans cette console depuis le début, entre son nom, la Wii U, que personne n'a compris que c'était vraiment une autre console, en tout cas le grand public ne l'a pas compris que c'était une autre console. Même les joueurs et la presse au début, on s'est demandé si c'était une vraie une autre console que Nintendo annonçait. Le nom n'aide pas non plus, hein, puisque Wii U et Wii, c'est assez proche, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et puis le concept en lui-même a mal été exposé, hein, contrairement peut-être à la Switch, où on s'était dit, justement, quand on a débriefé de la vidéo la dernière fois, genre c'est hyper clair, on comprend le concept tout de suite. Mais peut-être que le concept est moins fort sur la Switch que. Peut-être qu'il la est Wii moins U. Fort. Je pense que le concept était bien meilleur sur la Wii U, mais qu'il était très compliqué à expliquer et ce qu'il a été mal expliqué et surtout mal exploité après. Et du coup, à part peut-être par un Rayman ou ce genre de choses, ou enfin quelques petits jeux comme ça qui ont essayé vraiment de faire quelque chose. Et au final, même Nintendo n'a pas joué à ses propres règles en fait. Il a créé des règles très intéressantes, mais il les a pas exploitées. Tu vois, par rapport à la Wii, moi je trouve que la Wii c'était un peu, tu sais, c'est un peu le couteau de boucher, c'est-à-dire c'est le truc, tu sais ce que c'est. C'est-à-dire que la Wii, tu voyais le mec jouer au tennis, tu comprenais. La Wii U c'était un peu le couteau suisse, c'est-à-dire t'avais quelque part, tu pouvais faire de la symétrie, tu pouvais faire du tactile, tu pouvais faire de la reconnaissance de mouvement, tu pouvais faire un peu des companion app comme il y a eu à quelque temps où tu pouvais avoir la carte se déporter sur ton gamepad, tu pouvais jouer tout seul. Chez toi pendant quelqu'un avec le Off TV. Enfin, t'avais plein de possibilités, mais il n'y avait pas un jeu qui arrivait à formuler une proposition concrète de ce qu'était finalement le gamepad. Alors, peut-être un peu Nintendo Land, mais finalement, ça n'a pas trop pris. Ils n'ont peut-être pas trouvé le jeu finalement comme faux, Wii Sport. C'est pas faux. Tu vois, c'est vrai que le concept était beaucoup plus flou parce qu'il était beaucoup plus multiple en fait. Et c'est vrai que c'est même encore aujourd'hui, je ne saurais pas expliquer à quelqu'un ce que c'est que la Wii U, quoi. Parce que c'est vrai que tu lui dis c'est asymétrique, mais t'as pas de résumé l'intégralité de la console en disant ça. Oui, c'est ça, parce que t'as à la fois le tactile, tu peux penser que c'est le tactile. Il y a des jeux qui se passent même vraiment du deuxième écran. On pense à Mario Kart, à part si t'as envie de klaxonner. Oui, ça sert à rien, et pourtant c'est un très bon Mario Kart. Pourtant c'est un très bon Mario Kart. Sur moi, ce que je m'étais noté, donc. Après sur les jeux, peut-être qu'il y avait des jeux, donc tu parlais des jeux qui t'ont marqué, Mario. Splatoon, pour moi. Ouais. Splatoon qui a été quand même au final aussi une des vraies annonces de Nintendo, parce que c'est rare que Nintendo annonce des nouvelles licences. Splatoon en est une. C'est pas si rare, mais de cette ambition là, de cette ambition, et puis en plus, voilà, ils avaient mis beaucoup d'importance sur l'équipe en elle-même, ils l'avaient présenté, etc. Enfin voilà, et c'est pas non plus très courant chez Nintendo de faire ça. Et au final, ça a été pour moi un vrai succès. D'ailleurs, c'est toujours un succès, ça s'est entretenu, enfin un succès relatif. Hein. On n'est pas sur des Gears of War ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que non, il y a eu des jeux vraiment. Moi, j'ai trouvé des. Après, c'est des jeux Nintendo, quoi. Alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque d'ambitieux dans les jeux? C'est-à-dire que voilà, ils ont cherché des valeurs sûres, ils étaient sur des genres qui sont un peu en désuétude, la plateforme. Bon, Splatoon, c'était un peu peut-être l'exception. C'est celui qui a le plus d'ambition, justement. Il avait plus d'ambition parce qu'en plus, il allait vers un genre. Il renouvelle un genre, etc. Voilà, enfin, il renouvelle un genre un peu comme l'avait fait Mario Kart quand ils avaient inventé une sorte de genre. Là, finalement, un espèce de TPS super coloré, finalement, prendre à rebrousse-poil ou à un peu à contre-pied le TPS tel qu'il est, le TPS guerrier, le TPS. Là, c'est vrai qu'ils avaient de l'ambition sur Splatoon et c'est pour ça, je pense qu'il est sorti du lot. Effectivement, le reste des autres jeux, ça serait difficile d'en dire un comme ça qui ressort comme ça spontanément de C'est ça, moi qui suis par exemple un peu plus extérieur que vous pour la Wii U, je trouvais que tous les jeux, j'avais l'impression d'y avoir déjà joué auparavant, quoi, avec peut-être des moins beaux graphismes ou quoi. Par exemple, même, moi j'y ai quand même beaucoup joué à la Wii U, parce que j'ai un ami qui l'a. Et, j'avais pu essayer aussi par exemple Donkey Kong Tropical Freeze, qui est super bien, j'avoue, c'est un très bon jeu, mais. Bon, voilà, j'ai pas l'impression que ça c'était plus innovant que ça par rapport à un autre Donkey Kong qui avait pu sortir avant, par exemple. Quoi. Bah moi, c'est justement ce que je m'étais noté. J'avais noté cette expression, la petite boutique des honneurs. Donc, des honneurs en deux mots, hein, pas des honneurs. Mais c'est-à-dire qu'avec des jeux qui étaient très bien finis, mais dans des genres finalement qui maîtrisent depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que la plateforme, ils le maîtrisent depuis des années. Un Mario Kart, ils savent le faire. Un Smash, ils savent le faire. Alors, est-ce que finalement, ils se sont aperçus très vite que ça allait pas prendre et que tous leurs projets les ont gardés? C'est un peu ce qu'on essaie de se dire quand il y a eu beaucoup de gens. On se dit, les balancer sur Switch. Je pense qu'il faut vraiment être un gros fan de Nintendo pour y croire à ça. Non, mais tu vois, par exemple, il n'y a pas eu de Metroid. Il y aura même pas de Zelda exclusif. Ouais, c'est vrai. Il y a eu un Mario qui est un 3D World, mais qui était peut-être pas de l'ambition d'un Galaxy en termes. Je parle pas en termes de level design. Non, je suis bien compris. En termes de nouveauté, en fait, d'apporter quelque chose. Ouais. C'était finalement, ils poursuivaient un peu ce qu'ils avaient fait avec 3D Land et ce qu'ils avaient fait un peu avec Galaxy 2. Mais finalement, il n'y a pas eu, peut-être, à part Splatoon, qui était un peu une petite surprise comme ça, qui était sortie des jeunes poufs de chez Nintendo. Mais moi aussi, c'est pareil que toi, c'est-à-dire c'est la première console à laquelle j'ai joué. Ma fille. Ouais, voilà, c'est ça, il y a un côté différent du coup. Voilà, il y a un côté différent quand c'est les premiers. Moi, je me rappelle, le premier jeu qu'elle a joué, c'est Mario Kart 8, donc elle avait 3-4 ans. Donc, tu vois, c'est des souvenirs qui sont liés à ça. Ah, tu vas toujours t'en souvenir en fait de et cette pour elle console. Aussi, ça sera sa première console, un peu comme les gens ont commencé sur NES, elle se dira, on jouait à Mario Paper, on jouait à Paper Mario, on jouait à Donkey Kong, on jouait à Pikmin, parce qu'elle a adoré Pikmin. Tu vois, il y a plein de jeux comme ça qui vont lui rester, comme toi quand t'étais petit, et les premiers jeux que t'avais fait, c'était ceux-là. Alors, forcément, quand t'es là depuis 30 ans dans le jeu vidéo, t'as un autre recul. Mais voilà, pour des enfants, moi je sais quand j'étais plus jeune et que je jouais à des jeux qui n'étaient pas Nintendo, j'avais un autre regard sur Nintendo. Ouais. Moi je jouais à la Neo Geo, à la PC Engine. Pour la Super Nintendo, c'était un peu la console, un peu comme j'aurais dit pareil pour la Wii U maintenant. Certains ont cette opinion là sur la Wii U, quoi. Ouais. Un peu has-been, quoi. Ouais, un peu la console, un peu pas, je sais pas comment dire, mais moi, j'étais même pas du tout Nintendo quand j'étais jeune. Pour moi, c'était les univers colorés, j'en pouvais plus, les champignons, les trucs. Tu vois, peut-être t'as des époques où tu veux plus des trucs, peut-être un peu plus violents, des trucs un peu plus rentre-dedans. Mais c'est vrai que quand t'es jeune parent, la Wii U son monde coloré correspondait bien finalement à notre vie à ce moment-là. Quoi. Le multilocal aussi, puisque c'est un truc qui se perd de plus en plus. Maintenant, on joue tous en ligne. Mais finalement, quand tu joues à la 3DS avec ma fille sur Mario Kart 7, c'est toujours sympa, tu vois. Clairement. Et donc, moi, je me suis fait un petit top 5 des jeux oubliés ou passés inaperçus. Alors, Wonderful 101. En premier, j'ai mis Wonderful 101, puisque ça reste un de mes jeux préférés. Julien est un gros fan de Wonderful 101. Un de mes jeux préférés ever. Et de Platinum Games. De Platinum et d'Hideki Kamiya aussi, qui a fait Bayonetta 2, qui a fait Bayonetta 1, pardon. C'était un jeu qui était complètement dingue. Moi, je l'ai juste vu jouer chez toi. Je n'ai jamais joué. J'ai vu par Yao, justement, qui était dans notre podcast la dernière fois, et toi. Et bon, je n'ai rien compris de l'extérieur, mais c'est vrai que c'est la force hyper du jeu. Coloré. Ça a l'air génial d'énergie, de folie. Un peu comme Bayonetta était un hommage à Sega puisqu'il sortait chez Sega, Wonderful 101 c'était un vrai hommage à Nintendo, c'est un vrai jeu qui réinvente le beat'em all, c'est un jeu hyper drôle, hyper long si t'aimes les mechas, si t'aimes tout ce qui est univers comme ça, coloré, des Sentai, c'est vraiment excellent, donc c'est vraiment un jeu que j'ai adoré, j'ai passé pratiquement 300 heures dessus à le retourner dans tous les sens. On en a parlé, Donkey Kong Tropical Freeze, moi je trouve que c'est un jeu qui est passé un petit peu inaperçu, c'est vrai. Pourtant c'est un super jeu de plateforme, assez dur, très difficile, je l'ai recommencé avec ma fille et on galère quand même, on perd des vies en pagaille. Et quand Julien dit qu'on galère, vous pouvez multiplier par 10 pour vous, parce que Julien est une star en jeu vidéo. Non, moi je l'avais fini tout seul, c'est un jeu quand même qui est assez dur, mais qui n'est pas non plus insurmontable. Après, quand tu joues à deux, il est assez dur, mais il a une bonne difficulté. En troisième, j'ai mis Pikmin 3, que moi j'ai adoré. C'était mon premier Pikmin, j'avais pas fait sur les versions GameCube, puis après sur Wii. Je viens de le commencer, tu vois, donc il me reste encore pas mal de bonheur là-dessus. Ah, mais j'adore ce jeu, je trouve que la partie campagne est géniale, et la partie même, t'as un truc timé, hyper intéressant, parce que t'exploites vraiment le level design, c'est un des jeux les mieux level designés de Miyamoto. On dit souvent que Miyamoto est un peu fini, mais je trouve qu'il, voilà, peut-être pas Wii Music, mais quand il est capable de faire des jeux avec du vrai level design, il est hyper bon. Et c'est un jeu qui est hyper coloré, qui est hyper frais, qui est, voilà. Alors après, c'est un troisième épisode d'une série qui est déjà quand même connue, donc peut-être ça marche plus parce que je l'avais pas fait. En quatrième, j'ai mis Zombie U. Donc, pas un jeu Nintendo, mais moi j'avais beaucoup aimé, qui utilisait vraiment la symétrie, qui était un jeu. Alors c'est vrai que sans le gamepad, ça aurait peut-être été un jeu. C'est un peu comme la VR, c'est-à-dire qu'il y a des jeux sans VR, bah, tu te dis bon, est-ce que tu les ferais? Et là, c'est un peu pareil sur le gamepad. D'ailleurs, il était ressorti sur PS4 et One, et à mon avis, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais là, avec ce côté, ça te rajoute du stress. Est-ce que tu es obligé de regarder dessus? Voilà, tu es obligé de regarder dessus. Tu as ce côté, tu dois scanner parfois. Il y a un côté survival à l'ancienne, un peu rigide. Mais moi, j'ai trouvé vraiment l'expérience pour un jeu de lancement qui était assez intéressante. Et enfin, un jeu aussi dont on a très très peu parlé, c'est Lego City Undercover. Ah oui. Alors, qui est plutôt un jeu, moi, ce qui, alors c'est pas un grand jeu, mais c'est vrai qu'à l'époque où il n'y avait rien sur Wii U, tu étais content d'avoir un jeu. Il était bien noté quand même. Ouais, il était plutôt justement bien noté. Quand on parlait voilà, il était plutôt bien noté et plutôt bien apprécié, mais je pense aussi que ça jouait parce que il n'y avait pas pléthore d'autres jeux à faire sur Wii U. Donc finalement, quand t'as une oasis au milieu du désert, bah, tu trouves que l'eau, elle n'est pas si mauvaise que ça. C'est un peu ça. Et pour le coup, c'était un jeu qui était très drôle, qui avait plein de références au cinéma. Il y avait, je me rappelle, dès le début, il y a une référence à Titanic, des références à plein de films de la pop culture. Et c'était un jeu vraiment marrant et plutôt bien foutu quand t'aimes à la fois les Lego et je le trouve beaucoup plus réussi que les autres jeux Lego qui utilisent les licences, qui sont pas mal d'ailleurs. D'ailleurs oui, souvent c'est des plutôt bons jeux. Voilà, mais là c'était vraiment super drôle, c'était un GTA-like à petite échelle, à l'échelle... Bon voilà, après il y a tous les autres jeux qu'on connaît chez Nintendo, les Mario Kart, les Smash, Bayonetta 2, Bayonetta 2. Si vous faites partie de ces quelques 5 ou 10 possesseurs de Wii U en France comme nous, venez poster un petit message sur webcast.fr pour nous dire de votre côté quels sont les jeux que vous avez apprécié. Bah, vous pourrez rejouer sur la Switch en même temps. Dim, de ton côté, tu vas nous parler un petit peu d'un projet entre Marvel, on s'en serait douté que tu allais nous parler de Marvel, même dans la partie jeux vidéo, c'est pas possible. Et Telltale. On se refait pas. Alors, c'est quoi ce projet? Ouais, donc on le sait, hein, Telltale et les licences, c'est une sacrée histoire d'amour. Il y a eu Walking Dead, Game of Thrones, Borderlands, Retour vers le futur et d'autres. Dernièrement, ils se sont attaqués à Batman avec un certain succès d'après les critiques. On savait aussi par le biais d'un teasing il y a un peu plus d'un an qu'ils allaient faire aussi un projet avec Marvel. À l'époque, ils avaient juste annoncé un partenariat avec un poste affichant le logo Marvel, mais sans plus de précision. Mais la semaine dernière, il y a eu une fuite suite à une annonce pour un casting vocal. Et on a appris que le jeu allait être centré sur les Gardiens de la Galaxie. Donc il devrait sortir à peu près en même temps que le film, c'est-à-dire en avril 2017. Et ce n'est pas tout, il y a une rumeur aussi qui voudrait qu'un jeu sorte à chaque nouvelle sortie ciné de Marvel Studios. Oh putain. Au ciné, donc ouais, afin de... Un jeu Telltale. Ouais, un jeu Telltale pour chaque sortie de film Marvel Studios. Thor s'en souviendra. Ça va être passionnant. Mais Thor Ragnarok a l'air d'être vraiment pas mal. Hein. Ouais, je rigole. Ouais. Allez, on va conclure la partie du jeu vidéo art ludique avant de passer à nos conseils avec une dernière news. Enfin, est-ce que c'est vraiment des news ou des rumeurs à toi de me le dire, Julien ? Un peu de tout, puisque un peu de tout, c'est sur la Switch. Ouais, faire un petit bilan. Bah là, on est à un mois plus après, plus un mois après la révélation de ce que c'était que la Switch. Ouais. Et donc, on a eu pas mal d'infos et quelques rumeurs autour d'interviews, de soi-disant leaks, et même d'une annonce officielle, puisque maintenant, il faudra attendre le 12 janvier, alors peut-être le 13 en France, ça dépend. C'est bientôt. C'est le 12 janvier à Tokyo que Nintendo répondra à toutes les questions qu'on pourra se poser sur la Switch, la date de sortie, le prix évidemment, les specs techniques, le line-up, tout ça sous la forme d'une conférence. Hein, c'est quand même. C'est rare, ouais. Pas rare. Tant mieux, c'est pas mal. Donc certains sont contents, d'autres, voilà, après ça dépend. C'est bien qu'il varie. Comment ils veulent le montrer. Donc ça sera pour la presse au Tokyo Big Sight et elle sera retransmise en direct sur les internets modernes, donc on pourra la voir, je pense, que ça sera le 13. Dès le lendemain, au Japon, en Europe, aux États-Unis, les joueurs pourront essayer la machine. Alors où, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il y aura des points, peut-être des points de, je sais pas ce qu'ils feront. Voilà, Fnac. Ouais, peut-être Fnac, Micromania. Enfin, en France, je vois pas trop où ça peut être, ailleurs. Donc, en plus de cette annonce, donc Kimishima, le président de Nintendo, a annoncé lors des résultats financiers du groupe que le trailer de reveal de la Switch avait été vu 23 millions de fois. Et qu'il avait récolté un taux d'évaluation positif de 95%. Bon, je ne sais pas trop si ça veut dire grand-chose. C'est des pouces verts, quoi. Les gens ont mis des pouces verts, quoi. Peut-être qu'il n'y avait pas de possibilité de mettre des pouces, c'est ça. Des pouces rouges, sans qu'on sache voilà, à quoi ça correspond, et notamment comment c'est calculé sur tout ça. C'est clair. Bon, j'ai l'impression qu'ils sortent un peu du chapeau. Il a également parlé de la distribution mondiale de la future de console de Nintendo, tablant sur 2 millions de machines au 31 mars 2017, et confirmé qu'elle serait rentable dès son lancement. Alors 2 millions, ce n'est pas énorme, hein, quand même. Ouais. C'est pas énorme, ouais. Sur un lancement, je pense qu'ils vont les écouler assez rapidement. Alors ils veulent peut-être créer un petit peu un effet de manque de stock, quoi, de rupture de stock. Ouais, ça fait peut-être. Toujours un peu vendre, ça, ce genre de truc. Donc peut-être qu'ils essaient. Ça dépend combien de temps ça dure, mais voilà. Bon. Ouais, ouais. Donc Kimishima, il a donné aussi une interview au site Bloomberg en confirmant qu'une large gamme d'accessoires accompagnera la sortie de la Switch. Alors forcément, on pense à ce dont j'avais parlé la dernière fois, ouais, sur les concept art au niveau des Joy-Con, donc les manettes. On enlève les manettes, voilà, sur les côtés et on met d'autres accessoires. D'autres accessoires, on pourrait avoir des manettes customisées, des manettes Super NES, des manettes fusils, des manettes à l'effigie de n'importe quoi. Hein, finalement, tu peux inventer plein de trucs. Alors après, il faut voir les prix, il faut voir la solidité. Surtout qu'on peut penser aussi que les gens perdront leurs manettes vu qu'elles sont petites, hein, je pense que les gens les oublieront. C'est donc possible. Peut-être qu'ils vont se faire un peu un Amiibo bis, tu vois, avec les gens vont les acheter, les collectionner, on en verra dans des ah bah, s'ils en font des trucs sympas à collectionner, je sens qu'on va tomber dedans, hein. Donc côté rumeur, c'est Eurogamer, hein, qui est plutôt bien informé puisqu'ils ont révélé pas mal de choses, hein, faut les suivre. Donc ils avaient déjà annoncé les manettes détachables, les cartouches, le processeur, et là ils ont annoncé un écran tactile de 6,2 pouces dont soit 16 cm. Donc ça, c'est pas trop dur à calculer quand tu sais, il y a des gens qui ont refait presque en 3D pour voir les dimensions, tu vois, en recalculant les distances par rapport à la fin. C'est des calculs savants, des calculs de matheux. Ouais. Hein, je ne sais pas comment faire, mais ils ont réussi. Donc ça fait 16 cm, donc c'est un petit peu plus grand que l'écran de la Wii U, je crois. Ouais, c'est plus grand, ouais, c'est plus grand. Donc pas facile à mettre dans une poche. Hein. Non, voilà, ça confirme que si t'as des baguilles, hein, parce que tu portes des baguilles, mais là, t'as aucun style. Compliqué donc, à porter. Donc un écran qui est capacitif, donc ça c'est important, avec 10 points de contact, hein, ouais, c'était un des problèmes de du gamepad, c'est-à-dire que c'est One Touch. Ouais, donc là c'est tactile 10 points. Tactile 10 points, donc multi-touch. En 720p, donc la 3DS pour information c'est 240p et la Vita c'est du 544p. D'accord. Mais avec un écran OLED donc qui a boosté très un peu, bonne qualité, voilà. Ouais. Donc 720p, on va dire que pour du portable, pour c'est du suffisant, portable, c'est bien. Même si aujourd'hui on a quand même des tablettes qui sont en 1080, oui, des smartphones qui sont en 1080. Bon voilà, maintenant souvent voire plus. Voire plus. Bon voilà, est-ce que ça sert plus sur ces petites tailles d'écran? Ouais. Ça c'est un autre débat, ça c'est pour la partie portable transportable, et quand on y jouera sur sa télé, apparemment le Joy-Con disposerait d'un capteur qui permettrait de se servir comme pointeur sur l'écran TV, donc peut-être qu'il y aurait quand même du tactile aussi sur le Joy-Con sur la manette, et on a aussi peut-être qu'il y aura de la reconnaissance de mouvement dedans. Bon, voilà, on ne sait pas si ça sera le cas. Du coup, a priori, l'image serait upscalée à partir du moment où tu la mets dans le dock, en fait, si je comprends bien. Ouais. Alors, on ne sait pas si le dock il traitera une image. Apparemment, il ne traitera pas une image 1080p. Il upscalerait en 1080p sur ta télé. Voilà, ça paraît quand même un peu étonnant parce que la Wii U était 1080p. Il ne faudra pas avoir de télé 4K parce que là, ça va être vraiment moche déjà. Ça va être déjà dégueulasse. Bon, bref. Alors, à part si dans 2 ans plus tard, ils ressortent un dock 4K. J'espère, peut-être. Bon. Donc, il y a eu des rumeurs aussi un peu farfelues sur les prix. Ah. Donc, on a eu par exemple pointé des prix à 500-600 euros. Ou l'échec. Non, mais tu sais, ça, c'est les placeholders que font les enseignes, c'est-à-dire qu'ils mettent un prix plafond élevé, pour que les gens commandent et fassent leur réservation dans leur enseigne. Puis après, ils descendent le prix. Voilà, mais les sites relais, ce genre de truc, c'est toujours un peu ridicule. Et on a eu un autre prix qui serait plus proche de 249 euros et de 299 euros avec un jeu et peut-être une manette, enfin un pack. Il y aurait plusieurs packs. Je vois bien un truc à 300 euros avec une manette. Moi, je trouve ça un peu cher, mais je pense que 249 euros, ça serait peut-être le prix idéal. Ça serait idéal, mais j'ai des doutes quand même sur le fait que ça soit atteignable. Donc, t'en parlais tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment de l'émission, du possible report de Breath of the Wild, hein, donc le prochain Zelda qui va sortir sur Wii U et sur Switch, qui devait être normal. Alors, il n'y a jamais eu d'annonce vraiment. Non, mais on s'attendait à une sortie en même temps que la console, voilà, quasiment. Donc, en mars 2017, donc ça serait plutôt peut-être début de l'été ou voilà. Fin de l'année, peut-être en 2018, on ne sait pas. 2018, on ne sait pas, ouais. Voilà, donc il y a cette première rumeur. Alors, il y a une autre rumeur d'un Pokémon Stars, donc, qui serait en fait une reprise de Lune et Soleil. Donc, d'où le nom Stars, qui serait finalement la version qui vient de sortir sur 3DS. Ça pourrait faire vendre de la console par bras entier. Parce bon, que, alors, le problème, c'est que c'est déjà sorti sur 3DS. Ouais. Bah, si, c'est vrai que s'ils font autre chose, quoi, parce qu'effectivement, Pokémon Stars, ils se vendent déjà à 10 millions d'exemplaires actuellement. Je veux dire, Moon et Soleil, ils se vendent déjà à 10 millions d'exemplaires. C'est un lancement, mais ils ont un placement à 10 millions d'exemplaires placés en magasin. Ils savent qu'ils vont les vendre. Oui, ils vont les vendre facilement. Je pense que ça va être du 15-20 millions. Et alors, un truc beaucoup plus étonnant, c'est un RPG Mario featuring les lapins crétins. Voilà. J'espère que c'est une rumeur. Bah, alors, c'est un jeu qui serait développé par Ubisoft, avec Nintendo qui serait quand même très, qui serait vraiment avec Ubisoft pour développer le jeu, qui serait très regardant sur ce qu'ils font. Après, Mario va peut-être, ils vont peut-être un peu libérer l'image de Mario, hein, comme ils commencent à y aller sur téléphone, etc. Ils vont se dire peut-être qu'ils peuvent peut-être exploiter un peu plus le plombier. C'est ce qu'ils avaient d'ailleurs dit, hein, qu'à un moment ils voulaient prêter aussi leur licence à d'autres développeurs, voilà pour. Bon, après, les lapins crétins, c'est pas quand même un truc qui est très excitant. C'est pas l'image de ouf qu'on a envie de voir, quoi, mais bon. Et après, les autres rumeurs, c'était lié au portage. Donc, on parle de portage de Mario Kart, on avait vu déjà des images, Splatoon. On parle d'un portage de Xenoblade X Chronicle, donc le jeu de rôle qui est sorti dernièrement sur Wii U. Voilà, il y a aussi, je crois, Smash qui devrait ressortir dans une version avec tous des DLC. On parle de 5 ou 6 portages, puisque forcément, on en parlait tout à l'heure pour la Wii U, il y a des jeux qui n'ont pas du tout trouvé leur public. Donc c'est vrai, peut-être plutôt que de refaire un Mario Kart 9, est-ce que finalement ressortir le 8 avec des nouveaux circuits, quelques améliorations. C'est les poules pour nous qui avons acheté la Wii U, quoi, juste en fait, parce qu'on va se retaper les mêmes. Quoi. Bah oui, après, le truc c'est que pour l'instant j'ai l'impression que ce qui leak c'est uniquement les portages, parce que ça c'est des trucs qui sont externalisés, et donc qui sont peut-être plus faciles à avoir au niveau des informations, parce que c'est des boîtes souvent occidentales qui font ça, et, c'est et le reste c'est le lapin crétin d'Ubisoft, donc Ubisoft tout le monde le sait, c'est ça leak. Ça leak, hein, c'est du Gruyère, donc ça, on y va. Tout le monde a un ami chez Ubisoft. T'as vu là, alors je sais pas, c'est une rumeur ou une info qu'ils avaient. J'ai lu quelque part que Nintendo avait dit qu'ils n'allaient pas abandonner les consoles portables à côté, et qui répondait un petit peu au point de débat que tu avais eu la dernière fois en disant s'ils fusionnent les deux, c'est génial, s'ils fusionnent pas les deux, c'est de la merde. Et là, ils ont dit, genre deux jours après, on fusionne pas les deux, il y aura toujours une portable. Alors après, ils peuvent très bien lancer une portable, une autre Switch plus petite, qui aura les mêmes jeux avec les mêmes cartouches. Et qui pourrait aussi se poser sur la télé. Donc, t'aurais, je sais pas, ton gamin, il a une Switch, une mini Switch. Ah, toi, t'as déjà le plan de développement de Nintendo dans la tête, quoi. Moi, je ne vois pas l'intérêt qu'ils auraient à faire. Moi non plus, mais. À développer encore, à travailler sur deux catalogues différents, ça va refaire la même chose que la Wii U. Ils vont avoir le même problème pour sortir des jeux. Les tiers vont les lâcher parce que la console, elle sera pas assez puissante. Et finalement, ils vont revenir au même point qu'ils étaient avec la Wii U. Je vois aucun intérêt à ça. Bah, moi, je suis d'accord avec toi, mais eux, ils ont dit qu'ils continuaient à travailler sur une portable. Donc, je suis inquiet quand même. Je t'avoue que mon inquiétude se poursuit par rapport à notre débrief de la. Quand on avait fait, on avait parlé du reveal, on n'était pas non plus très optimiste. Non, et moi je suis toujours assez inquiet là, honnêtement. Puis les quelques rumeurs sur les specs techniques qui ne sont pas confirmées, sur la puissance, etc. Ça c'est pas le truc qui m'inquiète tellement. Oh, elle me rassure pas des masses quand même. Hein. Dis donc, c'est pas puissant tout ça. Disons que mon téléphone il est quasiment plus puissant déjà, donc ça commence à être un peu inquiétant quoi. Pas ce qui m'inquiète, c'est vraiment le côté s'ils sortent le même nombre de jeux qu'ils ont sorti en une année sur Wii U. Bon, bref, on verra ça, on en saura plus le 13 janvier. Quand même. Putain, on va faire un podcast spécial le 13 janvier, c'est pas possible. Allez, on passe à la partie critique et conseils. Critique et conseils, et on commence tout de suite avec Dim. Hein. Dim, qu'est-ce que tu as vu pendant ces 15 derniers jours, j'allais dire, mais non, pendant ce dernier mois que tu voudrais soit nous conseiller, soit nous déconseiller? Oh bah écoute, j'ai fait plein de choses, et j'ai été voir entre autres Doctor Strange au cinéma. Ouais, bah moi aussi. Et j'ai plutôt bien aimé le film. Et bah moi aussi. Voilà. Bon bah c'est très bien, une fois on est d'accord. Voilà, tu vois. Voilà. Merci pour ton conseil. Allez voir, c'est bien. Bon, pourquoi t'as bien aimé? Plus sérieusement, déjà pour l'effet de surprise ou plutôt de nouveauté, car c'est vraiment un personnage Marvel qui m'était inconnu, j'ai jamais lu de comics Doctor Strange, donc j'ai trouvé ça plus frais que d'habitude, un peu comme les Gardiens de la Galaxie à l'époque, mais bon après il n'est pas exempt non plus de défauts, par exemple il y a une origin story qui respecte bien, voire trop le cahier des charges Marvel. Le film ressemble un peu, on va dire, au premier Iron Man, mais on remplace le côté technologie de Tony Stark par le côté magie de Stephen Strange. C'est pas faux. On suit un peu le parcours d'un gars super présomptueux, voire même un gros connard sur les bords au début du film, à qui il arrive un événement qui va le faire s'élever au rang de héros. Après c'est un peu un passage obligé pour un premier film Marvel de super-héros, et bon, ça se suit quand même sans déplaisir. Ce qui m'a un peu plus gâché le film, c'est un peu le rythme un peu bizarre. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de passages trop expliqués. Par exemple, c'est le monde bidule qui permet de faire machin truc et tout. Pour ma part, limite on s'en fout quoi, c'est de la magie. Je préfère qu'on me l'explique visuellement que par des passages avec le mentor de Strange, l'ancien, ou Ongle, le bibliothécaire. Surtout que l'entrée en matière dans le monde mystique était assez hallucinante. Je sais pas ce que t'en as pensé, Greg. Clairement. C'était quand même assez dingue. Ouais, c'est super bien foutu. Moi, les effets spéciaux, bon, même s'ils sont clairement inceptionnisés, tu vois, enfin, ils ont quand même repompé un peu ce qui se faisait bien, on va dire, qui plaisait bien aux spectateurs. Tu sens qu'ils ont été assez influencés par tout ça. C'est quand même bien foutu, purée. Franchement, là, comme tu l'as dit, c'est frais, quoi. Ça donne envie de ça, un nouveau film de super-héros. Et tu te dis, ah putain, pour une fois, des scènes d'action que j'ai jamais vues, quoi. Ouais, c'est clair. Je sais que, enfin, voilà, même sans parler des scènes à la Inception, le tout début, quand le Docteur Strange rentre dans le monde mystique, j'ai trouvé ça assez fou, quoi. Enfin, tout ce qu'on pouvait voir. J'ai rarement vu ça, on va dire, dans un, enfin, voilà, au cinéma. Mais pour en revenir au rythme aussi, tu vois, par exemple, je voulais donner l'exemple, on aurait pu apprendre tout ce qui était le monde de la magie par un montage de l'entraînement de Docteur Strange. Alors que bizarrement cet entraînement, je trouve qu'il passe un peu à la trappe. Enfin, on voit quasiment rien, quoi. Ouais. Bon, après l'univers mystique de Marvel a l'air super intéressant. On a l'impression qu'ils ont un peu juste survolé le sujet. J'espère qu'on en verra un peu plus dans la suite, parce que bon, forcément il y aura une suite. Mais après, voilà, j'ai trouvé aussi que le film avait de nombreuses qualités. Et bon, j'en retiendrai surtout deux. C'est d'abord les acteurs et les scènes d'action. Donc pour les acteurs, Cumberbatch et Tilda Swinton, je trouve qu'ils sont vraiment au top. J'ai plus de réserves pour Rachel McAdams. On la voit pas beaucoup. C'est une très bonne actrice. Mais ouais, voilà, c'est une bonne actrice, mais elle fait le job. Mais bon, son rôle, il sert vraiment pas à grand chose. Non, ça c'est clairement mal écrit, ça. Il y a vraiment un gros problème d'écriture là-dessus. Voilà, c'est clair. Bah après, c'est un peu pareil pour Matt Mikkelsen, le méchant du film. Putain, ouais. Mais bon, après ça, voilà, c'est pas trop une surprise. Enfin, on sait très bien que c'est jamais trop le fort de Marvel d'avoir des bons méchants, quoi. Mais bon, après, je suis pas difficile, quoi. Cumberbatch, Matt Mikkelsen dans un même film, je suis quand même vachement content, quoi. Et au niveau des effets spéciaux et des scènes d'action, alors là, c'est, comme on disait, hein, c'est vraiment la folie. Même ce qu'on disait, le côté Inception qui est vraiment poussé à l'extrême. Avec les architectures de Londres, New York et Hong Kong qui changent et se déforment à volonté. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est vraiment les scènes de baston qui défient la gravité. Enfin, la baston finale, pour ma part, elle est juste inédite. Enfin, j'ai trop envie de parler de certains détails, mais bon, je vais pas le faire parce que sinon je vais gâcher le plaisir des auditeurs qui l'ont pas encore vu. Et autrement, pour parler aussi des autres points, j'ai trouvé que l'humour était bien utilisé dans le film. Moi, je fais quand même la partie des gens qui sont assez clients de l'humour dans les films de ce genre-là, quoi. Et enfin, l'univers partagé de Marvel est bien présent dans le film, sans trop être intrusif. Il y a plusieurs références aux Avengers et à l'univers cosmique. Donc, on peut très bien imaginer Cumberbatch dans les futures productions Marvel, les Avengers et autres. Donc, voilà, c'est un bon divertissement à la Marvel. Voilà. Ouais, je dirais que c'était quand même... Ouais. Au-dessus du lot, quoi, même, hein, je dirais, au-dessus du lot des autres Marvel, dernièrement, en tout cas, bon, surtout pour ceux qui, comme moi, ont perdu le fil de dans tout le truc, dans Captain America 12 versus Thor versus machin, enfin, moi, je suis complètement paumé dans tout ça. Moi, perso, j'ai préféré Civil War, quand même, mais bon, après... Ah ouais, moi, Civil War, j'en avais marre, donc... Je peux comprendre, on va dire, que celui-là, on n'a pas besoin d'avoir vu les autres. Ah, c'est ça qui fait du bien, quoi, c'est que c'est nouveau, et ça fait du bien de voir un peu d'un héros que t'as jamais vu, avec des pouvoirs un peu originaux, c'est très sympa, donc moi, je l'avais mis dans mes conseils, plutôt, aussi. Voilà, en mettant une petite réserve, comme tu les as mis, hein, j'insiste dessus, c'est pas révolutionnaire, hein, c'est pas le meilleur film du mois non plus, mais clairement c'est un bon moment, c'est quand même un super divertissement, et je trouve que pour le coup, là, ils ont fait le taf, hein, encore une fois, là-dessus, donc pas mal pour Doctor Strange. Autre film, je reviens vers toi, du coup, Julien, même si t'as beaucoup parlé dans la partie précédente, un autre film peut-être un peu différent dans son style, différent. C'est La Loi du Marché, dont tu veux nous parler, hein, on en avait beaucoup entendu parler avec Vincent Lindon, ouais, hein, quand Vincent il a eu son prix. De Stéphane Brisé. C'est ça. Donc j'ai détesté. T'as détesté. Ah ouais, je l'ai pas vu. C'est de la merde, ouais. Non, j'ai pas dit que c'était de la merde. Je sais clair, j'ai détesté. Ouais. Et le pire, je trouvais que c'était un film détestable. D'accord. Alors pour rappeler de quoi ça parle, hein, c'est donc Vincent Lindon qui joue un type qui galère un peu dans la vie, qui trouve pas de boulot, donc qui a des problèmes, qui va au Pôle Emploi pour chercher du boulot, qui avec sa banquière ça se passe mal forcément puisqu'il y a pas de boulot, il a un fils handicapé. Parce qu'il a pas de boulot. Il a pas de boulot. Et puis il va finalement, ça c'est la première partie, on va dire qu'il y a trois quarts d'heure où il n'a pas de boulot. La deuxième partie, il a un boulot. Ah. Voilà, sauf qu'il est agent de sécurité, c'est moche, dans un supermarché. Et donc là, c'est un peu le côté, il va être la petite tyrannie mesquine, hein, puisque finalement, il va devoir contrôler à la fois les vols qui se font dans ce supermarché, ouais. Mais aussi les vols des gens caissières. Qui travaillent, des caissières par exemple, qui peuvent voler des bons de réduction par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est, voilà. Alors, ce que le principe que ce soit un film social, tout ça, c'est pas du tout un truc qui me pose problème. Hein. Je parlerai peut-être après. On en parle d'ailleurs souvent. On en parlait tout à l'heure du film des frères Dardenne qui était nommé dans les 20 meilleurs films selon les Américains de deux jours une nuit, qui est un excellent film où je pense notamment à Welcome de Philippe Huret. Sauf que là, je trouve que c'est vraiment un film qui vous dit où regarder. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation notamment du hors-champ. À chaque fois qu'il va rencontrer, donc au début, il rencontre quelqu'un qui peut, donc à Pôle emploi, donc qui lui fait faire une formation qui a servi à rien, ce qui peut arriver chez Pôle emploi. Hein. Je n'ai pas dit que ça ne se passait pas comme ça. Non, mais en fait, tu ne vois presque jamais la personne de Pôle emploi. Après, il rencontre sa banquière qui veut essayer de lui faire prendre un crédit pour que voilà. Et donc, tu ne la vois pas tellement. Après, il est encore à Pôle emploi. Il rencontre, en fait, dans le cadre des gens, le juge sur la façon dont il va se présenter pour quand il passe un entretien. Donc, tu vois, c'est une sorte de simulation d'entretien. Ouais. Et là aussi, tu ne vois pas les gens qui parlent. C'est-à-dire que tu vois tout le temps que lui. D'accord. Donc, tu as uniquement le point de vue de Vincent Lindon. Et en fait, jamais tu as le point de vue des autres personnages. Alors, tu peux te dire, c'est un film justement contre ce système-là. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir, qui est englué dans une réalité sociale. Mais à chaque fois, tes personnages, il n'arrive pas à les faire exister. C'est-à-dire que c'est des personnages un peu prétexte pour montrer combien le monde est dur contre lui sans que lui se remette vraiment en question. Et voilà, je trouve cette utilisation du hors-champ, je la trouve vraiment misérabiliste. C'est-à-dire que quand tu vois par exemple un film comme le film des frères Dardenne, où finalement c'est un principe où elle doit, pour sauver son travail, que les gens finalement qui travaillent dans son entreprise renoncent à leur prime pour qu'elle garde son emploi. Et donc quand elle va voir les gens, t'as l'impression, enfin tu comprends pourquoi les gens ils disent non. Tu vois, c'est pas du genre, ouais, tu te dis pas c'est des gros enculés, ils veulent pas l'aider. Tu comprends qu'ils ont des problèmes, que tu vois, ils existent en fait dans le champ de la caméra, les personnages qu'ils rencontrent. Là, jamais en fait les personnages que va rencontrer Vincent Lindon existent. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment pour le coup misérabiliste au possible. Donc voilà, pour moi c'était vraiment détestable. En plus, j'ai pas trouvé ça hyper bien réalisé. Voilà, parfois c'est à peu près digne d'un reportage sur France 3 sur un mec qui chercherait du boulot, tu vois, c'est pas hyper bien. Alors, le film ne veut pas non plus hyper spectaculaire, et c'est pas Doctor Strange, hein. Des trucs, il y a pas des, mais tu vois, je trouve que les frères Dardenne, voilà, il y a une vraie proposition de cinéma. Welcome de Philippe Huret qui parlait des migrants aussi, il y a une vraie proposition de cinéma, il y a une espèce d'énergie. Là, c'est très mou, c'est très des fois, tu vois, tu as envie de le claquer, de lui dire de se bouger un peu, quoi. Tu vois, j'ai presque envie d'être de droite quand je vois le film. C'est Trump qui t'habite encore. Je pense que c'est encore le truc de Trump, quoi. C'est Trump qui revient. Bon, voilà, j'ai trouvé ça vraiment vraiment détestable sur ce point de vue là et Vincent Lindon qui est plutôt pas mal quand même. Alors après, il fait du Vincent Lindon, tu vois, ouais. Le type un peu perdu, un peu lunaire, un peu, mais il est assez bon dans le rôle. Voilà, pour le coup, ça c'était plutôt justifié qu'il ait son prix. Ouais, voilà. Bon, la loi du marché de Stéphane Brisé, faites-vous votre propre avis. Voilà. Mais j'ai un mec, il y a des gens qui me donnent leur avis parce que finalement, j'ai pas vu beaucoup de gens autour de moi qui l'avaient vu. En tout cas, nous, Julien a détesté. Peut-être que Stan l'aura vu. Hein. Ah ouais, si Stan, tu nous écoutes, viens nous mettre un petit ancien animateur. Hein. Du coup, je le répète pour ceux qui ne connaissent pas, ils disent c'est qui ce mec. Excellent ancien animateur. On aimerait bien qu'il revienne, Stanislas, si tu nous écoutes. Voilà. Hein. Reviens. Animé, c'est compliqué. Donc, la loi du marché, venez nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Moi, je vais vous parler, mais sans vraiment en parler, ça va être un exercice un peu compliqué de 10 Cloverfield Lane, hein, donc, que Dimitri a évoqué tout à l'heure dans l'anthologie Cloverfield. Voilà, un film qui est sorti du coup il y a quoi, à peu près un an et demi maintenant, et donc d'une histoire et qui démarre et qui restera en fait quasiment du point de vue du personnage tout le temps de Michelle, hein, qui est une jeune femme qui décide un peu de quitter son petit ami un peu sur un coup de tête comme ça. Elle est sur la route, elle est percutée par un véhicule. Elle se réveille un petit peu après une sorte de mini-coma, un blackout, on va dire plutôt. Elle se réveille dans une sorte de cellule souterraine, sous intraveineuse, la jambe attachée contre un mur, dans une pièce entre John Goodman, hein, Howard, en fait. Parce que c'est pas John Goodman, vous avez compris. Hein, voilà. Donc, c'est Howard, un acteur, c'est un acteur. Joué par John Goodman, voilà, qui entre dans la pièce, qui se présente un peu comme son sauveur, qui lui présente la situation qui se déroule à l'extérieur, à savoir une attaque, le monde extérieur, on ne peut plus y aller, c'est le chaos, on ne peut plus sortir sous peine d'être contaminé par un mystérieux virus. Et donc, il va la garder dans cet abri anti-atomique avec un autre comparse, un certain Emmett. Voilà, qui vont donc cohabiter tous les trois dans cet espace fermé, hein, dans un climat de suspicion c'est extrême. C'est un huis clos. Voilà, c'est un huis clos. On ne sait pas si Howard est vraiment celui qu'il prétend être ou pas. Il y a rapidement des doutes qui se mettent en place. Sont-ils fondés ou pas? Et voilà un peu sur quoi le film repose. Alors, quel est le lien avec Cloverfield premier du nom? Alors, je ne sais pas si je dois en parler ou pas. J'avoue que j'en dirais pas forcément plus. Après, en fait, ce que je disais tout à l'heure, si c'est anthologique, il n'y en a aucun. Voilà. peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a aucun lien ou pas. Je ne répondrai. C'est un peu flou, hein, tout ça. Hein. Est-ce que ça pourrait se passer pendant Cloverfield ? Je ne répondrai à aucune question. Pas vu, non, en fait, honnêtement, je ne répondrai pas aux questions parce que c'est même pas tellement important en fait que le nom Cloverfield soit dans le titre du film. En fait, j'ai plutôt aimé. Je ne vais pas être dithyrambique encore une fois. Ça reste un truc que je trouve plutôt pas mal. En fait, ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de film. Donc, c'est effectivement un film de huis clos. Je ne savais pas du tout de quoi parler ce film. Je n'avais pas vu la bande-annonce. Donc, je l'ai vu vraiment un peu par hasard. Et c'est plutôt un film qui a des bonnes idées. Au fur et à mesure, on a une immersion qui se crée toujours à travers les yeux de l'actrice, enfin de Michelle, du coup, du protagoniste principal. Et voilà, on est à la fois enfermé. Elle a envie de forcément sortir parce qu'elle n'est pas sûre d'être enfermée pour les bonnes raisons ou pas, mais peut-être qu'elle l'est quand même pour les bonnes. Et en fait, la façon de rendre le doute, la tromperie, en même temps l'attachement est hyper bien faite et t'as vraiment envie, tu sais pas en fait à qui faire confiance au final. Tu te demandes même si l'héroïne que tu suis, elle est pas complètement folle à certains moments. Enfin, t'as vraiment un truc qui est bien rendu là-dessus. Et ce sentiment de méfiance, toute cette grande partie, finalement, quasiment l'intégralité du film, en fait, sur ce sentiment de méfiance, sur les motivations étrange ou pas étrange en fait des personnages, je l'ai trouvé bien rendu et ça m'a vraiment surpris sur cet aspect là. Est-ce que c'est un film de monstre? Je ne répondrai pas à cette question. Et alors, est-ce qu'aussi il y a cette idée du point de vue qu'il y avait dans le premier, avec la caméra qui passe de l'un à l'autre? Tu veux dire dans le premier, tu sais, voilà, tu veux dire ouais, dans le ah premier non, là, ça c'est caméra posée, après, c'est pas du tout le même style, ouais, voilà, quelqu'un d'autre trouvait la caméra et continuait en fait le film. Là c'est un film, là c'est une caméra posée, la fille, okay, ils ont pas gardé ce côté. Donc pendant toute l'histoire tu ne sais pas qui est qui, tu ne sais pas qui fait quoi, tu ne sais pas qui croire en fait pendant ce truc là et ça c'est pas mal fait. Voilà, je reste un peu mesuré sur d'autres choix dans le film que je développerai pas ici, mais il y a des trucs critiquables. C'est pas le meilleur film du monde, mais dans l'exercice de style, on va dire, plutôt réussi, plutôt divertissant. Et un des gros points forts du film, j'ai trouvé, c'était les acteurs, enfin surtout John Goodman. John Goodman, voilà, on peut le mentionner. John Goodman dans ce rôle, il est excellent. Il est, justement, ce qu'il fallait à ce rôle, c'est quelqu'un dans la mesure de te faire douter à la fois de la personne sympathique et en même temps complètement dingue. Et en fait, John Goodman, il a typiquement exactement le profil qu'il faut pour faire ça. C'est-à-dire que tu t'attaches à lui hyper simple, facilement. Il fait un sourire et tu as juste envie de lui confier tout ce que tu veux. Et juste après, il peut te faire flipper avec une scène où tu sais pas du tout ce qu'il pense et pas du tout comment tout d'un coup. C'est pas un spoil, mais le moment du dîner où il tape le poing contre la table. Ouais. Oh là, franchement, mais il fait flipper. Mais... Ah, il peut faire flipper d'un coup. Mais d'une ça. Force. Donc voilà, 10 Cloverfield Lane, faites-vous un avis. Je pense que c'est un film qu'on va dire relativement quand même moyen. Je sais que sur Internet, il n'a pas des très bonnes critiques. Moi, il m'a fait passer plutôt un bon moment. Allez-y, hein, si vous avez une soirée, vous ne savez pas quoi faire, vous l'avez trouvé, votre cousin d'Amérique, vous l'a prêté. Pourquoi pas? Ça peut vous occuper. On va continuer avec Dim, peut-être rapidement, je ne sais pas trop combien de temps il est, sur C'est rare, sur un magazine, Dim, que tu veux nous conseiller. Ouais. Donc c'est le hors-série de Mad Movies qui s'appelle 300 films à voir avant de mourir. Donc je pense que tout est dit dans le titre. Ce numéro a été fait pour fêter leur numéro 300. J'avais très envie d'en parler et du coup de l'acheter, car ça m'a fait un peu penser à leur numéro 100, qui tenait un peu du même principe, mais avec que 100 films. du coup. Et le 200, ils avaient fait 200 films. Ah, ils l'ont pas fait, je crois, pour les 200. Donc au moment de sa sortie, j'étais assez jeune, hein, du numéro 100, et je commençais vraiment à m'intéresser de plus en plus au ciné, et surtout au cinéma de genre. Et ce genre de dossier, bah, c'est un peu la porte d'entrée ultime. Et grâce à ça, j'avais découvert ou complété ma connaissance d'œuvres de réalisateurs comme Sam Raimi, Peter Jackson, George Romero, Verhoeven, Carpenter et bien d'autres. J'espère donc que ce hors-série pourra être aussi utile à des jeunes ou moins jeunes à se passionner pour ce type de cinéma. Salut les jeunes. Les jeunes qui nous écoutent. Les jeunes qui nous écoutent. Tu aimes Black M? un peu vieux con. J'ai pas encore tout lu, mais il est assez bien fait avec les films classés par ordre alphabétique et classés en sous-genres comme horreur, fantastique, science-fiction, animation. Il est plus petit qu'un Mad Movies classique et avec un peu moins de photos, mais le contenu est assez énorme. C'est pour ça, sûrement pour ça qu'ils ont choisi ce format. Donc voilà, je recommande chaudement à l'achat de ce hors-série qui pourrait aussi très bien faire un bon complément à Super Ciné Battle, hein, le podcast qu'on évoque assez souvent dans notre émission. Ouais. Et voilà, ce que je peux faire, c'est prendre, là je l'ai devant moi, je prends une page au hasard et dire quelques films pour un peu. C'est un classement ou un... C'est pas du tout un classement, c'est 300 films à voir avant de mourir, donc leurs 300 meilleurs films selon eux, on va dire. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des films vraiment super inconnus. Par exemple, là, j'ai pris une page au hasard. Là, je suis dans les F. Donc, il y a Femina Raidens. Je ne connais pas du tout ce film, un film des années 60 italien. Il y a La fiancée de Frankenstein, Les fils de l'homme. Donc, ça, tout le monde connaît. La fiancée de Frankenstein, c'est lequel? C'est celui de Rolin? Celui de 1935 de James Whale. Ouais. C'est celui de Jean Rollin. Voilà, il y a la Forteresse Noire, Frankenhooker, Frankenstein Junior. Bon voilà, j'ai pris une page au hasard, mais en tout cas, super bien fait, vraiment complet, je vous le conseille. Ça marche, bah écoute, c'est un bon conseil. De toute façon, Mad Movies, ils sont spécialistes dans leur genre, ouais. Et on leur fait entièrement confiance pour ce genre de film. Donc c'est vrai que moi j'ai été abonné pendant pas mal d'années aussi. Et c'est une bonne idée de conseiller ce Mad Movies hors série, les 300 films à voir avant de mourir, et on finira par un conseil jeu vidéo. Ça faisait longtemps. Bah ouais, ouais. Et je suis surpris que tu l'aies déjà testé, déjà fini. Ah bah oui, il est sorti début octobre. Ouais, c'est vrai, on marque Gears of War 4, donc le reboot de la série. Quelque part. Oh, la suite. La suite. La suite, puisque ça se passe, je sais plus, 10 ou 15 ans après l'équipée de Marcus Fenix. Donc, c'est un peu le jeu, on va dire, le jeu François Fillon. Ah, bah, il va se faire élire alors. C'est-à-dire, c'est le jeu de droite, le jeu conservateur, qui ne tente pas beaucoup de choses. Hein, on sait pour qui on vote, on sait ce qu'on a dans son assiette, on sait ce qu'on a dans son écran. C'est Gears of War 4. Donc, déjà, j'aurais d'ailleurs préféré que ce soit le jeu Donald Trump. Le jeu de Donald Trump, il aurait été peut-être plus vulgaire, un peu comme les premiers. Là, on va dire qu'ils l'ont un peu polissé, ce qui m'a un peu dérangé. C'est-à-dire que donc on incarne le fils de Marcus Fenix, qui a vraiment une face de cul. Hein. Là, c'est vraiment, il y a pas d'autre mot. Il ressemble en fait à Nathan Drake, mais avec un filtre Instagram gros. Toi, ou un filtre Snapchat. Toi, un filtre Snapchat. Tu sais, quand tu mets les gros filtres Snapchat, ben, il est comme ça, donc il est super bodybuildé et il est super moche, il a zéro charisme. Et alors, il est accompagné d'un type, d'un noir dont j'ai déjà oublié le nom. C'est pour dire à quel point il m'avait marqué, et d'une fille qui s'appelle Kate. Alors là, on la découvre un peu plus parce qu'elle va chercher sa mère et on s'en fout complètement. Hein, c'est-à-dire qu'elle va chercher. Et alors, le problème du jeu, c'est que, alors c'est pas vraiment un problème, c'est qu'il se veut un petit peu plus sérieux. On parle souvent avec Dim des premiers Gears of War qui était très très vulgaire, donc très Donald Trump hein, pour le coup, et ça moi j'aimais beaucoup ce côté On aime Trump ici. Bah ouais, mais ce côté voilà, c'est hyper vulgaire, presque un peu potache, c'est voilà, on se rappelle des trucs avec la reine, et là il y a beaucoup, c'est vraiment, au début ça commence avec que des robots, donc t'as plus les locustes, après t'as d'autres, et ça insulte moins, voilà. Et c'est après nul, c'est un jeu qui est vraiment très conservateur dans ses mécaniques, un peu comme ce qu'avait fait 343 Industries avec Halo 4 quand ils avaient repris la licence de Bungie. Là tu sens que The Coalition, donc a repris après Epic, ils ont cherché vraiment à contenter les fans. Il y a très peu de nouveautés. Alors les quelques nouveautés, c'est que quand t'es donc ça reste toujours un TPS très très efficace au niveau du gameplay. Quand t'es au niveau des covers, tu peux attraper un ennemi et le balancer vers toi. Et après, ils ont aussi joué avec tout ce qui est environnement extérieur. C'est-à-dire qu'il y a les tempêtes qui vont en fait influer avec des tempêtes où t'as du vent. Donc quand tu vas lancer une grenade, ça va le faire aller plus loin. Il y a parfois des éclairs qui vont pouvoir te tomber sur la gueule. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Le jeu est très très bien, à peu près un acte sur deux. Il y a 5 actes, c'est-à-dire qu'au début, tu as un truc avec des robots, tu t'en fous complètement, les robots, ils n'ont aucun look, et après, quand tu rencontres Marcus Fenix, je spoil un peu, mais bon, c'est pas très grave, tu vas rencontrer Marcus Fenix, là, il est vraiment cool, parce que Marcus Fenix, tu vois, il parle un peu comme à l'ancienne, il est un c'est badass, quoi. Voilà, il est un peu bourru, un peu bas de plafond, tu vois, à l'américaine, quoi. Spoil. Voilà, donc là, il est vraiment très très cool. Et après, le quatrième acte est très bien aussi. Ça se finit pas trop mal, mais voilà, c'est très très conservateur. Il y a quand même assez peu de nouveautés. Ça se joue quand même très bien. Il y a un très bon mode multi, notamment le mode Horde. Mais tu te dis, voilà, ça, ils auraient vraiment peut-être pu quand même essayer un peu de renouveler. On sait que le premier Gears of War, c'était quand même un jeu qui avait renouvelé le jeu d'action. Depuis Resident Evil 4, dont il prenait un peu la suite, c'était peut-être le jeu d'action le plus important, avec son système de cover, son côté très très rentre-dedans, son côté un peu lourd. Là, finalement, c'est le même jeu, alors un peu plus beau, c'est plutôt joli d'ailleurs. Hein. C'est avec, je pense qu'avec Uncharted 4, un petit peu en dessous, ça reste le plus beau jeu de cette génération. Il y a des super intérieurs, il y a des trucs vraiment magnifiques, mais c'est un peu le même jeu qu'il y a 10 ans. Ouais. Voilà, donc c'est un bon jeu, hein. Je peux pas te dire que j'ai pris quand même du plaisir, ça dure une quinzaine d'heures, mais il y a quand même très très peu de nouveautés. Ça manque ça manque de fun, on te sent vraiment pas convaincu. Ouais. Là. Bah, moi je sais que ce que j'aimais dans les Gears of War, c'était au-delà du jeu de tir et du gameplay, c'était le comme tu disais, l'aspect un peu nanar et, moi, j'étais parti... et comique, ouais. comique quoi. Moi j'étais partisan de ce côté un peu con. Un peu premier degré, mais en même temps assumé, tu vois. On parlait tout à l'heure de Starship Trooper, il y avait ce côté, sans le. Il y avait pas, c'était pas tellement subversif. Alors que là, c'est un peu plus sérieux, tu vois. Elle va chercher sa mère, donc à un moment, ils essaient de faire des trucs un peu plus poignants. un peu plus. Alors c'est pas non plus, c'est pas un truc. Ils sont pas non plus à un niveau à Last of Us. Hein. C'est pas aussi. Non mais c'est pas aussi sérieux que ça. Je veux dire, c'est pas. Non mais c'est pas un truc aussi sérieux que ça. Ça reste quand même assez de la série B. Mais tu vois, avant c'était de la série Z. Ouais. Là c'est vraiment de la série B. Et souvent le passage de la série Z à la série B, c'est jamais très bon. Non, c'est pas faux. Mais après, ça reste un jeu très très bien calibré en termes de gameplay. Bon. Si vous cherchez un gameplay TPS. C'était quand même un podcast assez After Eight hein, pour toi, pour le coup. C'est vrai qu'entre Stéphane Brisé et Gears of War. T'as passé un mois de merde, Julien, hein, vraiment. Non, j'ai joué à Blood Bowl 2, mais j'en parlerai la prochaine fois, c'est très bien. Ça marche. Bon, on va terminer ce podcast, comme d'habitude, avec les sorties ciné des 15 prochains jours, avec le 23 novembre. Alors, on a tous les trois, on a été assez originaux en fait. Hein. On a tous les trois sélectionné Alliés de Robert Zemeckis, donc avec Brad Pitt et. Marion Cotillard, c'est ça, hein, où ils incarnent quoi, des espions, si je me souviens bien. Bon, je me souviens plus trop de la bande-annonce à cette heure-ci. Si, la bande-annonce, voilà, il tombe amoureux d'elle et puis après, on lui dit peut-être que c'est une espionne. Ah oui, c'est ça, peut-être que c'est une espionne allemande. Et donc après, ça va être la suspicion domestique, presque. Qui n'est pas un mauvais thème, Robert Zemeckis. Moi, je suis assez fan, je pense que vous l'avez sélectionné un peu pour ça aussi, vous deux, hein, j'imagine. Ouais, moi, c'est essentiellement pour ça. J'ai même pas vu la bande-annonce. Parce que moi, bon, j'avoue dit que Marion Cotillard, elle me gaffe beaucoup comme actrice. Je trouve pas qu'elle soit une excellente actrice. Mais... Alors par contre, j'ai l'impression qu'ils ont rajeunit Brad Pitt au niveau et Benjamin Buttonien. Ouais, c'est passé, il vieillit vraiment en fait à l'envers ou qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. On dirait qu'il a 28 ans. Non, on dirait qu'il est dans le milieu coulunaire là. Hein, non mais c'est vraiment étrange, donc voilà, il est magnifique hein, bien sûr. Ouais, très très beau. Mais bon, ouais. Mais bon... moi dans l'abandon, j'ai bien aimé ce côté traitement, tu sais quand ils ont le côté, il a ce côté suspicion, il sait pas s'il va devoir l'éliminer. Il bon, ouais, c'est classique hein, c'est un thème intéressant quand même, c'est un thème classique. Entre ton pays et ton amour, voilà, intéressant. Mais je trouve que bon voilà, c'est Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, je lui fais confiance quand même. On a tous les trois aussi je viens de voir la remarque de Tim sur le pardon sur le conducteur les cerveaux qu'on a tous sélectionnés avec Julien en réserve sur le casting. Tu l'as sélectionné, je sais même plus ce que c'est les cerveaux. Les cerveaux, c'est la comédie avec Zach Galifianakis, voilà. C'est ça, avec Owen Kirsten Wigg et surtout Kirsten Wigg hein, à part je l'ai sélectionné pour le casting. Ouais, mais ça c'est pas très drôle. C'est un peu pareil, c'est une comédie sur des gens qui font un braquage en gros, et pourtant c'est des gros abrutis. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça le pitch en fait. Oui, c'est ça, globalement. C'est super attendu, super déjà vu. T'as autre chose à dire là-dessus, Dim, sur les cerveaux? Non, bah moi c'est pareil, c'est pour le casting aussi. Ouais, bon, ça a l'air quand même. Il avait mis quoi comme. Bah, je sais pas, justement, il y a marqué un film dont je cache le titre pour faire une vanne. Bah oui, parce qu'il y a un nouveau film de Verhoeven et vous l'avez même pas sélectionné, je suis un peu déçu. Un nouveau film. Putain, je sens qu'on va pas la comprendre. C'est quoi? Je l'ai pas la blague. Eh oui, il s'agit bien de Friend Request de Simon Verhoeven. Oh putain. Non, c'est un film d'horreur avec. Avec un Facebook, le F de Facebook au début là. Oh putain. Ouais, voilà. En fait, à la base, je voulais même pas le sélectionner, mais juste pour la vanne avec Verhoeven. Je me suis dit, allez hop. Je me mets. Bah, ça non, perd, non, top, mais. Hein. Non, non, n'allez pas voir ça. N'allez pas voir cette merde. Et Julien, toujours le 23 novembre, t'as sélectionné Une vie, c'est ça le film? Oui, de Stéphane Brisé. Parce que je voulais, comme j'avais vu, comment... c'est pour te... La loi du marché. Non, en fait, c'est l'adaptation du bouquin de Maupassant. Et je suis un grand fan du livre de Maupassant. Je l'ai lu quand j'étais tout jeune et c'est un super roman. Voilà, bon, Maupassant, c'est un des plus grands écrivains français. Et j'avais adoré Une vie. Ouais. Alors là, c'est complètement... Ça a l'air totalement différent de La loi du marché. Ouais. Ça a l'air un peu, d'ailleurs, un empoulé comme mise en scène. Bon, ouais, c'est un truc en costume. Voilà, il a pas l'air d'avoir fait quelque chose de très original, mais comme je trouve le roman génial, bah, voilà, je me suis dit pourquoi pas, je n'irai pas le voir, mais comme j'avais parlé de Stéphane Brisé juste avant et que... Tu voulais un peu redorer voilà. Son truc. Bon, surtout parler de Maupassant et de Une vie. Que... C'est un bon prétexte. Donc la semaine d'après, le 30 novembre, quelques films ont été sélectionnés par nos soins, donc Dim et moi on a sélectionné Sully. Alors moi, sans grande conviction, Sully c'est le nouveau film de Clint Eastwood. Voilà, sur ce fameux pilote qui avait réussi à faire amerrir, je pense qu'on dit comme ça, je sais pas, en tout cas atterrir un avion sur l'eau, sur le Hudson, ouais, c'est ça, sur amerrir, donc voilà. Et c'est un peu sur l'après, en fait, amérissage de cet avion, puisque c'était devenu un héros, mais un héros peut-être contesté, hein, donc ça. Peut-être ça ressemble à Flight, je sais pas, un peu, ça m'a fait un peu penser à ça. Ah ouais, justement, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Est-ce que c'est tiré de la même histoire ou Non, c'est pas tiré de la même histoire. Enfin, pas à ma connaissance, mais parce que Flight, il me semblait que c'était une histoire inventée, mais je suis pas sûr maintenant que tu le lis. Bah, c'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe en tout cas. Ah ouais, je me suis dit que Flight avait peut-être inspiré de ça. Peut-être. Je sais pas. Peut-être le même fait divers. En tout cas, moi, c'est sans conviction parce que c'est vrai que j'ai un peu lâché Clint Eastwood depuis quelques films. Il me touche moins qu'avant, hein, j'avoue. American Sniper, t'avais pas aimé? Non. J'avais pas trop aimé, j'avoue, j'avais un peu décroché, mais bon, là-dessus. Ensuite, on a sélectionné Alors attends, tous les trois, non, tous les trois, si on a sélectionné Sausage Party aussi. Ah ouais. Mais moi je l'ai placé après le film que j'avais sélectionné. C'est pour ça que ouais, vas-y, balance déjà le. Alors l'autre film sélectionné et que j'ai sélectionné aussi, c'est Rocco. Voilà. Bien sûr, hein, bien sûr, Rocco, le film. Donc le 30 novembre sort ce gros tirail, ce gros film. Cette grosse pellicule. Cette grosse pellicule bien garnie. Rocco. Moi quand j'ai vu la bande annonce, j'ai pas su au début dire si c'était un film ou un documentaire. C'est un documentaire. Effectivement, filmé film. Ouais. J'étais voir la bande annonce par curiosité et ouais, ça fait vraiment un film en fait. Hein. Par curiosité. Il y a une réplique que j'adore dans le film, c'est un mec qui parle, donc c'est l'agent de l'actrice, et il dit oui, tu tournes avec Rocco le 24 et ouais. On t'enterre le 25. Ouais. Il y a plusieurs allusions à ça. Il y a plusieurs allusions à soit sa violence, soit la taille de son membre tellement énorme qu'il tue les gens. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il faut le comprendre. Bah, oui, il y a quand même un aspect un peu. Enfin, ça ressemble à un documentaire tellement bien filmé qu'on se demandait si c'était effectivement un film remis en scène après, rejoué presque. Ouais. Après, voilà. En fait, en vrai, au début, je me suis dit, il est con, Julien, de nous mettre des conneries pareilles. J'ai quand même été voir la bande annonce. Et en fait, non, ça a l'air vraiment pas mal. En fait, ça a l'air hyper intéressant à voir. En fait, moi je l'ai sélectionné parce qu'il y a un truc qui me fascine chez les acteurs porno, c'est finalement leur après leur vie, c'est à dire quand ils rentrent du boulot, ouais, comment ils vivent, parce que c'est aussi ce dont ils parlent. On voit la femme, on voit son fils, donc c'est voilà, il y a tout ce côté qui est difficile à assumer. Alors peut-être c'est encore plus dur pour une actrice que pour un acteur, mais voilà. Donc là tu te dis, quand le mec il rentre, enfin il parle de quoi, il pense à quoi, comment ça se passe au niveau du lit conjugal, tu vois, c'est un espèce de truc où comment il arrive à déconnecter. En fait, il y a la façon dont il gère sa carrière aussi, voilà. Il y a un moment, ils font allusion à son dernier film, visiblement, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, il va tourner son dernier film. Enfin, ça a l'air de vraiment traiter un grand panel de toute sa vie. Il a l'air assez âgé dans certaines images du film. Oui, il est un peu sans phare. Ouais, il a l'air ridé, etc. Enfin, voilà, c'est assez surprenant de le voir. Et puis, ce côté aussi blues, aussi du blues de l'acteur. Il y a un moment où il y a une nana qui lui dit, ah, j'ai 23 ans, je sais pas quoi. Il fait, mon fils a 24 ans. Ah oui, ça c'est glauque. Et tu le sens super mal. Il dit, ah, c'est pour ça que j'arrête. Tu vois, enfin, c'est à la fois glauque et ça a l'air d'être hyper intéressant en fait. Donc, moi je l'ai pas sélectionné parce que c'est un peu comme quand j'achète un Blu-ray ou voilà, j'adore le film, mais j'ai pas envie de regarder le making-of, savoir comment sont faits les effets spéciaux. Là, c'est pareil, j'ai envie de garder un peu la magie de ces petites productions qui sont cachées dans mon dossier compta de mon ordi. Mot de passe 1, 2, 3, 4. Merci qui, merci Upcast. Et enfin, du coup, on a un peu spoilé, enfin pas enfin parce qu'il restera encore deux films. Donc Sausage Party, directement en lien avec Rocco, comme tu le signalais bien, Julien, dans le doc partagé. Une histoire de saucisse. C'est une histoire de saucisse. Donc il y a un film qu'on pourrait croire, c'est un film d'animation, qu'on pourrait croire du coup pour enfants, qui n'est pas un film pour enfants du tout. Visiblement. Si tu peux nous en parler un peu plus, je sais pas si t'as des infos là-dessus. On est sur YouTube. Comment? Parce qu'il paraît, c'est vraiment tourné sur le cul. C'est Seth Rogen, Kristen Wiig, encore une fois, dans ce film d'animation. La bande-annonce, on ne dit pas beaucoup, finalement. Non, on voit juste des saucisses qui, au début, sont contentes d'être là et finalement, qui vont voir une tomate se faire, ou une espèce de pomme de terre. C'est une tomate qui découvre qu'elles vont se faire manger, Voilà, qui va se faire découper par l'humaine, un humain. Et donc, la bande-annonce dure peut-être, je sais pas, une minute, donc on ne voit pas du tout quel est le ressort scénaristique du film, mais pour le coup, ça a l'air assez drôle. Ça a l'air funky, c'est a priori la vengeance des aliments sur les humains, et les aliments ont l'air d'être hyper fun. C'est moins drôle que les fruits Oasis. C'est vrai. Tu vois, je trouve quand même beaucoup plus drôle les fruits Oasis. Ils mériteraient un long métrage. Dis pas ça trop fort. Et ça, pareil, moi je me dis, pour vous, c'est une évidence parce que vous êtes sur Paris, mais si vous êtes comme moi en province. N'allez surtout pas le voir en VF parce que la VF, elle est. Enfin, la tête d'affiche, c'est Cyril Hanouna. Et mes chéris. Voilà, si vous avez un ciné qui a accès à la VO, allez-y. Sinon, demandez à votre cousin d'Amérique aussi. Hein. Mais c'est vrai que ça, c'est terrible parce que là, j'ai vu Kung Fu Panda 2. Et à la fin, tu vois, tu sais, le casting US. Alors, je l'ai vu en VF parce que j'ai vu avec ma fille. Et quand tu vois, il y a Angelina Jolie, il y a Seth Rogen. Et là, nous, on a, je sais pas, c'est Manu Payet, quoi. Ouais, et encore, c'est pas le pire doublage. Encore Manu Payet, ça va, ça va. Franck Dubosc. Ouais, c'est pas Cyril Hanouna. Ouais, mais là, il y a un pur casting. Il y a Gary Oldman. Enfin, il y a des trucs de juste dingue dans la casting US. Donc, à voir en VO, parce qu'en plus, c'est. En plus, je crois que le film est interdit au moins de 12 ans. Donc, vraiment, c'est pas vraiment, vraiment, vraiment pas pour les enfants, a priori. Non. Et contrairement au dernier film que t'as choisi, Julien, qui est Vaiana. Vaiana, oui, donc c'est le nouveau Disney, qui a l'air quand même très très beau techniquement. Donc moi je trouve que Disney, ils sont quand même de retour depuis pas mal de temps. Depuis Réponse. Ouais, depuis Réponse, bah depuis en fait que, comment s'appelle-t-il, John Lasseter est arrivé pour prendre les rênes à la fois, bon, il est toujours chez Pixar et en même temps chez Disney, il y a eu la Reine des Neiges qui était très bien, la Princesse et la Grenouille qui était très très bien aussi, qui était un petit peu avant, il y a eu Réponse, il y a eu dernièrement, moi j'ai beaucoup aimé Zootopie. Ouais. Ça y est, je l'ai enfin vu. Donc là, bon, ça a l'air pas trop mal. Je sais pas trop quel est encore le ressenti. J'ai pas vu la bande-annonce encore, je t'avoue. Mais c'est très très beau. Donc un peu le retour aussi à une princesse. De toute façon, on va en entendre parler. S'il y a des chansons, on va les entendre. Ah bah, ça on va, est, hein, voilà, ouais. On est comme ça. Donc Vaiana. Tout ça sort le 30 novembre. Ouais. Hein, mais on ira quand même plutôt voir Rocco. Voilà. Ça, c'est sûr. Faut pas que je me trompe et que je n'emmène pas ma fille voir Rocco au lieu de Vaiana. Ça serait moche pour son éducation. Bon, en attendant, on essaiera de se retrouver dans 15 jours. Alors, sera-ce, est-ce qu'on fera un podcast normal ou un podcast spécial fin d'année, on ne sait pas encore. Faut déjà qu'on se consulte. Est-ce qu'on le fait en fin d'année? Parce qu'après, ce sera les vacances. Bon, ouais. On en parlera entre nous hors enregistrement. D'ici les 15 prochains jours, on vous dit à bientôt. Je suis fatigué. Au prochain podcast. Non, on va très fatigué pour ce podcast. On va finir en musique quand même. On va finir en musique. Et c'est pas Julien qui a choisi. Eh non, j'ai pas pu placer mon Leonard Cohen. Mais... C'est Dimitri qui a choisi. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as choisi pour la fin en musique? Une reprise de Leonard Cohen. Bon, bah, alors, vous, enfin, non, même pas. Mais vous me connaissez, hein, moi qui suis un gros fan de métal. Bon, je pense qu'à moins de vivre dans une grotte, vous avez entendu parler que Metallica a sorti un nouvel album, et même un double album qui s'appelle Hardwired to Self-Destruct. Donc, c'est une sorte de best-of où ils font un peu le tour de toute leur carrière, des débuts assez trash avec des titres comme Spit Out of the Bone, ou des titres plus rock comme Man and Kind. Donc, c'est un album assez long, mais pas lassant car il est assez varié. Si vous l'avez pas encore écouté, que ça vous intéresse, si vous voulez vous faire un avis, ils ont mis en ligne l'intégrale de l'album sur YouTube avec un clip par titre. Ils ont diffusé 13 titres la veille de la sortie de l'album. Donc bref, les papys, bah, ils ont toujours la forme. Et pour vous le prouver, j'ai sélectionné un morceau, Murder One, que j'aime beaucoup et qui est un hommage à l'Emmy de Motorhead. D'ailleurs, le clip est super sympa car il retrace tout son parcours à l'Emmy sous forme de dessin animé. Donc voilà, je vous laisserai regarder et puis bah, là, forcément l'écouter. Et alors pour le coup, le morceau que tu as choisi, c'est un morceau qui fait référence à quelle époque de Metallica ? Bah c'est un morceau qui sonne un peu, je trouve, un peu stoner. Ça sent un peu, voilà, un peu la bière, les bagarres dans les bars. D'accord. Toute la carrière de Metallica, quoi. Parce que tu sais, moi je me suis arrêté avant le Black Album, hein, donc. D'accord. Bah, je te conseille de Justice, Justice for All, Ride the Lightning et Kill Them All, quoi. Bah, je te conseille de l'écouter, celui-là. Moi, j'ai écouté l'album cet après, mais ouais. J'ai plutôt bien aimé. Je dois avouer qu'il est efficace et effectivement, il n'a pas cet aspect répétitif qu'on peut avoir quand on n'est pas fan de métal et que tu écoutes un album de métal où tu te dis, bah, elle est quand la fin de la chanson? Ah, il y en a déjà eu 4, d'accord. Est-ce que c'est encore du métal? C'est un autre débat. Ouais, est-ce que c'est encore du métal? C'est une vraie, c'est une vraie question. C'est plutôt du rock. Il y a vraiment des titres très, très, très trash quand même. Il y a des titres qui m'ont surpris, j'avoue. J'avoue qu'on... Alors, rappelle-nous le titre du morceau qu'on va écouter, Dim, c'est. Murder One, donc de Metallica. D'ici là, on vous souhaite bon 15 jours, deux bonnes semaines. Et vous pouvez nous retrouver sur upcast.fr, venez mettre des commentaires, @upcastfrance sur Twitter. On vous attend dans les commentaires pour nous répondre un petit peu sur tout ce qu'on vous a posé comme question, pour nous donner vos avis sur tout ça, nous dire ce que vous allez voir au ciné, nous dire si vous avez vu les mêmes films que nous, si vous avez détesté le film de Brisé comme Julien. Ah oui, faut le dire. Et si vous, surtout, si vous allez voir Rocco et si vous allez voter pour Trump aux prochaines élections. Et pour Fillon. La droite en force. Podcast de droite maintenant. C'est bon. En même temps, on n'était jamais un podcast de gauche. Mais... Voilà, il n'y a plus personne maintenant. C'est bon. Allez. Alors 15 jours. Salut. Allez, salut.